tous les soirs sur Skyrock. Et presque 21h sur Skyrock. Salut tout le monde, bienvenue. J'espère bonsoir. Que vous allez bien. Bonsoir, mais quelle voix de crooner ce soir. Ah ouais, mais c'est un magnifique. Bonsoir, gosse, mes amours. Ah ouais, lover, non, mais... lover ou pervers, ça dépend. Hein. Absolument, ouais. Bonsoir, Romano, comment ça va? Ça va, ça va, ça, ça va. Va. Ça va. Content de vous retrouver, vous tous et vous toutes. Bonsoir, la Marie. Bonsoir, Karim. Bonsoir. Salut tout le monde. Salut, Samy. Salut, salut. Romain des réseaux sociaux est derrière. Yes. Il est toujours derrière. Enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est tout intéressant à savoir. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de Skyrock. Vous pouvez aller au 01 53 40 30 20 pour nous appeler et tomber directement sur la Marie, sur Karim, sur Samy. Et sinon, ouais, vous nous laissez des messages. Ça arrive directement sur nos écrans. Scruté par les yeux et lunettes de Romano. Il a des yeux spéciaux pour scruter tous vos messages. Et est-ce que tu vois du, est-ce que tu vois du monde sur les messages, Romano? Ah, Albanais Forever. Salut. 9, G-Unit. Léo du 59-490. Moi, je salue le PG. Bonjour, wow. Jean-Claude le PG. Je salue Black Nougat qui vient d'arriver. Samir aussi qui est là avec nous. Y'a Blue, dit Foul le beau gosse. Oh, t'es, toi, t'as un super pseudo, là. Salut à Julio. Salut Julio. Salut à vous tous et à vous toutes. Hein. Julia, tiens, il y a Julio et Julia sur les messages. Envoyez-nous vos messages, vous avez vu, ça arrive directement ici. Bonjour à Margot. Enfin, un gros bisou, là, Margot. On salue tous ceux qui sont là, toutes celles qui nous, Parisien qui nous rejoignent 17, tous les soirs. À vous, Victor. Quand je vous ai dit qu'il avait des yeux à lunettes supersoniques pour lire tous vos messages. Parce que ça défile, ça défile. Bon, on vous attend jusqu'à minuit en direct. Alors, n'envoyez pas des pseudos trop compliqués, parce que Romano a des problèmes à lire des messages. Bah, c'est Titlili. Des mots de plus de Titlili, il doit y avoir 8 lettres, 9 lettres maintenant. Ah ouais, voilà. C'est balèze ça. Alors, attention, faites gaffe. Bon, on a Cédric avec nous, tiens, on va prendre quelques nouvelles de Cédric. Il est là, il arrive. Il est toujours là avec sa clavicule cassée et ses quêtes cassées également. Je suis allé le voir vendredi, Cédric. Non, samedi. Eh ben, c'est pas beau à voir. Hein. Enfin, c'est pas beau à voir sa maison. Lui, ça allait. Lui, il était en pleine forme. Hein. Oui. Il est en pleine forme. Ah bah oui, t'es en pleine forme. Je sais, pas ce qu'il avait pris, mais il est venu nous chercher en bas parce que je suis allé avec Karim. Il est venu nous chercher en bas de la, en bas de ça, de son taudis. Ouais, moi aussi, je crois qu'il veut pas nous donner le code en fait. Ah, c'est je ça. Je crois que c'est ça. Je me suis demandé pourquoi il était descendu alors qu'il est pas bien. Il est pas bien. Moi, je l'ai vu samedi en pleine forme, le bel. C'est pour rassurer tous les fans de Cédric. Il y a Claire qui demandait des nouvelles de Cédric. Et bien Claire, Cédric va très très bien. Tu auras d'ailleurs de ses nouvelles. C'est que le il va s'en sortir. C'est On a raté notre coup. Malgré tous tes espoirs, Romano, oui, c'est possible, c'est possible. Ça va pas mieux, Cédric. Bah si. T'inquiète pas. Ah, bonjour Cédric. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Ça va. Hey, faut laver chez toi. C'est ça là. Monsieur propre. Ah non, mais c'est dégueulasse. Il y a des trucs, c'est hallucinant. Il y a des boîtes à chaussures, mais partout, et ça pue les pieds dans l'ensemble de l'appartement. J'ai cru qu'il avait fait une raclette quand je suis rentré. Karim, lui, a voulu sortir immédiatement. Je lui ai dit, allez, un peu de courage, Karim. C'est quand même Cédric, faut quand même qu'on aille prends le voir. Vas-y, prends sur toi, mets une pince à linge sur le nez, fais comme ça, enfin, fais un truc. Ouais, et à la fin, je suis resté que sur le balcon, les gars. Ah, il n'arrivait pas à rentrer tellement c'était. Est-ce que sur le balcon, mais comment? Comme Cédric. Est-ce qu'il était encore dégueulasse avec des pots de peinture rouillés, des restes de couscous, une bâche bleue dégueu? Non, il y avait des bouteilles d'eau, gros, sur le balcon. Ouais, non, des bouteilles de pisse. Ah bah c'est Cédric, ça, stock de la pisse sur son balcon. Oh ah ouais, comment ça va Cédric? Ça va tranquille. Bah moi j'ai pas le droit d'y aller, cette grosse pute, je voulais y aller ce matin. Et t'as recalé ou quoi? Il me fait je me lève. Ouais, ah. Mais là plus, je prends des médicaments qui me couchent. Oh j'ai trop. Ouais bah ouais. Pour voir ça, non merci. Ah bah, donc les nouvelles, vous les vouliez. Callaghan demande d'ailleurs, parce que Callaghan s'inquiète beaucoup pour toi, Cédric, tu le sais, hein. Ça ne t'inquiète pas, Callaghan. La petite salope du 9-3 va bien. Capucine nous dit heureuse d'entendre Cédric le Belge. Capucine, 18 ans, salut à toi. Ouais, bisous Capucine. Salut Cédric, il y avait des capotes et du sperme partout. Ah ça j'ai pas regardé, je suis pas allé jusque dans la chambre. J'ai évité la chambre. Hein. Non, parce que dans la chambre j'avais un chien qui m'empêche de rentrer dans la chambre. Ouais, parce que Cédric se fait à l'amende par un animal. Mais de ma gueule, grosse merde. Non mais il fait 10 centimètres de haut, le chien. Il fait un boucan. Ouais. Bon, ah donc mais Karim, il a flippé quand il a vu le chien, je peux te dire. Ah ouais, c'est un chien, c'est un animal, gros. Attends. Il allait me sauter dessus. Ah, Cédric aussi. Ouais. Attends, ouais, aussi. Donc, Cédric, les nouvelles sont bonnes, ça nous fait plaisir. Ça va, nickel. Nickel, quelque chose à dire aux auditeurs, aux auditrices qui. Bah, je vous fais des gros bisous, ça me fait plaisir. Ah bah, pas eux. Tu parles d'un cadeau. Le gâteau au chocolat que tu m'as ramené était très bon, Difou. Je suis en train de terminer, là. Ouais, depuis samedi. C'est que bouffer. Mais tu manges le gâteau de samedi. Ouais. Et après, tu t'étonnes d'être malade. Ah, on est que lundi. Ah bah ouais, on est que lundi. Ouais. Non, mais sinon, garde-nous jusqu'à lundi prochain, gros. Finis. Ouais, mais pas quand Romano viendra te rendre visite. Ouais, tu m'offrais un bout de gâteau. Histoire de le remettre. Un petit peu, ouais. Parce que moi, je comptais rien amener, hein, je te le dis honnêtement. Ah, si, tu vas ramener quelque chose, attends. Ah là là. Je vais ramener carriole. Bah oh, écoute, quelque ça, chose. Sympa. Bon bah Cédric, dès qu'on a besoin de toi, on te fait signe si tu t'endors pas avant, parce qu'il se shoot au Médoc actuellement. Bah ouais, normal. Contre la douleur. Je te baise ou pas tout à l'heure du coup. Je te baise rien du tout, mon pote. Ah donc tu joues pas. Tu veux pas jouer au clash, Cédric? Si t'inquiète, je vais pas prendre mon médicament tout de suite. Si je dors pas, appelle-moi, t'inquiète pas. Ah non mais tu dis maintenant ou si tu t'engages, ouais, c'est maintenant. Hein. Soit t'es un bonhomme, soit t'es une grosse baltringue. Ah, mais là, si j'ai peur de m'endormir, après tu vas dire. Non, mais si tu t'endors, c'est clair que tu prendras pour ton grain. Ah ouais. Donc Cédric, on dit que tu fais le clash tout à l'heure. T'as intérêt d'être là. Si tu t'endors, je t'assure, je déclenche une opération exceptionnelle. Traquons Cédric. Tu vas être dans la merde. Dans le monde entier. Tag, on traque Cédric. Bon, ben Cédric, à tout à l'heure pour le clash. Le clash ouais, retrouvé ouais. Avant minuit. Prépare-nous une méthode qui déchire et puis essaye d'en gagner un. Hein. C'est quand la dernière fois que t'as joué avec moi? Bah, c'était la semaine dernière. Ah, oui. Mercredi ou lundi, je sais plus. Ouais. T'es au courant? Attends, je vais quand même te l'annoncer, Cédric. Mercredi. Tu sais, les deux pucelles, Karim et Samy. De quoi tu parles? On voulu me défier au clash de la drague. On a fait vendredi, ça. J'étais pas au courant de ça. Attends, je les ai victimisés. Ils ont fait 24% à 24, deux. 24, on a fait? Oui. Ah merde, ouais. Ça me fait 12% chacun. Putain, pour moi, on avait fait plus quand même. On a fait que 24? Non, 44. 44, ouais. Non, vous avez fait 24. 44, mitove. Allez, on salue tous les malades qui nous écoutent. Cédric représente les malades. Je les ai enculés. Les clavicules cassées. Bah, pour eux, c'était le cul cassé. Hein. Et les quêtes cassées également, parce que tu as cassé ta clavicule et tu as cassé également ta quête. Cool. Et alors, au niveau médical, quelle est la prochaine étape? Tu casses quoi, ouais? Non. Je dis, normalement, ils vont me faire une radio pour voir. Bah nous on en fait tous les soirs et tous les matins. Ouais. Mais je l'avais dit hein. Bon bah peut-être la prochaine étape c'est un cassage de cul dans le clash de la drague, on verra après la clavicule et les queues de cassées. On verra ça avec toi Cédric. T'inquiète. Bon à tout à l'heure. T'as raison. Vas-y à tous. Prépare-nous une méthode qui déchire et si vous voulez laisser des messages à Cédric, c'est au 41759 sur l'appli Skyrock, on lui transmet tout ça et ça lui fait plaisir. Alors à nous aussi d'ailleurs. Bon, on a le clash à retrouver. Ah, le double appel des familles, on va y aller dans pas longtemps, on a testé les familles, ça répond donc on va les mettre en contact d'ici quelques instants en direct sur Skyrock. Filet, c'est comme ça que ça se passe. Et puis on a avec nous Noan. Noan en direct du Havre. Bonjour Noan. Salut l'équipe. Salut Noan. On aura Idriss de Marseille aussi. Ah, Idriss, il a fait la misère à quelqu'un et il s'en veut aujourd'hui. On en reparlera dans un instant. Si vous avez déjà fait la misère à quelqu'un, on pourrait peut-être aider Idriss. Et on aura la belle Anne qui a fait sa première fois et qui voudrait nous raconter comment ça s'est passé. Eh bien Anne, tu nous diras tout ça. Donc tu vois, je vais la saluer Anne parce que je lui parle, elle n'est pas à l'antenne. Bonjour Anne. Bonjour. Salut Anne. Et j'ai pas salué Idriss non plus. Bonjour Idriss. Salut Idriss. Alors Idriss de Marseille. Merci, qui est tombé. Anne de Lannion. Oui, j'ai entendu, il y a un truc qui s'est cassé la gueule derrière. Ouais, c'est quoi? C'est mon chat. Ah, c'est ton chat. Oh, bah, ça va. Un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Ouais, c'est vrai. Bon, Idriss. Ouais, mais il est bête. Il est. Ah, bah, ça arrive. Ça arrive. Mais c'est. Parfois, quand les animaux sont bêtes, ils sont gentils. Romano, ton chien, il est tout bête. Ouais, il a pas inventé la poudre. Ah, il est complètement con. Mais il est gentil. Ah, mais il est mignon. Hein. Ah bah ouais, il est mignon. Comme tellement le chat, il est bébête. Comme le chat de Idriss. Ouais, pareil. Ouais. Il se casse la gueule parfois, ton chien. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ça arrive. Ouais, il dérape sur le parquet. Ouais. Il dérape. Il fait des dérapages incontrôlés. Ouais. Mais c'est moi, c'est le chat. Ben oui, c'est le chat qui est tombé. Pas chier, merde. Ah bah ouais. Je le vois, j'ai l'impression de voir Cédric. Ah, parce qu'il est gros, ton chat. Ah, mais il est obèse, le truc. Ah, c'est comme le chat de la Marie. Ouais, parce qu'il est con. Pareil. Bon, ben ok. Ah, c'est gentil pour Cédric. Cédric, une petite dédicace pour toi, tu as entendu. Ça, ouais. Big up à ton chat d'ailleurs. Fais une bise à Idriss. Donc Idriss, Anne, vous bougez pas, vous restez avec nous et on démarre avec Noan au Havre avant le double appel des familles qui va pas tarder. Alors Noan, on a offert 1 500 € au Havre depuis le début de l'année. Vous faites partie des villes gagnantes aux 1 500 €. Vous avez bien de la chance. Moi, j'ai jamais gagné. Eh, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Tu t'es inscrit au 720, non? Ouais, plusieurs fois. Eh ben écoute, ça va tomber, faut y croire. Regarde Fabrice de Villeparisis, il a gagné ce matin. Villeparisis fait partie des villes gagnantes des 1 500 €. Et Loïc de Marseille aussi. Oh, un Marseillais. Qui est papa demain. Ah ben ça. Il va être papa demain, il a gagné 1 500 € aujourd'hui, Loïc le Marseillais. Ah bah ouais, ça fait du bien. Ouais, c'est pas mal. Ah bah ça. Ça coûte cher. Ah oui. Alors Noan, explique-nous avant qu'on t'appelle pour les 1 500 € de ces prochains matins dans le morning et que tu répondes Skyrock évidemment. On va. Inch'Allah, comme on dit. Et on va. On va t'écouter. Toi, t'as un petit problème, c'est un petit problème physique, hein, c'est ça. Ouais. Ah. Non mais le physique, c'est quand même partie des trucs importants. C'est le premier truc que tu vois quand t'as envie de serrer une meuf. Le premier truc sur lequel tu peux flasher, c'est son physique. Après, il y a l'attitude, il y a ce qu'elle a dans la tête, parce que ça compte aussi. Ah bah, c'est hyper important. Toi, l'attitude, ce que t'as dans la tête, ça roule. Ouais, ça va. Très bien. Donc un problème physique qui peut concerner un des membres de l'équipe ou pas du tout? Bah, pas Cédric en tout cas. En tout cas, peut-être moi. Tu as peut-être le même problème physique que moi, Noan. Qu'est-ce que ça va être que ça? Alors, je lance un défi à toute l'équipe. T'es pas au courant, Romano? Non. Non. Samy, il est au courant, donc tu joues pas. Ouais. Karim, t'es au courant? Non. Bon, donc tu peux jouer. Et Marie, t'es non, pas au courant? Non, je sais pas. Marie, est pas bah, au courant. C'est rien du tout. Je comprends même pas où on est, là. Je sais pas, je sais pas ce qu'on fait, là. Alors, d'après vous, quel est le problème qu'a Noan? Un problème qui peut avoir un rapport avec moi? Alors, il a une trop grosse bite. Il a une trop, c'est les messages qui, en plus, c'est marrant, regarde, Romano, il y a des messages qui défilent. Alors, il y a deux trucs qui reviennent, c'est la grosse bite, le grand, trois trucs. Grosse bite, le grand nez est trop maigre. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, trop maigre? Brahms du 75 qui il est dit, trop beau. Il est trop maigre. Il a un trop gros pif. Non, non, le pif, j'ai dit, c'est pas non, ça. Non, c'est pas ça. Il a trop de cheveux, comme dit Foul pour Charles Villeneuve. Non. Il a des épaules en carton. Il a des épaules en carton. Non plus, trop musclé. Boîtes, ah, ça c'est bien, Elsa. Elsa nous dit trop musclé l'auditeur. Non. Emma, qui a du goût, il est trop parfait, comme dit Foul. Ah, presque. Ah, presque. T'as pas un orteil atrophié, comme dit Foul? Quoi, tu dis, non, bah, comment tu sais que j'ai un orteil atrophié? Bah parce que tu l'as déjà montré, ton orteil ouais dégueu. Là. Non, j'ai pas un orteil atrophié, j'ai un orteil, il n'y a pas d'ongle dessus. Ah ouais, tout avec un ouais, ongle. Donc il a atrophié quoi. Mais non, il n'est pas atrophié. Si, parce qu'un orteil, il y a un ongle. Ah. Et toi, t'as un côté sur son orteil. Mais c'est mon tout petit orteil. Non, mais là, ouais, mais moi, j'ai un tout petit ongle. Ah ouais, mais t'as un ongle. J'ai un ongle. Ouais, minuscule, ouais, pareil. Il a atrophié. Bah non, mais c'est bizarre de pas avoir d'ongle. À part du nez aussi de l'orteil. Moi, c'est mon cerveau, il a atrophié. Ça se voit. Il y en a plus dans ton visage aussi, non? Ah, Cédric, mais t'es encore là, ouais, il est encore là. Ouais, je t'entends, espèce de connard. Ah, pardon, c'est un connard. Désolé, connard. Désolé. Tu vas trouver ma main dans ta gueule quand je vais rentrer. T'as une idée pour le problème de Noan? Je pensais à trop musclé, moi. Non, en plus, je vous ai vraiment, tu vois pas, vous avez pas trouvé, parce que je vous ai indiqué une voie dans laquelle vous vous engagez. Je ne vois que des nez. Ah. Je ne vois que des muscles, des nez. Il a trop de talent pour Yann du 31. Ah, là, vous éloignez, là. Il a du pif. Non, mais c'est bon, j'ai vu. Il pue des pieds, mais je peux pas des pieds, moi. Il est trop grand, non plus. Il a deux mains gauches, comme dit Foul. Non, c'est pas ça, Blue. Alors, Noan, explique-nous quel est le problème que tu as. Et après, je montrerai ta photo, parce que moi, j'ai vu la tête que t'as. Je montrerai ta photo à tous les membres de l'équipe. Ouais. C'est sur le visage, okay, le problème. Ah, merde. Ah. Eh ouais. Ouais. Eh ouais. Une tête de bébé, en fait. Il a une tête. Ah, oh, bah, ça va, ouais. Comme moi. Bah, une tête de bébé qu'une tête de con, quoi. C'est vrai, ça, Noan. Il vaut mieux une tête de bébé qu'une tête de con, ouais. Voilà, moi, j'ai la tête de con. Ah, bah, voilà. Chacun son truc, Cédric. Ouais. Je vais rentrer, toi, tu vas voir, mon pote. Mais tu parles à qui, là? Il parle tout seul. Toi, t'es de chaud. Mais tu divagues avec tes médocs, mon pauvre. On va voir un médecin, mon pote. Ah, là, là. Alors, j'ai la photo de Noan. Est-ce qu'il a vraiment. Alors, attends, t'as quel âge? 17 ans? Ouais, 17. Ah ouais, la vache, oui. Décris-toi. La photo de l'année dernière. Hein? La photo elle date de l'année dernière. Ouais, ah bon. Alors, la même tête toujours. Décris ta tête. On va la décrire à tout le monde. Je vais la montrer à l'équipe. Décris-toi physiquement. T'es grand, t'es petit, t'es comment? Bah, je sais plus. Je fais 1m80 environ. Ah ouais, donc t'as une tête de bébé sur un grand corps. Ouais, c'est limite quoi. Et tu mesures combien? Et tu mesures 1m80 et tu pèses combien? Environ, bah, normal, quoi, 65 kilos. 65. Marie est en train de te dire, tu as une grosse voix, tu vas voir la deuxième question qu'on devrait te poser. T'as une grosse bite. Parce que quand Marie commence par la grosse voix, après elle dérape tout de suite sur. Mais non, sur les poils, mais là, non, je pense pas. Sur les poils ou sur la bite, Marie, hein. Ouais. Tiens, regarde, il y a Sania. Sania qui dit, vaut mieux une tête de bébé que la tête de Cédric. Ah non, c'est Trilof, pardon. Trilof, juste avant. Et Sania, juste en dessous, elle a 20 ans. Elle dit, j'ai 20 ans et je ressemble à une gamine de 16 ans. C'est bien et en même temps, c'est pas bien. Blue nous dit qu'il y a quand même quelques avantages. Parce que tu dois attirer plein de pédophiles. Ouais, c'est cool. Et ça, c'est cool alors. N'importe T'es content quoi. Et ça, c'est quand même ça, super. C'est génial. Un plaisir. Pédophile comme Romano. Non, je ne suis pas pédophile, merci. Bah, mais tu lui mets, et ton crâne chaud, ça y ressemble quand même. Oui, bah écoute, tout ce quoi, non, mais il a pas tort quand même. Tu sais, je te verrais bien devant une école. Salut les oui, enfants. Oui, bah non. Tu veux un bonbon? Non, ça c'est Cédric. Pas c'est seulement Cédric. Ah, le bâtard. Connard, bah. Ah, non, je rigole, Romano, t'inquiète pas. J'aime bien. Alors, je vais te montrer. Bah, tiens, justement, je vais te montrer à Romano. Regarde, Romano, est-ce qu'il a une tête de 17 ans? Chut, c'est lui. Ah non. Ah, il fait plus jeune, hein? Ouais, il fait grave plus jeune. Ah ouais. Il fait combien? Je sais pas. 14 ans. 13, 14, 14. Ouais, ça, allez, ouais, 14. Ouais, moi je trouve qu'il fait moins. Tu fais 13, 14, tu trouves qu'il fait combien? Ah ouais, 12. Ah, tu fais 12? Ouais. Ah, Marie? Ah oh ouais, non, 13, 14. Et sinon, beau gosse, Marie? Ouais, ouais, mais c'est vrai que t'as vu. Ah ouais, t'as une bonne tête, ouais, mais. Ouais. Et t'as une bonne bite? Arrête, Marie! Non, mais c'est vrai que ça doit faire bizarre sur 1m80. D'avoir une bonne bite. Ah ouais? Non, mais ça va pas. Écoute, déjà t'as une bonne tête, c'est déjà ça, hein. Oui, c'est une clair. Une bite. Tu pourras avoir une tête de con. Ça existe. Je suis là. Je te rassure. Oh, c'est moi. Je te rassure, Noan, t'as une bonne tête. J'ai d'autres photos. J'ai la photo de toi avec un. C'est quoi, c'est ton. Casquette Watibé. Ah, c'est toi, c'est toi deux fois. Ah ouais, d'accord, c'est sur une glace. Attends, mais là, tu fais 10 ans. Ah, je me dis. C'est vieux tout ça, ça date. Ah, ça date d'il y a combien? Oh, bah, au moins 3 ans. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, vraiment, vraiment, normal, au moins 3 semaines. Non, bah, t'as grandi de tête, ça va mieux, hein. Non, mais. Ouais, ça va mieux. Romano, toi, quand t'avais l'âge de Noan, 17 ans. T'étais tout petit déjà. Bah non, non, je faisais 3 mètres et j'ai rapetissé. Mais comment t'as rapetissé? T'as rapetissé au lavage? Bah ouais, j'étais petit. Passé à la machine. Ouais. Et j'ai pas fait le yo-yo. T'avais des cheveux. Ah ouais, grave. Donc t'avais des cheveux, t'étais petit. Est-ce qu'on te prenait pour plus jeune que t'étais? J'imagine que oui. Bah non, parce que de visage, je faisais déjà plus vieux. T'avais déjà une tête de vieux. Vieux. Ah, j'avais pas une tête de vieux, mais tu vois, je faisais déjà un peu plus vieux, quoi. Ah ouais, donc tête de daron, quoi. Tu pouvais pas, tu pouvais pas jouer de ça, en fait. Bah non. Romano, l'aîné, il avait de la barbe déjà. Ouais, c'est ça. La barbe blanche. Ouais. Direct. Non, mais déjà, entre les deux photos que tu nous as envoyées, la photo d'il y a 3 ans et la photo d'aujourd'hui. Il y a une petite évolution. Ouais. Ah bah ouais, ouais, ça ouais, va. Ouais, déjà, ouais. T'es en train de grandir. Ouais, j'espère. Et Noël, je voulais te demander, on peut mettre ta photo sur les réseaux pour avoir l'avis des auditeurs? Et des meufs surtout? Ouais, si vous voulez. Non, mais quoi, tu veux, toi. Hein. Ouais, comme tu veux. Ouais. Bah ouais, si les filles elles aiment bien, bah tant mieux. Bon, les filles, bah, je vais demander. Vous allez voir Noan, on va vous mettre sa tête à Noan, vous allez voir, beau gosse. Bon, c'est vrai, t'as une tête d'enfant, mais ça te pose des problèmes dans quoi? Par rapport aux meufs, par exemple? Bah, il y en a qui genre, ouais, t'as une tête de bébé, tout ça, une petite tête, tout ça. Mais est-ce que t'es déjà allé voir une meuf en lui faisant comprendre que t'avais envie de sortir avec elle? Chaud. Et elle te fait. Oh, sûrement, oui. Genre, par exemple, t'es allé voir une meuf qui a ton âge et elle te fait, ah putain, non, je sors pas avec des enfants. Non, ça jamais. Est-ce qu'elles t'ont déjà dit, ah putain, ouais, ok, mais t'as vraiment une tête de bébé? Non, pas comme ça. Trop la honte, si on te voit, mes copines avant de voir. Je pourrais être mon fils. L'autre elle a 17 ans, ouais, tu pourrais être mon fils. Ouais, gamin, là. Je sors pas avec toi, tu pourrais être mon enfant. Non, t'as jamais eu ce genre de problème. Est-ce qu'il y a déjà une fille qui a pas voulu sortir avec toi parce que tu faisais trop jeune? Non, j'ai déjà eu des meufs, rassure-toi. Mais... Bon, ça va. Genre, j'ai déjà eu plusieurs réflexions de ce genre, en fait. Mais tu sors avec des meufs qui sont en primaire, non? Non, non, parce qu'à la limite, ça peut être un truc, hein, tu vas sortir avec des meufs un peu plus jeunes. Après, pas trop jeunes, parce que ça peut être dangereux. Ouais, limites, ça c'est clair. Mais non, mais écoute, déjà, t'as une bonne tête, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis ouais. Je tiens quand même à signaler vrai, hein. À tous les auditeurs et les auditrices de Skyrock qui pourront te voir dans un instant sur tous les réseaux de Skyrock FM, sur le Snap, ouais. Sur le Facebook, sur partout. Là, je vais mettre ça sur Insta, là, maintenant. Sur Insta aussi, d'accord. Wow. Attends, la photo, je pense pas que je vais la mettre, en fait. Ah, tu veux pas la mettre? Ah, merde, attends, je l'ai mis sur Snap, faut que je la supprime maintenant. Enlève la photo. Il y aura quelques privilégiés qui l'auront vue. Et déjà, t'as une bonne tête, ça va. Ouais. Ouais, bon, ça me rassure, là. Oui, c'est déjà. Ouais, bah, c'est déjà bien, oui. Déjà ça. Et puis, ça, tu es grand. Ah ouais. Ah, bah, ça me. Merci, c'est gentil. Ah, bah, ouais, 1m80, t'es grand. T'as pas de barbe. 1m80, tu plais à Marie, au moins. Est-ce que tu plais à Marie? Non, j'ai dit que t'avais une bonne bouille. Ah, tu vois. Et on entre dans un an que tu sois majeur. Bien sûr. Que tu puisses me sauter. Ah, ouais. Ah oui, au moins. Tranquille. Non, mais Marie, je sais pas si t'avais entendu ça, Noël. Dans une émission, elle avait dit que quand elle serait vieille, elle serait une cougar. Ouais. Ouais, je pense que. Elle serait des jeunes de 15 ans, elle a dit. Non. C'est dégueulasse. Jamais de la vie. Exactement. Et peut-être des mecs un peu plus jeunes que moi. Ouais, c'est bien possible. Ouais, Marie, attention. Ah, les gars, si vous avez. Toi, t'as 17 ans, d'ici 2-3 ans, tu vas voir, t'es dans le créneau. Ah, on n'abuse pas non plus. Non, Noël, quand t'auras une. Quand t'auras ta bonne tête. Non, mais écoute, faut en profiter. Alors, je sais pas pourquoi en profiter. Il y en a qui nous disaient, il y a des avantages, des inconvénients. Dites-nous quels sont les avantages, des inconvénients de paraître jeune. Bah, de paraître jeune, ça serait bien que tu le restes toute ta vie. Comme ça, quand t'auras 40 ans, t'en feras 30. Ouais, ça, c'est un avantage. C'est ça qui est bien, ouais. C'est ça l'avantage. Bah oui, quand on aura 50, t'as. Et puis, je tiens à signaler, d'ailleurs, pour, puisque la photo va pas être diffusée, que tu as des cheveux, hein. Ah, c'est vrai, ça, une bonne pour moi. Bah, heureusement, énormément de barbe pour mon âge, quoi. Non, t'es pas prêt. C'est un berbe plutôt. Ouais. Je parle pas trop sur la photo. Et sur. Non, mais par contre, ça peut être un des conseils. Si tu veux apparaître plus vieux, tu peux par exemple te laisser tomber les cheveux comme ça. Ouais, ou te les arracher carrément. Ou te les arracher. Ouais, tu te fabriques une calvitie. Voilà. Non, on va éviter. T'arraches au-dessus et tout, c'est nickel. Ou tu te fabriques une calvitie, ouais. Ouais, mon mec aussi fait plus jeune que moi, mais ça ne me dérange pas. C'est Cédrica qui nous laisse le message. Ah ouais. Bonjour Cédrica. Cédrica. Non mais Noan, ce qui va faire bizarre, toi, c'est l'année prochaine, tu vas avoir 18 ans, si t'as le permis, tu vas conduire, mais les gens ils vont tous croire que t'es dans la rue, ils vont halluciner les gens. Tu vas te faire arrêter à tous les coins de rue. Dès qu'il y a un keuf qui va te voir, il va t'arrêter. Allez, rentre chez toi, petit. Et tu sais quoi, gros, j'avais mis la photo sur Snap, donc je l'ai enlevée, mais il y a des gens qui l'ont quand même vue. Il y a Ahmed qui vient et qui me dit, bah moi j'ai vu la photo, franchement il fait son âge, je trouve. Ah, il fait 17. Ouais. Ouais. Il est content. Non, sur la dernière photo, tu fais un petit peu. Ouais, t'as pris quelques. Bah bon, ça va. Bah tant mieux. Alors. Comment on peut faire pour être plus vieux? J'ai une réflexion comme ça, donc. Ce que tu peux faire, si, c'est peut-être de mettre de la teinture grise. Ouais, ça, c'est super. Un petit message qu'on nous laisse sur le 41759. J'aurais fait George Clooney, quoi. C'est Azap qui nous dit ça. Comme George Clooney, t'es poivre et sel. Ouais. Cheveux gris, t'es tout de suite un petit peu. Ouais, ça va faire bizarre. Et il y a Ludo qui a dit. Et il y a Ludo qui a dit aussi sur Snap, au moins avec sa tête d'enfant, il peut gratter des tarifs enfants au cinéma. Oui. Olé. Et elle est à Disney pas cher. Ah, c'est pas mal. Et ouais, en plus. Bon, dites-nous quels sont les avantages et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Te laisser pousser la barbe. Ouais, mais t'as pas de barbe. A priori, toi. Bah, pour le moment, non. Pas des masses, non. Dessine-la au feutre, gros. Parce qu'il y a... Ouais, ça va être joli, ça va être charmant. Des poils. Quelle bonne idée. Ouais, ou tu te coiles des poils de cul sur le visage. Il y a Drink, d'ailleurs, qui nous laissait ce message. C'est laisser pousser la barbe. Drink, il a 16 ans. C'est laisser pousser la barbe. Moi, j'ai gagné au moins 2-3 ans. On me laisse rentrer en boîte maintenant. Ah ouais, tu rentres en boîte. C'est vrai qu'en boîte, logiquement, tu rentres qu'à partir de 18 ans. Avec une barbe, ouais, ça vieillit. Avec une barbe, ça vieillit, ouais. Ouais, c'est vrai. Une idée de Tony Soso76 qui nous dit mets des jeans à l'ancienne, des pantalons en velours. Ouais. Genre, habille-toi comme un vieux ringard. Genre attaché au-dessus de la taille. Là, comme un vieux ringard du début des années 2000. Ouais, tu mets des bretelles aussi. Oui, c'est pas mal. Du poivre, du sel dans les cheveux, c'est pas con comme idée. Le style vestimentaire, comment tu t'habilles? Bonne question de Jacam, 27 ans. Comment tu t'habilles, toi? Bah moi normal, avec un jean, tout ça, sweat, t-shirt, comme ça. Ouais. Bah écoute, si tu mets une cravate, hein, un nœud papillon au-dessus de la cravate et tu un costume et un costume. Ouais, c'est ça, c'est bien, tu seras pas traqué du tout, bah tu passeras bien pour un con. Bon, quitte pas, Noan et les filles, dites-nous si ça vous dérange un gars avec une tête de. Enfin une tête de bébé, c'est ce qu'on t'a dit, hein. Un gars de 17 ans avec une tête de bébé. Déglingo nous dit c'est un avantage parce que moi aussi j'ai 17 ans, j'en fais moins et toutes les filles me trouvent mignon. Bah écoute, pourquoi pas. Bon, quitte pas Noan, on vient dans un instant avec toi. Noan du Havre, il y a des filles du Havre qui veulent te rencontrer là, tiens, c'est pas mal ça. Ah. Sérieux? Bah oui. Oula, ça y est, le comme un. Sérieux? Wow. Ouais. C'est Bijou, Bijou. Comme la chanson de Jules. Elle s'appelle Bijou, elle est au Havre, elle a 17 ans, comme toi. Et elle nous dit, moi, ça ne me dérange pas. Où il est? Sérieux? Je suis content alors. Et elle veut savoir où t'es au Havre. Donc a priori, ouais, a priori, elle veut te rencontrer. Même si c'est pas écrit textuellement dans le message, elle demande où tu es au Havre. T'es où au Havre exactement? Ah bah je suis, tu vois, lycée Saint-Joseph, je sais pas si tu connais. Saint-Joseph, alléluia, oui. Bah si, on connaît, bien sûr. Bah je suis juste à côté. Il y a une rue qui descend qui s'appelle rue Michel de la. Ah oui, la rue Michel, ouais, bah ouais. Oui, ouais, normal. Rue Michel. Bon, ben voilà voilà pour Bijou. Bon, ben laissez-nous des messages pour Noan, hein, que vous soyez au Havre ou que vous soyez ailleurs. Allez-y. Moi, ça me dérange pas d'avoir une tête de bébé. C'est message de Alexis, 14 ans. J'ai 14 ans et mon mec, il en a 20. Voilà. The Queen qui vient de nous laisser un message. Fais gaffe quand même, hein, The Queen. Hein. Absolument, oui. Ouais, sinon, il y a la chirurgie esthétique. T'as largement le temps de devenir vieux, nous dit le Toulonnais sur SMS. On salue la Toulousaine aussi qui nous dit envoyez-nous la photo. Il y a plein de filles qui veulent voir ta photo. C'est mon fantasme, un garçon avec une tête de bébé. Léa, 17 ans, qui vient de nous envoyer un message. Tu vois, le même âge que toi. Ah oui, en plus, ça va. Ouais. Et un mec, oui, 17 ans, ça va. T'as eu peur quand j'ai commencé à lire le message? Oui, c'est vrai, oui. C'est mon fantasme, nous dit Patrick, 72 ans. Ah ouais, Patrick. non, c'était Léa, 17 ans, même âge que toi. Bon, on revient avec toi, Noan. Tu quittes pas dans un instant. Idriss débarque. Alors, Idriss, il a fait la misère à quelqu'un. Il regrette un petit peu aujourd'hui. Et puis, Anne, elle a fait sa première fois ce week-end. Eh bien Anne, on va également s'occuper de toi. Tu vas nous raconter comment ça s'est passé. Absolument, ouais. Pour toutes les filles qui nous écoutent, qui n'ont pas fait leur première fois. Vous avez le temps, hein, vaut mieux le faire bien que le faire en speed. Oui, okay. Oui, oui. Vous avez le temps, tranquille. On en reparle d'ici quelques instants. Ah, une Québécoise nous laisse un message. Putain, mais ça cartonne d'avoir une tête de bébé. Ça me va bien, moi, d'avoir une tête de bébé, vous trouvez pas? Ah, magnifique. Ah, oh, bah, vraiment. La Québécoise qui dit, j'ai un faible pour les baby face. Yeah. Ah, tu as une baby face, Noan. Tu peux dire ça aux meufs? Baby face. Ah, bah, ok, bah, je leur dirai alors. Voilà, une petite baby face. Bon, on revient avec toi, avec vous, avec les familles du double appel aussi. Et puis du son à écouter. Qu'est-ce que je vous ai prévu? Parce que j'ai noté des trucs tout à l'heure que j'avais envie d'écouter ce soir. Je vais vous dire ça tout de suite. Le son que j'ai prévu pour vous. Alors attendez, parce que c'est mal rangé. Marie, il faut faire un petit peu de ménage. Ah moi, j'écouterais bien le nouveau Niska Maître Gims là. Tu veux Niska Maître Gims? Ouais. Allez, bah, on va se mettre Niska Maître Gims tout de suite. On écoutera du Drake, on écoutera le Ghetto Phénomène avec Jules tout à l'heure, du Ken Jones avant minuit. Ah ouais, nouveauté Skyrock, un son que vous avez peut-être pas encore entendu. Ça passe évidemment sur Sky. Toutes les nouveautés sont sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale. Et Maître Gims est de retour avec Niska. T'as entendu Romano, toi? Hein, elle avait son Joe. Et t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Eh ben moi aussi, j'aime bien. Allez, c'est parti, Maître Gims et Niska, nouveauté Skyrock pour démarrer. Tous les matins. Diffoul a déjà distribué plus de 50 000 euros en cash. Quelle est ta radio préférée? Eh ben, c'est Skyrock. Mais oui, bravo. Une trentaine, une cinq, ouf, enfin des masses d'iPhone 7. Ton iPhone 7, le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des familles. Je vous amène votre nouvelle télé ce matin. Oui, ben arrive, tu vas voir, je vais te recevoir. Ah bah, et puis surtout, n'oublie pas les 5 000 euros, mon Jackie. Des stars ont réveillé la France. Wesh l'équipe, c'est Jules, Maître Gims, c'est le Black M en personne. Oui, moi je suis vierge Marie. En direct de l'appart, 6h-9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. DJ Snake. Let me love you. Middle. Talk. Et

même pas à cause d'elle, endetté jusqu'au cou. Et Niska sur l'album de Niska. Elle avait son Joe, c'est le nouveau. Difool, Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, en direct, Radio Libre sur Skyrock jusqu'à minuit. On est là, on se fera du. On se fera du Shy ce soir. Avant minuit, on écoutera Shy avec PMW. Pas le bendo. Bien pro, ouais. Qu'on veut. Shy à retrouver avant minuit sur Skyrock. Alors on va écouter plein de trucs qui déchirent ce soir. Le ghetto phénomène, Maria Maria, le groupe de Jul. Ouais, les potes de Jul. J'aime bien ça, le ghetto phénomène. Mais attention, c'est pas tout. Je reste fidèle au barrio. On écoutera Drake avec One Dance. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time, I go. I have powers taking on. Tu devrais participer à l'émission de Nagui, tu sais, l'émission où il chante à la télé, Romano. Tu sais. N'oubliez pas les paroles. C'est ça, voilà, j'ai cherché le nom de l'émission. The Voice Kids. Sinon, fais The Voice Kids. Je suis dessus, là. Tu sais, non, tu as la taille pour The Voice Kids. J'ai un mec bourré en soirée, tu sais. Il chante toutes les chansons, mais qui a jamais les bonnes paroles. Ouais, c'est en dansant, ouais. One Dance, on écoutera Drake, et puis on se fera Ken Jones aussi, que je vous avais promis, avec Don't Mind. Ce sera avant minuit. Allez, Romano. Et ce sera pour nous sur Skyrock. Ah ouais, allez. Shine que vous n'entendez que sur Sky. Le ghetto phénomène sur Skyrock aussi. Ken Jones, Drake. Et puis on a de la place, hein, si vous avez écouté une nouveauté, un truc qui vous ferait plaisir, n'hésitez pas à demander d'ici minuit. On piochera dans les messages que vous nous laissez là. Konnichiwa donc pour la traduction des paroles de Ken Jones avec Don't Mind sur Skyrock. Il y a des messages et plein de réactions par rapport à ce que nous a dit Noan. Bah Noan, tu sais que la tête de bébé ça plaît plutôt aux filles, d'après ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure. Apparemment. Alors, j'ai des filles qui se trouvent. C'est un gros bruit là. T'es là, Noan ? Oui, je suis toujours là. Oui, t'es là. Yes. J'ai des filles qui sont un petit peu plus jeunes que toi, hein, qui sont très intéressées. Hein. Ouais. J'ai Mélanie. Ça fonctionne, mais ouais, un petit peu plus. Qui a 15 ans, qui est très intéressée par toi. On a Kevin. Ah, le gros bruit, c'était le train. Kevin qui est dans le train avec nous. Bonjour, Kevin. Non, je suis dessus. Salut. Ah oui, écarte-toi. Une petite galère. Vous avez entendu ce matin dans le morning pourquoi les trains ils sont en retard? Ouais. Le RERD, pourquoi il était en retard jeudi dernier? Parce qu'il y a un mec qui s'était foutu à poil sur les rails. Un naturiste qui faisait une petite promenade à poil, donc ils ont évacué le gars et hop là retard dans tous les trains du RERD de l'Île-de-France. Et ouais, t'arrives encore souvent. Hein. Et t'es surtout complètement ravagé le mec. Ouais. Bah t'imagines, tu sors du métro, tu sors du train, et qu'est-ce que tu vois? Tu vois un mec le sgué galère. Ah non. Qui te regarde? Oui, je te regarde. Non mais le mec il avait l'air de marcher tranquille. Il était content, ouais, content complètement. Il avait des chaussures ou non? Je sais même pas. C'est sa petite balade sur les voies. Oui. C'est quoi cette question? Est-ce qu'il avait des chaussures? Parce que c'est dégueulasse. Marie, elle a des questions. Ouais. Marie, elle pose des questions de merde. Il est à Mais je lui réponds, je suis sympa. Merci Romano. T'es dans quel train, Kevin, toi? Là, je suis en train de partir au boulot, là, dans un train pour Saint-Lazare. D'accord. Alors, Kevin, dis-nous vite, alors, avant qu'on te perde, parce que dans le train, on va pas te garder longtemps. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Nohan et de sa tête de bébé? Eh ben moi c'est ce que je disais, hein, 27 ans, et pour moi j'ai vraiment une tête de bébé. Hein, encore à 27 ans? Ah ouais, putain, ouais, il n'y a pas de barbe. Hein. Nohan, tu vas la garder toute ta vie, ta tête de bébé, Nohan. Mais si ce que tu dis, c'est que ça l'empêchera pas, hein, ça l'empêchera pas dans la vie de trouver une femme, Ah parce que t'es un gros baiser, toi Kevin. T'es un gros baiser, toi Kevin. Ah, je ne suis pas un grand baiser. Je suis un homme casé maintenant. Hein. Oh, ta famille coupe. Eh oui, ma tête de bébé ne va pas empêcher de trouver l'amour. Ah, bah, c'est mignon. Un gros baiser quand même. Comme c'est mignon. Non, mais en plus, moi je vois que ça a pas mal de succès auprès des filles. Moi j'imaginais que les filles, vous préfériez un mec avec, je sais pas, viril, des poils, tout ça. Bah, ça dépend, des nanas. Ah, bah, il y a plein de meufs qui nous ont laissé des messages ouais, pour toi. Ouais, sur Snap aussi, il y en a plein. Ouais. Ah, sur Snap. Ça les dérange pas, ouais. T'as fait un carton, Nohan. Ah bah. Et ouais. Et t'aurais dû mettre ta photo, t'aurais serré de la meuf. Quoi. Ah ça c'est sûr. Ouais. Non, ça n'aurait pas plu. Il y a Funzy là qui nous laisse un message qui nous dit tu rases ta barbe même si t'as pas de barbe, tu verras ça poussera plus vite. Ah, ouais, ça fait 10 ans que j'essaye. Hein. Attends, ça marche pas. Voilà, j'ai 3 poils qui sont sortis. C'est cool. Et sa mec qui veut le snap de Sky, c'est Skyrock FM. D'ailleurs sur tous les réseaux nous c'est Skyrock FM comme ça vous repérez vite. Les comptes officiels de Sky. Sa mec. Tu vas sur Snap, c'est Skyrock FM. Vous pouvez suivre la story de la soirée avec toute l'équipe là. Bon, ça vous a plu le nouveau Maître Gims? Au fait, je n'ai pas demandé parce que j'ai plein de messages qui défilent. J'adore ce son. Il est bon le son pour Danny 08. Tiens, j'adore ce son pour Zbub. Ça déchire le nouveau Maître Gims. C'est trop fort. Turi, le nouveau son pour Seb. Trop bien le nouveau Maître Gims et Niska. Je suis une fan de Niska, donc j'adore. Ça, c'est le message de Papal. Bonjour Papal. Ouais, c'est un extrait de son album. Ouais, de Niska. Qu'est-ce que t'en penses? T'as entendu dans le train, toi, Kevin, ou t'étais au téléphone avec nous? Bah, j'ai tout au téléphone, j'ai pas entendu le son, malheureusement. Et Nohan, t'as entendu? Allez, on va te la remettre juste pour toi. Merci, merci Romano. Et toi, Nohan, t'as bien aimé? Ouais, il est pas mal, franchement. Ouais, pas mal. Moi aussi, j'aime bien. Cool. Moi, j'aime bien. Romano bougeait la tête, il tapait des mains. Ah ouais, je t'arrive dans le coin. Moi, j'adore. Alors, j'ai aimé voir ça, tiens. Et voilà. Bon, bah, écoute, Nohan, t'inquiète pas, vaut mieux apparaître trop jeune que trop vieux. Non, mais de toute façon, mes parents, ils m'ont dit, ma mère, elle a 43 ans, elle fait au moins 30 ans. Non mais c'est bien, donc c'est dans les gènes. Vous avez des gènes, c'est comme dans ma famille, moi pareil. Vous avez des gènes de beauté. Ouais, on a des gènes de beauté, oui. Comment tu le sais, Romano? Bah ça se voit, t'es tellement beau, t'es une beauté. Mais tu sais que Diffoul, c'est hallucinant. Il ressemble à ses deux parents, gros. Bah c'est normal. Non, j'ai jamais vu ça. Soit tu ressembles à ton père, soit à ta mère. Si je ressemblais à un voisin, ça m'inquiéterait plus. Non, mais tu pourrais plus ressembler soit à ton père, soit à ta mère. Mais Diffoul, c'est un truc de ouf, il ressemble aux deux, gros. Ouais, bah moi je suis sûr qu'ils sont pas fait cocu. Ouais, c'est vrai, tu ressembles. Ouais, c'est vrai. Ils ressemblent aux deux mélangés, ouais. Et toi, Romano, tu ressembles à ton père, à ta mère, aux deux? Plus à ma mère. Plus au facteur. Plus au voisin. Curieusement. Voisin. Toi, Karim, c'est à ton daron. Moi, mon daron, ouais. Et Marie, toi, c'est à moi les deux, moi. C'est un mélange des deux. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, c'est vraiment un mélange des deux. Et Samy, il ressemble à Tovin, lui. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'y ressemble à Tovin. Non, par contre, Samy et sa sœur, ils ont la même tête. Ouais, j'allais dire, ils ont la même tête. C'est un truc de ouf. Bah ouais, c'est frère et sœur. Sa sœur, c'est Samy, mais avec des cheveux, gros. Ouais. Donc, t'inquiète pas pour ta tête, ça marche plutôt bien. Je suis allé montrer à des filles qui sont dans le couloir, là aussi, Nohan. Eh ben, tu sais que ça marche pas mal, hein. Tu sais qu'elles sont touchées un petit peu quand elles ont vu la photo. Grave. Ah bah ouais, tu sais que ça. Elles sont touchées. Non, mais ça cartonne, tant mieux. Elles sont en train de se terminer à la brosse à chiottes. Ouais, bien sûr, ouais. Elles sont toutes enfermées dans les toilettes. Je sais pas ce qu'elles font, ouais. Étonnant. Bah, j'ai peur, là. Bah, oui. On a le temps pour avoir des têtes de vieux quand même, hein, ça va. Oui, on est d'accord, Kevin. Oui, ça t'as raison. Ouais. Non, mais ça, la tête de bébé, c'est un truc, c'est relou quand par exemple t'es jeune. Mais une fois que tu grandis, ça devient un avantage parce que tu peux serrer des meufs un peu plus jeunes. Ah bah tu te fais vanner à tous les âges, hein, même au travail des fois je me fais tailler parce que je suis un berbe. Ah ouais, t'as 27 ans. Ah, ouais. Ça fait partie de la vie, mais moi ça me dérange pas. T'as pas un poil de barbe, toi? Oh, un petit peu, mais trois fois rien. Ah, c'est plus rigolo qu'autre chose, quoi. Bon bah voilà, c'est rigolo. Nohan, donc je te rappelle les conseils qu'on a donnés. La teinture grise comme Georges Clooney, ça te fait un coup de vieux. Sinon tu as carrément la méthode définitive comme Romano, tu t'arraches les cheveux. Voilà, alors là c'est radical. Là c'est radical, ouais, tu prends déjà 10-15 ans dans la gueule, mais automatiquement. Bam, direct. Bah ouais, quand même. Romano il a beaucoup pécho, quoi. Grave. Non, attends, ça va. Attends, tu veux que je t'en cite? Je suis pas Quasimodo le cul. Tu veux que je t'en cite quelques-unes? Je suis pas un monstre. Ouais, on commence. La gothique. Une beauté qui pue. Tête de tortue. Tête de panda. Mammouta. Tête de panda, nana. L'huître. Mammouta aussi. Mammouta, ouais. Bah, il y a eu un mononucléose. Mononucléose infectieuse. Raticha, Mantona. Quelle beauté. Cléopâtre. Donc, Cléopâtre. T'inquiète pas, Nohan, il a serré comme un ouf. Ah, mais elle pique des belles. Voilà. Bon, bah, on te remercie, Nohan. N'hésite pas à nous rappeler, puis envoie-nous des photos tous les 3 mois pour qu'on voit comment tu vieillis. Ouais, t'inquiète pas, petit. Ouais, Nohan, 17 ans, au Havre. Je vous dis ça, les filles. N'hésitez pas à nous laisser vos messages si vous voulez rencontrer un beau gosse de 17 ans au Havre, tranquille, à côté du lycée Saint-Joseph. C'est ça. Salut, Nohan. Raccroche pas, en tout cas. Non, t'inquiète pas. Ciao Noan et merci Kevin. Salut, bon, Noan. Bonne route vers le boulot. Hein. Boulot ouais. Et on vous envoie le t-shirt Skyrock à tous les deux. Là. Je peux faire une petite dédicace. Aussi, vas-y. Ah, une petite dédicace à ma petite femme là qui m'écoute, qui me rend heureux chaque jour, à mon petit frère, et je pense savoir que ma mère écoute, donc bisous à tout le monde. Eh ben, salut toute la famille. Un bisou la famille. On embrasse la famille, la petite femme, la maman, le petit frère, tout le monde. Salut Kevin, raccroche pas. Salut équipe. Ciao Kevin. Bon, on va faire le double appel et on s'occupe dans un instant de Anne. Anne qui a fait sa première fois ce week-end. À quel âge vous avez fait votre première fois? Dites-nous. Hein. Si vous l'avez pas encore faite et si vous êtes pas super excité par le cul, parce que on reçoit également des messages comme ça. Bah, vous avez le temps. Hein. De toute façon, c'est pas une course contre la montre. Hein. Non, faut le faire quand on le sent bien. Romano, tu l'as senti bien à quel âge, toi? 13-14. Ah ouais, t'étais tôt, toi, tu l'as fait. Hein. Hein. Mais moi, quand j'ai découvert... Le sexe. Ouais, la branlette, dans un premier temps. Ah, t'as découvert ta queue avec la branlette. Ah ouais, et que j'ai juté, quoi. Et tu t'es dit, c'est vraiment un appareil exceptionnel, cette chose. Ah, mais moi, pour moi, c'était une révélation dans ma vie. La branlette. Ah ouais. Révélation. Ah non, mais je te jure, putain, j'ai trop kiffé, quoi. Alors, ça Claudia, qui nous laisse son numéro pour le double appel, c'est bien, Claudia, on va l'appeler. Nous dit qu'elle a fait sa première fois à 13 ans, elle. Forever a fait de l'amour la première fois à 16 ans. Momo, elle a 31 ans, elle a fait l'amour à 20 ans la première fois. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? 16-17 ans, c'était magnifique. 18 ans pour un mec, c'est bof. Mais bon, prenez le temps. C'est Hugo Lito qui en a 19. Il s'est dépucelé il y a un an. Hugo. Salut Hugo. À quel âge votre première meuf, vous nous dites? Votre première meuf avec laquelle vous avez fait l'amour? Putain, il y a Moali qui allait presque le faire à 15 ans, mais la meuf, elle s'est barrée entre temps. Ah oh merde. Ça, c'est faux, ouais, ça c'est con. Ça c'est relou, ouais. Ça, ouais. Moi, j'ai jamais fait en vrai. J'ai jamais fait en vrai. J'ai 16 ans. C'est le message de Val. Et il a 16 ans. Bah, c'est pas grave, t'as le temps, hein. La branlette, par contre, c'était à 10 piges. Ah, putain, t'as commencé ouais. Tôt, la branlette, toi, 10 ça, ans. Actif, un wow. Bon branleur, quoi. Miss Cacahuète, la première fois, moi, c'était à 17 ans, elle en a 29 aujourd'hui. À 15 ans, dans une forêt. Mais c'était pas avec une pute, je vous rassure. Flo, qui a fait ça à 15 ans et qui en a 19. C'était avec un trans, alors. 19 aujourd'hui. Eh, tu vois. Moi, c'était dans les toilettes du bahut, mais je me suis juste fait sucer. J'ai jamais fait l'amour avec une meuf. Message de Cal. Il y a Mathieu, il a 24 ans, il est toujours puceau, il assume. Ouais, et il y a même elle, Kido, qui a 19 ans bientôt et qui nous dit, je suis toujours puceau. Première pipe sur un rond-point, 16 ans. Sur un rond-point, beau gosse. Il a fait ça sur un rond-point. C'est discret. C'est Renka. Tito, lui, c'était à 24 ans la première fois, il en a 26 aujourd'hui. Tu vois, pas obligé de le faire tôt. Hein. Maman Amnesia Hayes, moi c'était à 19 ans la première fois. Le jour de mes 19 ans pour Nana 29. Mathias, c'est un beau cadeau ça. Qui en a 20, bah tiens, je t'offre ma bite, ma chérie. Ouais, c'est cool. Allez, cadeau. Allez. On n'hésite pas sur les moyens. On va fêter ça. Je te l'offre en entier. Mathias, il a 20 ans, il a fait l'amour il y a un an à 19 ans. J'encule le PSG, il en a 20, il a fait ça à 14 ans. Moi, toujours pas. J'en ai 17 aujourd'hui. La moyenne est toujours de 17 ans en France, hein. On vous la répète souvent, mais bon, c'est pour pas vous inquiéter. Moi, j'avais 15 ans, elle 16, et c'était super. La pile du Racel qui nous raconte sa belle histoire d'amour, il en a 35 aujourd'hui. Ouais, parce que c'est pas toujours génial la première fois. Hein. Bah, c'est parce que tu l'as pas fait avec moi, Marie. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ouais, ouais. Tiens, d'ailleurs, on a Moshita en ligne, mais on l'a pas eu depuis le début de l'année, dites donc. Mais si, elle est déjà venue. Ah bah, je me rappelle pas, Romano. Mais si. Alors, Moshita, qui doit être avec nous, qui doit être très inquiète, parce que c'est une ex de Cédric, très inquiète sur la santé de Cédric, qu'on retrouvera tout à l'heure pour le clash. Ouais. En direct de son lit. Oh. Allô? Allô, Moshita? Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ben, rest in peace, Cédric. Mais il est pas mort. Ah. Ah ben non, il est chez lui, il s'est cassé la clavicule. Ah merde. Eh ben ouais, c'est con, hein, de se casser la clavicule. Ah non, c'est con qu'il soit pas. Ah, tu pas. Moshita, il s'est cassé également 4 quêtes. Tu en veux, quoi. Ah ben dis donc. Il s'est cassé 4 quêtes. Il s'est pas raté. Ah ben non, il s'est pas raté. Hein. En faisant de la moto, ben il faudrait qu'il apprenne à en faire. Non, il faisait de la mobilette. Ah, de la mobilette. Mais il s'est pas cassé le visage, par contre. Il avait enlevé des roulettes. Ah ouais, oui. Et ouais, donc. Les roulettes. Sans roulettes, il a enlevé les roulettes. Ah, il galère avec seulement deux roues, tu vois. Ah, c'est pas facile. Ah, il galère. C'est pas facile. Tu voulais lui faire un petit bisou, peut-être, Moshita? Ah non. Non, tu voulais pas faire de bisous, d'accord. Non. Et tu voulais nous parler de ta première fois avec Cédric? Oh, quelle horreur. C'était ta première fois de toutes tes premières fois? Ah bah oui. Et c'était la dernière aussi? La dernière, je suis devenue lesbienne. Tu l'as laissé tomber les garçons, mais pourquoi donc? Bah, il m'a traumatisé quand je l'ai vu nu. Et qu'est-ce que... Putain, moi je l'ai vu torse nu, Cédric, entre parenthèses. T'as vu? Oh là là. Ah, c'est une belle. Ah, ouais. Ah là, c'est une belle bête. Ah, hein. C'est ça. Ah, Cédric, vraiment. Ah, c'est clair. Hein. Tu sais que je suis rentré chez moi, je suis allé me pogner à la maison. Ah, bah j'imagine. Un sacré bon gosse. Maintenant, hein. J'ai plus besoin de YouPorn, tout ça. Je ferme les yeux, j'ai ton image, et à ce moment-là, mon sexe crie au secours, coupe-moi. Oui, Diffoul, je suis ton sexe, coupe-moi. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, impressionnant, Cédric. Et donc, le mec, il vit torse nu ou bah ouais, il vit torse nu. Il va mettre des t-shirts. Ah ouais, il vit torse nu, ouais. Je sais pas, il pourrait se mettre un drap, un truc. Tant qu'il met un caleçon, c'est bon. Pas un drap, une couette. Ouais, un bordel, quoi. Ouais, une couette. Bon, Anne, donc, juste avant le double appel, parce que les familles sont prêtes, j'ai vu, Samy. On va aller faire un petit tour chez toi. Donc, t'es à Lannion, toi, Anne, hein, c'est ça? Oui. Oui. Et tu as fait ta première fois ce week-end. T'as 15 ans, c'est ça? 14. 14, d'accord. Et t'as fait ta première fois ce week-end? Ouais, voilà. Et comment ça s'est passé? Est-ce que 14 ans pour toi, quand t'en parlais avant, tu disais c'est peut-être un peu tôt pour faire l'amour, tout ça? Ouais, un peu, mais bon, dans le sens, pour moi, je me sentais prête, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu tôt pour certaines personnes. Parle plus fort dans ton téléphone. Fais juste attention que tes parents t'entendent pas, je sais pas s'ils sont au courant. Tes parents ils savent pas, j'imagine, non? Non. Oui, j'imagine que tu rentres pas chez toi en disant ouais, ça y est, je suis fait dépuceler. Ça y est. On fait la teuf. Et t'as des copines déjà qui ont ton âge et qui ont déjà fait l'amour, Non, pas encore. Non, je suis la seule en fait. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? T'es contente? Tu regrettes de l'avoir fait? T'es pas du tout? Non, je regrette pas du tout, non. Alors heureuse. Mais ça faisait longtemps que t'étais avec ton chéri? Non, bah ça fait un mois en fait. Ah ouais, ah. T'es allé vite toi alors. Et c'est pas grave, écoute, tu fais comme tu veux. Et ça a duré longtemps ou pas? L'acte en lui-même. Mais vous aviez. Vas-y. Non, je disais ça a duré une demi-heure. Et lui, il avait déjà couché avec une meuf avant ou lui aussi c'était sa première fois? Non, lui il avait déjà fait. Il expérimentait le salaud. Il a quel âge ton mec, Anne? 15 ans. Il a 15 ans. Bon, vous avez pratiquement le même âge tous les deux. Et vous aviez prévu de faire ça ou alors ça s'est fait chut. Bah ouais, on avait un peu prévu, ouais. Quand vous avez fait ça où, à la maison? Bah non, en fait, c'est un contexte un peu particulier parce qu'on est à l'hôpital. Ah, vous êtes à l'hôpital? Ah ouais. Ouais. Ah bah heureusement que Cédric est sorti. Ah bah heureusement. Mais imagine. Voilà, je peux venir. Mais non, Cédric, tu peux pas venir à 15 à 14 ans. Son mec, il en a 15. Voilà, et alors? Bah ça pose un problème, Cédric, tu es trop grand. Oui, c'est pas possible. Bah oui, mais t'es même malade. Taré. Ah ouais, vous avez fait ça à l'hôpital? Ouais. C'est-à-dire que toi, t'es à l'hôpital ou lui, il est à l'hôpital? Nous deux, en fait. Et pourquoi vous êtes à l'hôpital tous les deux? Bah lui a eu un accident de moto et moi j'ai des problèmes. Bon, voilà. C'était moi. Mais c'est Cédric ton mec. Ah non. Attention. Oh là, salut petite. Oh là, j'ai 15 ans. Ah bonjour, c'est moi Cédric, 15 ans. Voilà. Ah, où elle est où la maternité? Ah, c'est vrai que là, c'est vraiment trop jeune. Ah, tu crois? Ouais, si. Oh, je vais dire que j'ai 3 ans. Non, mais c'est pas crédible. J'ai pas une tête de bébé. Non, t'as une tête de porc. De porc, ouais. Non, une tête de bébête. Mais vous avez fait ça dans une piole, en fait? Bah ouais, on a été dans la salle de bain. Ah bah ouais, on peut faire ma clé. Un petit truc à l'arrache. Et tu nous appelais pourquoi par rapport à ça, toi, Anne? Bah en fait, je l'avais appelé déjà vendredi avant parce que j'étais super stressée. Ah putain, on n'a pas eu le temps de te prendre vendredi. On t'a pas déstressé, mais bon, ça s'est bien passé quand même. Ouais, bah ouais, voilà, et donc, ouais, nickel. Donc, c'était pour nous faire un petit bilan, nickel. Ouais. Tout va bien. T'étais stressée pourquoi? Voilà. T'avais peur de quoi avant de faire l'amour? Bah, je sais pas, ouais, j'étais un peu stressée à l'idée comment ça allait se passer et tout. Puis lui, il avait déjà fait et moi jamais, donc. Ah ouais, tu t'es dit, je suis un peu. Ouais. Lui, il a plus d'expérience, donc forcément, je vais être un peu inférieur, tout ça, et en fait, non, pas du tout. Voilà. Ouais, enfin, quelquefois, les mecs disent qu'ils l'ont déjà fait, puis ils l'ont pas fait. Putain, j'avais plein de potes comme ça. Si, lui, ouais. Il l'avait déjà fait, et puis il a su me rassurer aussi. Ouais, parce que moi, c'est vrai que j'avais plein de potes qui étaient comme disait la Marie, qui étaient là. Ils arrêtaient pas de baiser, mais baisaient surtout avec leurs mains. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. On a un pote pareil, les gars. On en a, on le connaît. Ouais, c'est vrai. Voilà. Salut les filles. Salut Cédric. Donc, vos réactions pour les premières fois. Tiens, on va prendre Mathieu qui est en voiture et qui est avec nous à Clermont. Salut Mathieu. Salut l'équipe. Salut Mathieu. Ouais, Mathieu. Alors, tu te rappelles, t'as 24 ans aujourd'hui, toi, Mathieu. C'est ça. Tu te rappelles de ta première fois? Ouais. C'était où? C'était quand? T'avais quel âge? C'était dur. J'avais 16-17, c'est passé dans un champ, il pleuvait sur une moto. Oh non, dans un champ, il pleuvait. Je ne garde pas de bons souvenirs. Attends, pourquoi sur une moto, bah putain, c'est pratique. Qu'est-ce qui s'est pas passé comme tu voulais? Bah, l'endroit déjà. Ah bah oui, moi, déjà, j'ai pris le train en faute pour y aller. Ouais. Et je suis parti, c'est arrivé, elle m'a dit bah, sur la moto, et j'ai dit bah, vas-y. Mais allez, c'est parti. Mais c'était qui? C'était ta meuf ou c'était une... C'était ta meuf ou c'était une meuf comme ça? Ouais, on va dire ça comme ça. Donc ah, c'était une meuf comme ça, ouais. Donc toi, voilà. Sous la pluie, dans un champ, et t'avais 17 ans, c'est ça? Ouais, c'est 17. 16, 17. On a Pauline aussi qui est avec nous en direct de Lens. Salut Pauline. Salut tout le monde. Salut Popo. Salut Pauline. Salut Pauline. Salut les filles. Salut Popo. Et toi alors, à quel âge t'as fait l'amour la première fois, toi Pauline? À 16 ans. 16 ans, et t'en as été contente? Ah ouais. Baisse un peu, Romain, Pauline, voilà. Bah alors, oui, Pauline. Je suis toujours avec, d'ailleurs. C'était super. Ouais, t'as 22 ans, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Histoire. C'est bien, ça. Ouais, bah ça fait 6 ans, là, il y a quelques jours. Et tu n'as connu aucune autre bite? Non. J'aurais pu dire, même d'ailleurs mieux, t'as connu aucun autre mec. Mais t'as connu. Si, avant, si, j'ai connu, mais j'ai rien fait avec. Ah ouais, donc t'as. Ah, c'est la seule bite que t'as vue, quoi. Mais t'as pas. Ouais, t'as jamais été tenté? Ouais, pour savoir ce que ça fait avec un autre zizi? Non. Je suis convaincue avec lui, donc ça va. Non, mais c'est beau comme histoire. Ah bah ouais, tant mieux, hein. Cool. C'est une belle histoire d'amour, et vous avez fait ça... Dans ma chambre. Dans ta chambre, tranquille. Bah, c'est ce qui est de mieux encore. Ouais, tranquille, on va dire, parce qu'il y avait mon frère juste en bas, il a tout entendu. Ah, c'est pas... Il y avait du public. Il a entendu, il s'est branlé sur nous. C'était le grand frère ou c'était le petit frère, toi? Un grand frère, j'en ai deux. Un grand frère. Et c'est le grand qui t'a entendu? Et t'as dit quoi après? Putain, il a dû se branler. Bah, non. Il m'a traité, mais on a inventé un truc, on a dit qu'on a joué, tout ça. Ouais, vous avez joué au docteur. On a joué beaucoup. Non, on se faisait des chatouilles. On adore s'amuser à se battre. Tous les trucs comme ça en fait. Donc on a fait genre en fait. Ah, on s'est battu. Ah ouais, bah, bien sûr. Bah moi. Non mais c'est bien une histoire d'amour comme ça qui démarre et puis c'est en fait c'est l'amour de ta vie. Fais l'amour avec Puis je suis maman donc avec. Donc. Bon bah écoute, j'espère que ce sera aussi aussi beau que l'histoire que tu viens de nous raconter, Pauline, pour Anne. Hein. J'espère que ça aussi bien pour toi, Anne. Ouais. Que tu resteras avec lui. T'es très amoureuse de ton chéri. Oui. Oh, oui. Et lui, il est très amoureux de toi. Enfin, très amoureux de toi. Non, il s'en bat les couilles. Ben oui. Bon, bah écoute, on espère que ça va bien se passer. Donc, il n'y avait pas de quoi avoir du stress. Non. Voilà, c'est ces petits messages qu'on passe à toutes les filles qui vont passer à la casserole. Ouais. Ah, moi, je voulais te demander un dernier truc, Anne. Est-ce que quand, quand vous avez couché ensemble, quand il a ken, est-ce que t'avais, ça te faisait mal? Tu vois, t'avais du mal à marcher, ça te faisait mal? Marcher. Bah, non, bah, ça faisait mal, ouais, mais après, du mal à marcher, non? Tant mieux, tant mieux. Parce que si tu marches en canard à part faire l'amour, faut attendre un petit peu, ouais. Non, mais sinon, ouais, c'est vrai que le truc qui vous fait stresser, les filles, c'est que ça rentre pas. Ouais, bien sûr. Nous, ce qui nous fait stresser, c'est pas trouver le trou. Bah, c'est que ça rentre pas, et puis surtout de se foutre à poil devant un mec, hein. Ouais, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tu peux. C'est quand même ton intimité et tout, la première fois, c'est bizarre, hein. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Dans le noir. Hein. Oh, dans ce cas-là, tu fais dans ouais, le noir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bon, bah super. Ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. T'as les lumières, Marie. T'es pas con. Eh ouais. Mais tu peux le faire comme ça. Ferme les volets, t'as les lumières et comme ça. Hop. On te fait un gros bisou, Anne. Des fois, je peux passer une dédicace. Vas-y, profite. Bah, dédicace à mon copain qui est à l'hôpital et à Johan aussi. Bah, bon courage à ceux qui sont à l'hôpital. Sarah et Florian, mes meilleurs amis. Oui. Et à tout le collège Saint-Joseph à Lannion. Eh ben, on salue tes bestes, on salue le bahut de Lannion. Et on salue Pauline aussi. Sois heureuse, Pauline. On te fait de gros bisous. Merci beaucoup. Pauline, 22 ans, la Lançoise. Et Mathieu aussi, dans sa voiture. Salut, Mathieu. Oh, l'équipe, c'est moi, quand t'as un petit truc. Allez, ouais, vous envoyez le t-shirt Skyrock, le collector à tous les trois, d'ailleurs. Mathieu, Pauline, c'est pour vous. Et bien sûr, Anne, c'est pour toi aussi. Gros bisous, Anne. Merci. Salut, bisous. Ciao, Anne. Salut Anne. Bisous. Salut Mathieu. Et les familles du double appel arrivent dans un instant sur Skyrock. Préparez-vous. Le double appel et les familles. Et Idriss qui arrive à Marseille, qui a fait la misère à quelqu'un et qui le regrette un petit peu aujourd'hui. Hein. C'est ça, Idriss? Ouais. C'est ça. Bon, bienvenue à toi, Idriss, Marseillais. Salut. Hey, t'es allé au vélodrome hier? Ben non. Eh ben, t'as eu raison, gros. Bah ouais, c'était pas un super match. Hein. T'es allé, Samir? T'as rien raté. Ouais, j'y étais, moi. Ah, ouais, c'était pourri. Qu'est-ce qui s'est passé? À part les 5 dernières minutes. Il était vide, hein, le stade, un peu. Ouais, 35 000, je crois. 32 ou 35 000. Pour l'Olympico, vous étiez que 32, 35 000. Ah ouais, mais tu sais, on boycotte, nous, cette année. Ah, boycott. L'année prochaine. Déjà, 35 000, c'est beaucoup, parce qu'il y a des matchs, on est 12 000, tu vois. Et alors, Willy ou l'Américain? Il était là, gros. Il était là, ouais. Il a bu du champagne, il était en loge. Non, ma couille. Il était là, j'ai bu du champagne. Franck. Mais j'ai pas encore acheté. Non. J'ai réfléchi. Non, il va acheter, il va payer. Ça prend du temps, ça va le faire. Il a dit qu'il allait mettre de l'oseille, quand même. Ah, je vais mettre de l'oseille. Ouais, 1 euro. Il devrait mettre 100 millions d'euros au premier mercato. Ah, rêve bien. Juste pour acheter des joueurs. On a besoin. Vas-y, y crois, c'est ouf. Ah, yeah. Bon, Idriss, le Marseillais, on te retrouve. Tu vas nous expliquer à qui t'as fait la misère. Si vous faites la misère à quelqu'un, racontez-nous. Hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être parmi vos amis, ça peut être au bahut, ça peut être partout. Et on en reparle avec toi, Idriss. Tu bouges pas, Idriss. Ah. À tout de suite. Et à tout de suite. Famille, double appel se prépare. Ouais. Et on prépare également les lovers, Romano et Cédric. Ouais. La drague à suivre sur Skyrock. Et le son de Drake, j'avais promis, il arrive. Skyrock débarque sur Deezer. Skyrock. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À Deezer. À toi, la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez, partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli Radio Skyrock. Et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. PNL. Non. Ok, je m'en balais. PNL. Leur nouvel album dans la légende. Je m'en bats les couilles, je suis fire.

Zip it down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock, c'était One Dance. Skyrock, Romano. Moi, je crois que je vais directement lever mon slip et faire tourner mon sexe. Diffoul. Tu veux pas qu'on se fasse un petit truc dans ta maison, mais sans caméra? Non, même pas. Cédric. Salut les filles. Cédric, hein? Marie. Des râteaux. T'en as pris, Marie, des râteaux, toi? Non, mais en général, j'arrive à mes fins. Hein. Samy. Non, pour jouer au billard. Des grosses boules. Et Karim. Pourquoi Cédric, il a un A, la lettre A brodée sur son oreiller? Eh ben, c'est pour pas oublier son texte quand Romano l'encule. Eh oui. Ah Diffoul Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock. Et oui, on est là jusqu'à minuit, 22h sur Skyrock au 01 53 40 30 20. Vous prenez le contrôle de Sky tous les soirs, vous nous appelez au 01 53 40 30 20, je vous l'ai dit. Mais sinon, sur le 41 759, sur l'appli Skyrock, on salue Heidi qui nous parlait de sa première fois, elle a 25 ans ouais, aujourd'hui. Lui, c'était à l'étape hôtel, il avait 17 ans et la dame en avait 52. Ça m'a fait penser à Cédric, moi, avec pareil. La taupe là. Oui. Qui n'est qu'avec tout le quartier. C'est vrai que Cédric. Ah, la dépuceleuse. Ouais, voilà. C'est dépucelé avec celle qu'on appelait la dépuceleuse du quartier. Ah, le casse-toi. Bah ouais. Et Marion, même chose, 17 ans dans un hôtel. J'ai fait ma première fois dans un hôtel. Marion, qui en a 22 aujourd'hui. Gros bisous, on te fait une bise, Marion. Me Too, elle, c'était nul à chier sa première fois. Elle a 19 ans aujourd'hui. On parlait des premières fois il y a un instant pour Anne, qui a fait sa première fois. Et elle, ça s'est bien passé. Ouais. Elle stressait vendredi, après le bilan de ce week-end. Elle est contente. Bah écoute, ça fait plaisir. C'est bien, Anne. Bon, en plus, bon, t'es amoureuse. Il a l'air d'être amoureux lui aussi. Donc tout va bien. C'est mieux quand ça se passe comme ça. Bah, c'est sûr. On va retrouver dans un instant Victor qui a une question à nous poser. Parce que lui, il est allé draguer sur les réseaux. Il est allé sur Tinder. Ouais. Et il a réussi à serrer une meuf, mais il se pose une petite question. On y reviendra avec lui dans un instant. On a Idriss qui a foutu la misère à quelqu'un, et eh bien qui le regrette aujourd'hui. Et nos familles, tu ne bouges pas Idriss, on s'occupe de toi juste après les familles du double appel. Ouais, ouais. Et nos familles du double appel qui sont prêtes maintenant, c'est parti, direction la France et les familles de France, on y va. Oui, bah c'est qui là? C'est quoi? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Bah moi, c'est moi, je veux savoir qui vous êtes d'abord. Voilà. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Je te dis au revoir et je t'emmerde. Et puis de toute manière, tu viens plus me rappeler. Et de toute manière, tu viens plus me rappeler. Bah très bien là. Bon. Très bien, merci pour cette belle déclaration. Bon, on est prêt pour le double appel, ça, allez, comment ça marche. Allez, c'est parti. On prend les numéros que vous nous laissez tous les soirs, on les met en contact, on prend n'importe qui, on mélange n'importe qui, nous. Et on les met en contact ensemble, c'est l'heure de voir un petit peu comment ça va se passer chez les familles de France. Chez qui qu'on va pour démarrer, Samy? On va. Bah... Dans le 54, parce qu'en fait, j'ai pas les noms. Ah, t'as pas les noms. C'est le numéro que j'ai pris, donc j'ai. Bon, alors, on va dans le 54. C'est ça. Le 54, c'est la Meurthe et Moselle. Allô? Oui. Allô? Ah. Oui? Oui? Allô? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Sonore. Il y a deux personnes qui parlent. Ah oui, oui, alors là, vous voulez qui, madame? Allô? Bah, je sais pas, c'est vous qui avez appelé, c'est mon téléphone qui a sonné. Ah non, non, pas du tout, j'ai pas appelé, ça fait deux fois qu'on me téléphone. Mais on me dit toujours allô, allô, alors je sais pas qui c'est, j'en sais rien. C'est téléphone. Ah! Bah non, mon téléphone, il. Oh, c'est quoi ce. Ouais, bah, je crois qu'il y a un problème, parce que moi, mon téléphone, il sonne et en fait, je réponds, c'est pour ça que je dis allô. Ah bah oui, alors moi, je disais allô aussi parce qu'on me téléphonait. Oh, mais c'est quoi ce cinéma, là? Ah bah, ça, j'en sais rien. Écoutez... J'en sais rien non plus. Moi, mon téléphone, il sonne, donc moi, je réponds, donc je dis allô. Eh ben, moi aussi. Alors, je disais allô, et j'attendais allô. Alors, je dis là, je sais pas du tout ce qu'il y a. Ah ben, moi non plus, alors, je peux pas vous aider. Ben moi non plus. Ben écoutez, il y a quelque chose sur le réseau, je sais pas. Apparemment, oui. Bon, ben, c'est tout, hein. Allô? Donc, ça va par... Qui c'est qui dit allô? Mais qui c'est qui dit allô, alors? Bon, on est trois sur le téléphone? On est à trois sur la ligne. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est qui se passe dans le téléphone? Allô? Vous êtes de où? De Longuillon? Moi, je suis dans Guyon, mais écoutez, essayez de... Eh ben, moi, c'est pareil. Il y a une dame qui m'a appelée, elle dit « Allô ». Alors, moi, je lui dis « Allô », puisqu'on m'appelle. Et elle, elle dit « On m'appelle aussi ». Alors, je ne sais pas ce qu'il y a, hein, sur le... Je ne peux pas vous dire, mais sur le réseau, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, ça, je pense bien. Oui, parce que moi, on m'appelle, mais bon, c'est marqué privé, alors je ne sais pas qui c'est. Oui, bah, moi aussi, hein. Donc... Bah, privé, voilà. Je crois que c'était mon neveu qui m'appelait de Belgique. C'est souvent privé. Alors, c'est pour ça que je réponds. Parce que les numéros que je connais pas, je réponds pas. Alors, je ne peux pas vous dire, monsieur. Je suis pas votre neveu, mais j'habite aussi Longuyon, mais je suis pas votre neveu. Non, non, mais moi, je pense que c'était lui, voilà. Comme si c'est privé, mais autrement, moi, mes numéros s'affichent et je prends que les numéros qu'ils affichent. Alors, ah, moi aussi. Ça. Bah oui, bah voilà. Bah, ça fait deux fois, hein. Là, j'ai une dame, déjà, hein. Oui. Donc, il y a quelque chose sur le réseau, hein. Ah, je pense bien, oui. Voilà, bah écoutez, tant pis, voilà. Allô ? Allez, oui, au revoir. Bah. Ah, encore un autre. Allô ? On va être à 105... Allô ? Allô ? On va être à 150 sur la ligne. C'est une forme de fou, ça. On va jouer à Scrabble, là. Oh, en ligne. Franchement, je sais. Écoute, tu le suces bien. Voilà. Vous voulez me sucer? Mais oui. Ouais. Avec un gros gosse dans le cul, c'est ça? Voilà. Ouais, absolument, oui. Ah putain, cool. Ah ben, attends. Eh oh, mais ils sont tous partis. Ouais, beau final de Patrick. Ah ben, Patrick intervient et là, t'as toutes les familles qui partent. Elles étaient trois, c'était un triple appel. Wow. Pas un double appel, toujours plus fort, Skyrock. De la nouveauté, tout le temps. Bah, ils sont marrés. Non, mais, un, deux, trois. Ouais. On m'appelle, je dis allô. Hein. Ah ben, allô, mais il y a rien. Ils ont bloqué là-dessus. Ah, là, elle nous a fait un mode d'emploi de comment répondre au téléphone. C'est moi, elle m'a fait penser, tu sais, les deux meufs sur Canal Plus qui font le les. Ouais, ouais, Catherine et Liliane. Ouais, on aurait dit elle qui parlait. Ah ben, comment on dit allô? Moi, je dis allô. Mon téléphone, il sonne. Je décroche et à ce moment-là, je dis allô. Et ils disent tous les deux qu'ils répondent pas au numéro inconnu, mais ils ont tous les deux répondu. Ouais, c'est... ouais, parce que nous, on appelle au numéro inconnu. Hein, ouais, ouais. Eh ben, écoutez, c'était sympa. Si donc, c'est Laura. Ouais, on était en Lorraine, on peut aller partout en France pour le double appel. Gros succès pour le double appel. Hein. Il y a Snap qui nous laisse un message qui nous dit absolument génial. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Absolument. Et Patrick, tu l'as trouvé comment? Comment c'était? C'est excellent là. Ah, excellent. C'était excellent. C'est bien, Patrick. Absolument. Très très bien même. Bah, très bien là. Ah, bon, bah, ouais, ouais. Ouais, ça c'est du bon double appel comme on l'aime. Hein. Ah c'est bon là. Ah, ouais, ah c'est bon. Bon là. Hein. Tu es excité, Patrick, j'imagine. Absolument, oui. Ouais, absolument, oui. Et tu as un point commun avec Cédric, mis à part le fait que tu sois obsédé par le sexe, tu as également un problème. Bah, je me suis fracturé la clavicule. Ah ouais, c'est la clavicule. La clavicule. Et j'ai dit à Cédric qu'un jour il serait comme Patrick, mais il en prend le chemin. Ça commence. Allez, ouais. La clavicule. Pervers. Donc, pervers. Ils ont beaucoup de points communs. Bon, le double appel est de retour, peut-être avant minuit si on a le temps. Et sinon, bah, demain soir, hein, soyez là entre 21h et minuit tous les soirs, à n'importe quel moment. On peut s'amuser avec nos téléphones, nous aussi, là. Tout à l'heure, alors là, c'est pas pour rigoler, c'est plus sérieux, c'est le clash de la drague qui arrive. Cédric, j'espère, sera là pour le clash de la drague, il nous l'a promis. Autrement, on lance une opération insultons Cédric en direct. Ah ouais, cool. Traquons Cédric en direct, ouais, s'il est pas joignable. Ouais, cool. Ouais, cool. Faut pas qu'il ait pris ses cachets, parce que ses cachets, vous savez, c'est une petite nature. Cédric, il prend un cachet, il tombe. Ah, il prend un Doliprane, il est KO. Mais ouais, c'est ouf. Ça. Et pas le train, quoi. Donc tout à l'heure, le clash Romano, le vainqueur du clash, depuis un petit moment déjà, contre Cédric. Bah, tu peux l'annoncer, hein, depuis la rentrée. Depuis la rentrée, c'est vrai. C'est vrai, ouais, t'en as pas perdu un. C'est vrai. Non, pas un. Tu te souviens que je vous ai baisé avec Samy? Ouais, 56, 44. Je me souviens pas du tout. Non, vous avez fait 24, les fait 44, gros. Bon, Cédric, prépare-toi, j'espère que ça va chauffer tout à l'heure. Donc on passera aux choses sérieuses dans pas longtemps là. Idriss, allez, c'est à toi Idriss, parce que tu nous attends depuis le début de l'émission, Idriss. Donc toi t'es à Marseille et c'est toi qui a fait la misère à quelqu'un. Et aujourd'hui tu regrettes un peu. À qui t'as fait la misère? C'est quelqu'un de la famille? Vous avez fait la misère, par exemple Marie, t'as fait la misère à tes parents toi? Ouais, j'étais pas très cool, enfin surtout à ma mère. Oui, parce que je l'insultais. Parce qu'elle volait mes bouteilles de vin. Elle non, non, non, ça, à ce niveau-là, il n'y a jamais eu trop de problèmes. Mais t'as déjà mal parlé à ta mère? Ouais, bah oui. Qu'est-ce que t'as dit de mal? Non, mais j'étais un petit peu révoltée. J'étais un peu je l'ai un peu insultée, quoi. Révoltée. T'entends, la Marie, c'est une révolteuse. Mais c'est une révolutionnaire. Une révolutionnaire. Non, c'est parce ça. Que j'étais à bout de nerfs. Une sans culotte. Voilà. Non, j'étais à bout de nerfs. J'étais en pensionnat. On vivait, tu vois, le week-end chez ma grand-mère. Et à l'arrivée, elle nous donnait des ordres. Et ça, alors ça, je me suis pas. Ta gueule, la vieille. Elle fait pas chier. Je sais, t'as qu'à vivre avec nous. T'es pas ma mère. Ah si, merde. Non, c'était ma maman. Ah, je croyais que c'était ta grand-mère. Mais je regrette maintenant, tu vois. J'étais un petit peu con, quoi. Ouais, Romano, t'as déjà fait la misère à quelqu'un, toi? Ah ouais, mes parents, ouais. À tes parents, t'as fait la misère? Putain, vous êtes grave. Bah ouais, nous. Il obligeait sa mère à lui frotter le dos avec une éponge. Elle lui ramenait un petit déj. Non. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'était pas des ordres. C'était avec plaisir qu'elle le faisait. Mais avec une éponge. Allez, maman, range ma chambre, s'il te plaît. Est-ce que t'as quel âge, Idriss, toi? Non, mais moi, je. Ouais. Moi? Ouais. 14 ans. 14 ans. Est-ce que ta mère te lave dans la baignoire tous les matins et tous les soirs? Avec une éponge? Avec une éponge? Non. Pas du tout. Ah, tu te laves tout seul? Ben... Ah, bah c'est bizarre parce que Romano, lui, jusqu'à l'âge de 18 ans. Je me lavais pas. 18 ans, sa mère était obligée de le laver sinon il se lavait pas. C'est vrai. Avec une éponge. Mais non, mais elle me lavait pas jusqu'à 18 ans. Bah, si tu nous as dit que t'avais 18 ans, elle te lavait dans la baignoire. Mais j'ai jamais dit ça. Alors, je lance un appel. Mais si, tu l'as dit, gros. Non, je l'ai jamais dit. C'est 10 foules qui racontent ces conneries depuis des années, là. Si, jusqu'à ce que t'as aménagé à Paris, t'as dit. Mais ouais, grave. Et puis à Paris, vu que je savais pas, je me lavais plus. Voilà. C'est ça. Ouais, peut-être. Je sais demandé au voisin, mais il voulait pas. Je lance un appel à la vérité. Vous pouvez toujours y aller, vous trouverez jamais. Est-ce que vous avez entendu dans l'émission Romano qui disait qu'à 18 ans, il se faisait laver par sa mère dans une baignoire avec une éponge? Non, mais moi je veux l'extrême. Alors, moi, l'extrait de l'émission, moi je lève la main et je le jure, moi. Ah voilà, très bien, c'est la main gauche que t'as levée. Bah ouais, mais c'est fait exprès. Ah d'accord. T'as les doigts toutes travioles. Bah c'est mon doigt cassé, connard. Oh, ouais, dégoûtant. C'est vrai, t'as la bas dégueulasse, quoi. On dirait Idriss. Bah tiens, je te fais un doigt. Regarde, je te fais un doigt tordu. Putain, il est ridicule, ton doigt. Pour t'expliquer, Idriss, Karim, il a un doigt, c'est un Z. Tu sais, il est pas crédible, ton fuck. Parce qu'il a fait réparer un doigt au Maroc, et au Maroc, ils lui ont réparé le doigt en Z. Je pars chez le mécanicien au Maroc. Ça. Ah, j'ai l'extrait d'émission, d'ailleurs, dans lequel Romano, tu dis que tu te fais laver par ta mère à 18 ans. Ah, voilà. Ouais, écoute. Ah, tu vois. Non, mais j'ai jamais dit ça. La vérité sort de la bouche d'Idriss ce soir. Non, le petit déjeuner, ça, ouais, c'est vrai, jusqu'à 18 ans, elle m'a même petit déjeuner. Mais voici l'extrait de l'émission, je vous le fais écouter tout de suite. Alors, Romano, dis-nous, réponds-moi, Beuillant. Va te faire enculer. Si ta mère te lavait dans la baignoire à 18 ans. Voilà. Ouais, bien sûr. Voilà, c'était l'extrait de l'émission dans lequel Romano a dit Beuillant pour dire qu'il se faisait laver par sa mère à 18 ans. Non, mais pas jusqu'à 18 ans, mais le petit déjeuner, ouais, effectivement, je gueulais quand c'était trop chaud, mais c'était jamais à bonne température. Putain, mais incompétente en plus. Non, mais. Change de mère. Non, mais tu sais que même encore maintenant, c'est jamais à bonne température, c'est incroyable. Incroyable. Alors, toi, Idriss, t'as pas foutu la misère à tes parents, toi? T'as pas fait la misère à tes parents? Non, jamais. Jamais, c'est bien ça, Idriss. Moi non plus, tu sais que j'ai jamais fait ça. Ah, parce que moi j'ai déjà dit ta gueule et tout. Hein. Ah ouais, pareil. Oh là là. Moi je t'aurais claqué, moi. Ah ouais, tu te faisais claquer ou pas? Ah bah non, t'as fait une crise d'asthme après. Ouais, mon père il ne sait plus me claquer. Ouais. Donc, ouais, tu disais ta gueule à tes parents? Ouais, mais pas tout le temps, hein. Mais des fois, ouais. Mais est-ce que ça a été plus loin que ta gueule, genre connasse ou. Ouais, je pense qu'il y en a eu, ouais. Ah, oh, ça c'est pas bien. Oh, putain, t'es grave, gros. Ah ouais, ça va, c'est bon, c'est pas la fin du monde non est-ce plus. Est-ce que t'es déjà allé plus que connasse, genre salope? Non. Si, quand j'étais petit. Ah oui, tu l'appelais mais ça, c'était, oui, c'était c'est involontaire. Putain, mais ça c'était affectif. Ouais, voilà, ouais. Pour moi, c'était maman. J'étais tout petit, j'apprenais à parler. J'avais entendu ce mot et il m'avait beaucoup plu. Salope? Ouais, apparemment. Et pendant 3 mois, toutes les femmes, j'appelais salope. Mais toutes, hein. Voilà, toutes. Sans exception. T'as, tu voyais une caissière, tu disais bonjour salope. Ouais, ou sinon, j'étais là, ouais, les vieilles. Ça, je disais souvent que c'était des vieilles. T'allais voir des vieilles, tu leur faisais salope. Non, je disais, ouais, t'es vieille salope. Ah, t'es vieille salope, alors. Bon, alors, à qui t'as foutu la misère, toi, Idriss, dis-nous? À ma prof. À ta prof. Mais cette année? Bah oui, et l'année dernière surtout. Ah, parce que. Non, en fait... non, l'année dernière, parce que oui. Parce que oui. C'est elle qui m'a foutu la misère cette année, par contre. Ah, c'est-à-dire que tu lui as foutu la misère, enfin, tu lui as fait la misère en fin d'année, tu pensais pas l'avoir l'année d'après, et il se retrouve en septembre. Surprise! Pas de chance. Oh, putain, tu t'es fait niquer. Mais revoilà, Idriss. Je suis là. Toi, tu vas manger toute l'année, toi. Ah, c'est pas de chance, ouais. Non, je te demandais si tu lui avais fait la misère en début d'année, parce qu'en général, en début d'année, il vaut mieux se tenir à carreau, comme ça t'as une bonne image, et après tu peux te lâcher. C'est mieux. Ah non, mais si tu fous le bordel dès le début, t'es catalogué pour l'année. Ouais. Ah, par tous les profs. Ah ouais, c'est clair, ils te font la misère après. Bah, eux aussi, ouais. Et mais qu'est-ce que, quand tu dis t'as fait la misère à une prof, tu lui as fait quoi, ta prof? Ben, je sais pas, genre, c'est décrit en cours, je répondais. Mais tu répondais. C'est basique, mais. Mais par exemple, uh-huh. Donne un exemple, quand tu lui réponds, c'était sur quoi? C'était dans quel cours? C'était un problème? Ben, je disais un truc, c'est ma prof de latin. À prof de latin? Ouais. Ouais. Et ouais, ben, je disais un truc, je disais oui, je m'en bats les couilles en fait. Ah, faut pas dire ça au prof. Mais t'es un ouf dans ta tête, ça, toi, les profs, ils aiment pas, ouais. Oui, mais en latin, s'il vous plaît. Oui, mais. Bata la couillonas. Mais non, t'es, ça, c'est en espagnol, ça. Tout ça, non? Quoi? t'as dû être collé et tout ça, t'as dû avoir des problèmes. C'est la fin de l'année et tout. Ah, pouvait rien faire, ouais, genre en fin d'année. Ouais, ah c'est bah vrai, moi, c'est en vrai, fin d'année, ouais. Je peux dire qu'on avait quand même des cols. Hein. Ah ouais, ouais. Mais ah ouais, moi aussi, ils s'en battaient les couilles. Hein. Ah non, en fin d'année, ils s'en battaient un peu les couilles. Ah ouais, ouais. Batas la coyonalas. Voilà, c'est bien. Non, c'est Batus les couillonus. Ah ouais, Batus les couillonus. Ça reste plus sale, latin. Oui, c'est ça, Batus les couillonus. Bien vu, Karine, tu es vraiment très intelligent. Ah oui, j'ai fait latin. C'est toi le plus intelligent de l'équipe. C'est gentil. Batus les couillonus, c'est ça. Et ouais, bah, j'imagine que cette année, quand tu l'as vu, tu t'es dit putain, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière. Ouais. Ah ouais, t'as dû t'en vouloir. Ouais. Et voilà. Mais les conséquences, c'est quoi? Elle s'en rappelle, j'imagine, ou bah, ouais, putain. C'est ça, ouais. Bah, je lui dis un truc, elle me fait ah ouais, tu dis ça, bah je t'enlève des points, des trucs comme ça. Ah ouais, l'hôtel va se venger toute l'année, c'est pas de chance. Hein. Non, non, quand vous foutez la. Attends, la guerre comme à la guerre, hein, tu ah, l'as ah, fait bah, chier, ouais, maintenant, logique, hein. Maintenant elle peut te casser les couilles, elle va le faire. Je quoi. Sais, mais je pouvais pas savoir qu'elle reviendrait. Eh oui, ça c'est la mauvaise surprise ça, de la rentrée. Belle, ouais. Tu as mal calculé ton coup. Et c'est quoi ça? Et est-ce que c'est ta prof principale en plus ou pas? Non, non, mais prof de latin, c'est jamais prof principal. Non. Mais prof de latin, il y a. Ah, méfie-toi, hein, moi j'avais un prof de latin, c'était un prof de français. Voilà, c'est ça, ouais, c'est mon prof principal. Français, sinon... Ah, ça c'est pas de bol, ça. Ah, non, non, parce que des fois. Sinon, ah, des faut... fois c'est que latin. Ouais, ouais. Ah, le mec, il va. Anus horribilis. Ouais, anus horribilis. Ouais. Moi, ça l'a travaillé, mon prof de latin, c'était un gros pervers, il faisait venir que les filles au tableau, ça nous arrangeait bien. Non, c'est mon prof de sport, moi. Ça. Ah, moi j'ai pas fait cette merde de latin. Tu faisais pas chier en latin. Mais pourquoi t'as fait latin, t'es un ouf? Pour être dans une bonne classe. Il nous avait déjà dit. Mais de toute façon, t'es con. Ah, il t'envoie à Rome, non? Bah ouais. Ah ouais, tu vas. Ah ouais, tu vas en Latinie. Bah c'est cool, c'est bon. Cédric. Ah ouais, tu vas en Latinie. Tu vas voir les Latines. Tu vas voir les Latines. La Latinie n'existe pas, Cédric. C'est l'Italie. Moi aussi, parce qu'il apprend le latin. Oui, mais c'est l'Italie qui s'appelle comme ça aujourd'hui. C'est pas ouais, Latinie. Ça c'est bien pour le voyage, ouais. Ah, je te comprends. Oui, moi. Mais maintenant c'est mort. C'est mort. Ah, veux pas t'emmener? Bah. Oui, elle t'emmènera, parce qu'elle est obligée. De toute façon, elle peut pas je prendre un élève. Quoi. Ah, ouais. Si, ils peuvent virer un élève d'un voyage, hein, gros. Bien sûr qu'ils ah, peuvent. Ah, moi, ma classe, ils étaient partis à Rodez. Je peux dire qu'ils sont tous allés sans moi. Putain, t'es pas allé à Rodez? Non, je suis pas allé à Rodez. Mais qu'est-ce qu'il y avait quoi, Rodez? Bah, ouais, mon neveu, on a fait un trophée aventure, Marie. Mon neveu. Tu parles de ton neveu Kaira? Ouais, c'est ça. Bah, lui, l'année dernière. Romano, il a un neveu, c'est une Kaira, il a 12 ans. Ils ont été deux à pas partir en voyage scolaire. Bah ouais, mais les profs, il avait foutu le bordel et en fait ils ont dit bah vous deux vous partez pas. Qu'est-ce qu'il avait fait comme bordel? Je sais plus, il avait mal parlé encore. Non, à mon avis ça devait être tout le long de l'année, il a foutu oui, le bordel. Oui, mais c'était ça, ouais, c'est ça, ouais. Un fouteur de merde, c'est ça, ouais. Bon, ce que tu dois faire Idriss, de toute façon le latin c'est quoi? C'est 2 heures par semaine. Ouais, mais... Bon, ça va, donc 2 heures par semaine, c'est facile à supporter. Ce que tu fais, c'est quand tu. Ferme un peu ta gueule. Ouais, tu te calmes, tu la cales le latin. Ta gueule, tu peux pas arrêter. Tu peux pas arrêter cette matière. Là, demain matin, en première heure. Ah ouais, tu commences par le latin, bah tu finis ta nuit, donc tu seras bien calme, tu seras tout tranquille. Amène, je sais pas, amène un casque, écoute Sky le morning. Ouais, ouais, casque, bien sûr. Ouais, ramène ta télé, ta PlayStation, c'est quoi, comme ces ça, idées, tu pourras jouer aussi. Ça vous dit. Non, mais pourquoi t'arrêtes pas? Parce qu'il veut aller en Italie. Oh là, il veut aller en Latinie. Non, il ira. Ah, tu peux pas arrêter. Ah, tu peux pas arrêter en cours d'année le latin? Moi, j'avais arrêté en cours d'année. Ouais, franchement, moi, putain, juste pour un voyage, je l'aurais pas fait. Oh, ouais. Mais allez, en Latinie. Mais ça n'existe pas, débile. Oh là, attention. Ah, je vais te piner au clash. Voilà. Tu mérites de te faire piner sévèrement. Il va voir Jules César. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, Cléopâtre ouais. Aussi. Exactement. Ou pas prendre un bain de foutre avec elle. Oh, ouais. J'adore. Non, c'est du lait d'anus. Mais c'est du lait d'anus, ah, je viens d'avoir un message de Cédric. C'est bon pour le clash, j'ai ma méthode. Mais pas trop tard parce que je suis crevé. Non, mais branle pas une de la journée, non, Cédric. Bah attends, il prend des médicaments. Bah, moi aussi, j'en prends des médicaments. Ouais, bah... Il attend. Bah écoute, c'est bien, oui. On va y aller pour le clash, là. Bon, Idriss, le truc qu'il faut faire, qu'est-ce que vous en pensez dans l'équipe? Moi, je pense qu'il faut rester calme pendant les 2 heures de latin par semaine. Non, mais ça veut rien dire, parce que ça, si la prof, c'est vraiment une salope. Dans le pif, ouais. Elle va t'interroger va à chaque fois, mais genre, elle va bah, t'envoyer. C'est ce qu'elle fait déjà. Hein. Bah voilà. Non, mais bah, surtout, voilà. Elle va m'a descendre. Elle va apprendre l'alphabet grec, parce qu'en plus, maintenant, on a grec. Elle m'a dit d'apprendre l'alphabet grec. Ah, tu dis, elle fait pas chier, toi t'es prof de latin, pas de grec. Oh là, t'es en latin. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est non, mais t'as pas tant, Romano. Voilà, c'est bien, il va aller en grecquie après. Oui. Il va manger des grecs. Voilà, tu vas aller en grecquie et manger des grecs. Bon, ben, bon courage, donc ça veut non, dire ben que ouais, mais, non, quand mais on fout le bordel, il faut vérifier si c'est en fin d'année, si c'est par exemple au mois de juin de l'année prochaine, vous foutez le bordel, vérifiez quand même que la prof, vous avez pas de chance ouais, de mais tu sais, tu peux jamais être sûr à 100%, il suffit qu'il y ait un prof qui ait une galère ou quoi, ouais, et elle est mise bah, remplaçante ou remplaçant. Non, mais surtout, ils se parlent entre profs, hein. Oui aussi ouais. Non mais c'est ça aussi. Après hein. T'as des profs qui s'aiment pas, donc si un prof ouais. qui aime pas un autre prof dit que moi j'aime pas tel élève, lui il est capable de l'aimer, donc on sait jamais. Ouais pas faux. Moi c'est mon ancienne prof de physique, elle était raciste. Message de Skyman du 78 18 ah bah, ans. Sympa. Moi ah bah tiens regarde, Il y en a qui a loupé un voyage de classe. Poupoule, 31 ans aujourd'hui. Moi, j'ai fait des conneries avant le voyage scolaire. Du coup, pas d'Allemagne pour moi, malgré l'intervention des parents d'élèves. Pour pas avoir de problème, il faut dormir en cours de latin. Non, mais tu pourras pas. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est le message de Ayrton. Salut, Ayrton. Toi, le problème, c'est que vu que l'année dernière, tu l'as fait chier, ah, c'est-à-dire que c'est elle qui va te faire chier. C'est-à-dire que si tu commences à piquer du nez, elle va dire Alors Idriss, bah tu vas venir nous expliquer le tableau. Et tout ça en latin, quoi. Alors, explique-nous Anus horribilis. Ah mais je te dis, tu vas passer une année de merde. Une anus horribilis. Ah ouais. C'est ça, anus horribilis, ça veut dire année horrible. Année horrible. Année horrible. Ah, j'ai cru que c'était un anus horrible, moi. Un anus horrible. Et bien, c'est l'anus horribilis. Écoutez l'œil, vous a dit c'est bonjour. Joli. Il est maladus. Oh oui. Il chante. Mon anus, il pétus. Ah ouais, bah, il pétus. Il pétus et il putus. Il putus du cus. Oh là là. Bon, bah écoute, Idriss, bonne chance à toi. Avec les autres profs, ça se passe bien quand même. Bah oui, je suis fort en plus. Bon. Mais je suis. Non, mais au final, bon, le latin, ça va pas changer ta vie. Ouais, c'est pas ça qui va changer ta scolarité, tu sais. Ouais. Bon, après, c'est simplement pendant 2 heures par semaine, elle va te casser les couilles, quoi. Voilà. Donc, essaye, comme c'est en début de journée, moi je me rappelle le latin, c'était à 8h, moi de 8h à 10h le samedi matin. Eh ben, je dormais pratiquement pendant le cours. Ah, mais je te dis, tu pourras pas dormir. Je faisais pas chier le prof, hein, tu sais. Hein. Ouais, mais toi, tu l'as trop fait chier l'année dernière. Ouais. Ouais. Ouais, mon pote. On salue Ayman, 15 ans, qui dit, moi, mon prof d'anglais, il nous laisse nous insulter entre nous, si on le fait en anglais seulement. Ah, bah, il est gentil. Ah, tu veux dire, fuck you, motherfucker. Motherfucker. Ah, il est content, le prof. Son of a bitch. Ouais, tu super le cours. Cédric Biatch, quoi. Donc, tu peux balancer plein d'insultes à tes potes et le prof, il dit rien. Mais il a raison, parce que les insultes dans un pays, quand tu y vas, c'est très important de les connaître. Ah ouais, bah ouais, c'est un bruit. Par exemple, si tu vas aux États-Unis et qu'on te fait fuck you bastard et que tu fais thank you very much. Ça on se fait pas. La bise. Comme si tu vas en Italie, qu'on te dit vaffanculo et que tu fais ah bah, grazie. Moi aussi, grazie mille. Moi, je suis allé en Italie, je comprenais rien. Et le seul truc que je comprenais, c'était testa di cazzo. Ça veut dire tête de bite. Ouais, donc à la fin, j'ai demandé, j'ai compris que c'était tête de bite. Bon, voilà. Il te disait. Moi, au début, je croyais qu'il me disait bonjour. Tu vois, hey, testa di cazzo. Je vois. Et Samuel était là, ils sont gentils, les Italiens. Buongiorno, grazie, je disais. Tout le monde dit. Ah, grazie mille. Ils disent tous vaffanculo, testa di cazzo, c'est gentil comme tout. Après, franchisé di merda, bon, ça ressemble, j'ai compris. Franchisé di merda, ça veut dire français de merde. J'ai compris aussi. Voilà, c'est t'as pigé là. Bon, bah, bon courage pour le latin demain. Déjà, il y en a qui compatissent avec toi. Horrible, j'ai cru que j'étais le seul à faire latin. Ah bah, tu vois, t'es pas le seul non, à faire t'es latin. T'es pas le seul, non. JM qui nous envoie un message du 93. Toi aussi, tu fais latin. Bon, bah, bon courage, Idriss, alors. Hein. Ouais, du full. On te souhaite une sacrée année de merde. Une anus horribilis. du full, Idriss. Il y a moyen de gratter un jeu? Alors, gratter un jeu, non. Par contre, le t-shirt Skyrock, oui. C'est avec plaisir. Le collector, quand t'envoies à la maison, t'envoies ça à Marseille. Tu peux l'avoir signé? Ah, si tu veux, on peut te le signer. Ouais, si tu veux. Si, on va te faire une belle signature. Je peux pas, je suis content. Moi, je sais pas écrire. Bah, tu feras un dessin, Cédric. Je ferai une croix. Voilà, c'est bien. On te fera une croix pour Cédric, Idriss. Une croix gammée. <Okay. rire> Voilà, c'est ça. Salut, Idriss, ciao. Salut, et bon courage à toi. Et si vous avez fait la misère à des profs, racontez-nous, allez-y, hein, 41-759, skyrock.fm et puis 01-53-40-30-20 pour nous appeler. Dans un instant, on va s'occuper de Victor, qui a branché une meuf sur Tinder. Si vous avez déjà dragué, Tinder. Vous êtes allé sur Tinder, vous êtes allé sur Smax, vous avez dragué, et comment ça s'est passé, vous pouvez nous raconter. On va voir ça avec Victor dans quelques instants. Appelez Cédric tout de suite pour le clash aussi. Appelez le machin. T'es là, Victor? Ouais, je suis là, salut l'équipe. Salut le tombeur. Salut Victor. Lui, il sert, Victor. Il sert sur Tinder. Ah, c'est pas fait encore. C'est pas fait. Ah ouais, t'as pas vu la meuf encore? Oula non. Oula non, pourquoi oula non? Ah bah, parce que c'est une histoire un peu compliquée, là. Je sais pas. Alors vas-y, raconte, on appelle Cédric, on fait le clash juste après, parce que ça me semble important ce que tu vas nous raconter là. Ça marche. Pour tous ceux qui draguent sur des réseaux. Ouais. Je rappelle d'ailleurs dans l'équipe, il y en a beaucoup qui draguent sur des réseaux et qui le font en cachette. Un Romano. De quoi? Ah non, moi j'y vais plus, moi. Bah là, s'appelle l'autre machin là. Oui, mais t'as dit qu'ils le font en cachette. Tu sais, je le fais pas en cachette, ouais, là, je le fais plus là. Mamouta. Ah oui, sur un réseau téléphonique, elle. C'est pareil, c'est virtuel. Hein. Ouais, mais c'était bon, il y a un moment quoi. Et ouais. Et il l'a baisé. C'est ça. Ah ouais. Eh ouais, il l'a baisé. J'ai réussi. Tu vas draguer sur quoi, toi? Tu vas sur quel réseau? Donc Tinder, t'as dit, Victor? Tu vas que sur Tinder? Ouais, Tinder, j'ai essayé Appen, mais c'est un truc de psychopathe, genre. Pourquoi c'est un truc de psychopathe, Appen? Parce que c'est des gens que tu croises dans la rue, ça fait bader, quoi. Ah, c'est abusé, ouais. Ah ouais, si. Explique Appen. Bah, genre, c'est quand tu te balades dans la rue, si tu croises une meuf qui te plaît, et qu'elle est inscrite sur ce même truc, c'est et bah, ça géolocalise. Exactement. C'est comme Smax, en fait. Ouais, on peut, ouais, ouais, mais Smack, c'est pas en te déplaçant. Ouais, voilà. En fait, là, tu croises dans la rue, ça va te dire, bah, il y a une heure, t'as croisé à 5 mètres telle meuf qui était en contact avec ton profil. Et vois. Là, tu te dis, mais putain, c'était qui? Et là, tu réfléchis, tu deviens fou. Tu deviens ouf, ouais. Donc, t'as essayé un peu. Tinder, non. Poussé, et Tinder, ouais. T'aimes bien, toi? Tinder, bah, j'aime bien, en fait. J'ai jamais concrétisé là-dessus. Donc, là, c'est la première fois que tu concrétises, alors. Voilà, mais donc c'est pas encore concrétisé, c'est très chelou, très chelou. Alors vas-y, raconte-nous la story, puis on va essayer de répondre à ta question, puisque tu poses une question que tu veux poser à tout le monde. Ouais, alors en fait, donc j'ai commencé, donc ça a matché avec une meuf, une bête de meuf très très jolie, t'as etc. T'as fait un match de quoi? Avec des photos. Non mais c'est pas une blague, les gens. On parle sérieux, là. Match avec une meuf, c'est commencé... Une affinité Tinder, c'est quand... C'est pas Smash. Quand tu likes la personne... Non, match, comme ça match. Ah, Smash, c'est au tennis. Ah, ok. Les profils d'image, c'est-à-dire toi, tu la likes, la meuf, elle te like. Voilà. D'accord, ok, merci. Ça se like. Et après, tu match. Ok, d'accord. Après, ça se match, ça veut dire c'est... Donc t'as matché, ça veut dire que c'est plutôt pas mal. Ouais, t'as serré, quoi. T'as hameçonné, on va dire. C'est ça. Voilà. Hameçonné, c'est bon. C'est ça. Hameçonné. Exactement. Matché égale hameçonné. Voilà. Donc, j'ai hameçonné la meuf. Et puis, j'ai commencé à lui parler. Ouais. Bon, j'ai attendu 24 heures pour pas faire le dalleux, arriver direct. J'ai attendu un peu. On a commencé à parler et tout, bien, normal. Et bon, déjà, quand je lui posais des questions sur sa vie, elle était, tu sais, répondait un peu sèchement et tout, donc voilà. Bon, je me disais, j'ai juste à pousser. Elle est pas en confiance, machin. Tu l'as demandé quoi sur sa vie? J'imagine son âge déjà. Elle a quel âge? Elle a mon âge, à 21. Ok. Elle t'a raconté quoi sur sa life? Bah, elle m'a dit en gros que elle m'a dit qu'elle était à la fac, donc à la Sorbonne à Paris. Et elle était géolocalisée pas très loin de chez moi, donc ça correspondait. Tu t'es dit, t'as bien fait de matcher. Il y a moyen. Ouais. Voilà, exactement. Et puis ensuite, elle m'a dit, ouais, avant je vivais à Rio. Et puis je suis arrivé à Paris pour mes études. Pour me faire opérer. Ah, et là-bas j'avais j'ai fait une opération à Rio. C'est une brésilienne. Ah, ouais, j'ai pensé direct à ça. J'ai pensé. Non, mais elle est pas brésilienne. Elle est française. Elle m'a dit qu'elle était née à Neuilly. Donc. Oui, c'est bien en France. Oui. Oui. C'est bien en France. Et donc voilà. Et puis ensuite voilà. Donc après je lui ai demandé voilà ce qu'elle aimait, ce qu'elle faisait dans la vie, etc. Elle était toujours un peu répondait par un ou deux mots. Enfin pas plus. Ça a été vraiment évasive et tout. Ouais, et puis à un moment donné, je lui ai demandé, je lui ai dit, ouais, est-ce que tu peux me conseiller des endroits où sortir, des endroits sympas à Paris, je connais pas trop, machin. Et là, elle m'a dit, direct, bah, commence par venir chez moi déjà. Ah bah ça va, ça. Ah bah attends, c'est plus ça match. Ah bah ouais, ça match à ah ouais, douche, là, ça va. Elle va te faire visiter, ouais. Et ouais. J'étais content, sauf que juste après ça, je lui ai dit, ok, bah écoute, on va s'organiser un petit rendez-vous, j'aimerais bien te voir dehors d'abord, tu vois, parce que franchement, je sais pas, les photos, bah, la meuf est vraiment d'art, tu vois, et c'est rare quand même de. C'est quoi, elle est super bonne? Elle est ultra bonne, ouais. Ouais, bah tu sais quoi, il y a un message de Callaghan, il a pas tort. Il y a des mauvaises surprises sur Tinder, des fois. Tinder oh. Surprise. Tinder surprise. Callaghan. Mais oui. Tiens, j'ai rencontré ma copine sur Tinder et on se marie l'année prochaine. Niblette qui vient de nous laisser un message. Bah c'est bien, Niblette. Bah ouais, c'est mignon. Bah ça peut fonctionner, hein, ça bah, c'est clair. C'est un moyen de se rencontrer comme un autre. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention. Il y a Skyruel qui est sur l'équivalent gay de Tinder, qui s'appelle Grindr et qui dit putain, il y a que des tarés à base de pervers et avec des messages super hard. Tu meurs. C'est pareil sur Tinder. Alors moins cash quand même. Elle a été hard. Elle t'a demandé des trucs sexes ou pas, la meuf? Non, justement, elle dit juste viens quoi. Juste mais, viens. Mais le truc en fait c'est que sur Tinder des fois tu matches des bêtes de meufs et dès que t'envoies un message t'as une pub qui arrive en disant rejoins-moi sur le chat. Mais elle t'a pas fait ça. Elle t'a pas fait ça. C'est une vraie meuf, elle répond voilà, elle parle normalement. Visiblement c'est une vraie meuf. Mais vous avez échangé les numéros, tu lui as déjà parlé au téléphone? Et non, alors justement. Ah ouais, c'est peut-être un mec gros. J'arrive. Ah. Et donc après donc elle je lui dis ok bah si tu veux on se voit dans la semaine, file-moi ton Facebook ou ton Insta ou ton Snap n'importe. Et là elle s'est braquée direct, elle m'a dit non mais je donne pas mes trucs comme ça. Comment? J'ai pas envie qu'on sache dans mes amis. Pamela, dis pareil. T'es pas tombé sur Pamela, toi, dis donc. Tu viens du Brésil. Ah ouais. Allô. Oui, Pamela. Pamela. Oui. Ah bah je l'ai bien lu. Ah bah. Non, mais c'est pas un mec qui s'amuse. Bah, ah mais c'est bah, chelou. C'est la meuf, elle te dit ouais, viens chez moi. Viens chez moi. J'ai un numéro de téléphone. Ah non, je ne donne pas. Là, je suis pas une fille facile. Ah ouais, l'autre, elle veut que tu la sautes direct chez elle, sans même t'avoir vu. Et toi, tu lui envoyais une photo de toi. Oui, voilà. En plus de son côté, elle, c'est pas forcément. Elle peut tomber sur un taré aussi, quoi. Il y a Vince qui nous dit, mais je pense que ça sent le guet-apens, ton truc. Ouais, c'est bizarre. Vince, il est plus clair. Il nous dit ouais, c'est une meuf, mais elle a un braquemar. Ah, ouais, ouais, c'est bien possible. Ou gros... alors, c'est un plan pour t'attirer quelque part. Ouais, et là, c'est ouais, un guet. Ou dépouiller ou un truc. Dans... Ah, mais attends, ah, bah, je sens bien un plan comme ah, ça. Tu vois, ça toi ah, bah ouais. Attends. Non, mais apparemment, tu peux vérifier si c'est une vraie meuf. Parce qu'il y a Romain des réseaux sociaux qui m'a dit que le compte Tinder est relié à Instagram. Ouais. Bah, pas forcément. Ou Instagram est relié à Tinder, quoi. Pas forcément. Mais en fait, j'ai trouvé une technique. J'ai cherché, c'est très sombre comme technique. Mais si tu prends l'image, les photos de la meuf et que tu les mets sur un truc, tu es Google Images et ça te met sur un compte. Et donc j'ai fait ça. Ouais. Et en fait, je suis arrivé sur le compte d'une meuf tout à fait lambda, une brésilienne. Eh ben, ah, brésilienne, je te dis, il n'y avait rien de français. Dans, ouais. Enfin, elle avait aucun ami. Ouais, je te dis, elle a pris les photos. Un mec a pris et derrière, le mec qui va t'attirer quelque part, il va te dépouiller. Non, mais parce qu'en plus, ça habite à côté de la Sorbonne, donc c'est beau quartier, tu vois, à mon avis, c'est ça. Hein. Ah, tu crois que c'est ça, ah ouais, toi aussi? Ah, bah, écoute, c'est quand même bizarre. Non, mais ouais, mais ça pue le détapant. Dans les beaux quartiers, machin. C'est, ça, mais y a des... bizarre. C'est bizarre, j'ai jamais entendu d'arnaque au, tu sais, au réseau comme ça, là. De dépouillage, de Tinder. Ouais, quoi, après, il y a peut-être des mecs qui le déclarent. Ouais, mais t'as plein de gens qui le déclarent pas. Ouais, non, mais après, c'est tout simplement, peut-être, je sais pas, un mec travesti qui a envie de se... Moi, je penserais plutôt à ça. Moi, je pense, c'est plutôt des mecs, ouais. Je pense à un mec travesti. Moi, je suis un peu parano qui a envie de se faire. Ah, non, moi, je pense que si le mec, à un moment donné, tu sais, les travelots, au bout d'un moment, ils le disent. De toute façon, tu le vois par la force des choses. Bah non, et moi j'ai un ami, tu rends pas compte. Salut les filles. C'est moi qui suis allé lui parler. Si c'était un traf qui avait trop faim, il serait venu me parler, me harceler. Ouais, mais c'est leur... Alors que là, c'est moi qui lui parle à chaque fois, tu vois. Bon, qu'est-ce que vous feriez à la place de Victor? Bah moi j'irai pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des trucs, Romano? Toi, c'est clair, t'y vas pas, toi. Tu vas avoir une belle rondelle si tu y vas. Ah oui, il va te refaire la rondelle, le travesti. Ouais, ou alors tu vas sortir à poil. Non, bah c'est attendez, ça, parce que Jacquem qui nous dit ça, la belle rondelle. J'ai envoyé un message là ce soir pour dire si elle était dispo. Elle m'a dit oui, je suis dispo. Est-ce que t'es chaud? Elle m'a dit est-ce que t'es chaud pour faire un plan ouais sur Tinder. Est-ce que t'es chaud pour faire un plan à trois avec mon meilleur ami Sam? Tu vas voir, tu vas arriver, il y aura que Sam, il y aura pas elle. Il y aura Sam et tous ses potes. Je lui ai dit bah donne-moi ton numéro ou ton adresse. Mais là je savais déjà d'emblée que j'étais pas trop chaud pour y aller quoi. Et elle m'a donné le numéro, elle m'a dit tiens c'est le numéro de mon pote. Bon pas appeler avec lui par SMS. Mon pote. On se donne rendez-vous. Et bah dans un instant on l'appelle. En fait le pote c'est lui. On appelle Sam dans un instant, le pote de notre ami travesti. Enfin on pense que c'est un travesti mais on va voir. Tu bouges pas, reste avec nous Victor. Le clash arrive aussi, Cédric est de retour et le ghetto phénomène que je vous avais promis, ghetto phénomène et Jules, c'est Maria Maria. Ils ont tous gagné 1 500 € en répondant Skyrock. Eh ben c'est Skyrock. La seule radio qui t'offre 1 500 € toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Et non. Oh purée. Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le morning de Default sur Skyrock. Tu refais là. DJ Snake. Let me love you. Middle. Ils sont tous sur son premier album, encore. DJ Snake, en concert au Zénith de Paris le 25 novembre. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1 500 € toutes les demi-heures dans le Morning de Default. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Julien Télouk. C'est un truc de fou. J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouille. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. J'arrive chez McDo. Je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.

Gâteau Phénomène, on les salue d'ailleurs les Gâteau Phénomène. Ils étaient avec nous dans Planète Rap il y a quoi, il y a 15 jours avec Jules sur ce morceau. On écoutait Maria Maria. Diffoul, Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, on est en direct sur Skyrock. Romano est là, il se prépare pour son clash. Cédric est là aussi. Je suis prêt. Téléphone avec nous, je crois. T'es de retour, Cédric? Toujours opérationnel. Très bien, tu es salué par Romano qui vient de te faire une courbette. Pourquoi tu fais une courbette dans la poubelle? Au visage. Ah, t'as vomi. T'inquiète pas, ça, je vais te baiser, mon pote. Bon, on va y aller pour le clash, hein, tout de suite, là. Vous êtes prêts, hein? Ouais, parce que monsieur. Parce que monsieur est fatigué, donc. Ouais, c'est ça. C'est dingue ça. Hein. Surtout, hein. Passe sa vie couché dans son lit comme un baleineau et il est fatigué. Ah bah, alors, gorée, ça, quoi. Alors que vous avez bossé, vous êtes allé au bahut, je sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui, mais vous avez fait des trucs. Cédric, rien du tout, il s'est même pas lavé. Non mais il est shooté. Ah, je suis pas lavé. Ouais. J'adore être shooté d'ailleurs. Ma douche, je vais la faire demain. Ah. Tu fais une douche tous les trois jours? Non, j'en ai fait une hier, t'es gentil. Cédric le Suisse, vous pourrez pas me donner des médicaments pour être shooté. N'importe quoi. Et oui, ce serait génial. Il sentait bon quand vous êtes allé le voir, Karim? Non, parce que c'est. Non, c'est vrai, t'as fait ta douche après, ta copine, elle t'a rincé. Ouais, putain. Après, ouais. Eh ben, c'était sympa comme tout. On a vu le frère de Cédric, d'ailleurs, Karim a découvert le frère de Cédric, tu le connaissais pas, le frère? Non, je l'avais jamais vu. Le petit frère, il me fait, putain, il est beau gosse, lui. Mais ouais, vous avez rien à voir, gros. C'est une famille. Mon pote, on est on sait qui est raté, quoi. Ah ouais, bah là, putain, j'ai vu là. C'est Cédric. Je vais pas raté quand je vais te voir, tu vas voir. On salue d'ailleurs le frangin de Cédric. Mais tu pourras rien faire avec ta clavicule et tes 4 cutes. Et 4 cutes cassées. T'inquiète pas, ça va se rétablir, mon pote. Ouais, on attend ça. Hein. Bon, Cédric, tu comptes revenir de ces 4? Ouais, c'est la question qu'on voulait te poser parce qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui nous demandent. Il y a Chalope qui nous laisse un message. Bonjour, Chalope. Qui nous demande, mais il revient quand notre Cédric? Il y avait des messages de Capucine aussi tout à l'heure. Il y a Guretz aussi qui posait la question. Kling Kling qui nous laissait un message. Salut Kling Kling. Ça va durer longtemps ton cinéma? Mais toi, quand je vais revenir, mon pote, je te jure. Alors justement, la question, c'est ouais, alors, on veut une date. J'ai pas de date là, comme ça, là. Je peux pas te donner. Hein? Je peux pas tomber, donner de date, mais je vais rentrer bientôt, t'inquiète. Eh ben, on espère avec impatience. Inch'Allah. Ah ouais, on est grave pressé. une émission spéciale et tout, ça va être super. Bon, t'as entendu l'histoire de Victor? Victor, on va appeler sa copine, copain, là, dans un instant. Ouais. Sur les réseaux qu'il a rencontré, là. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, hein, d'après toi? Est-ce que c'est un fake, la meuf? Est-ce que c'est pas du tout une meuf? C'est un mec? Ah, je pense que c'est un fake, ouais. Les meufs sur Tinder. Après, tu prends son numéro de téléphone, elle t'envoie une autre photo, tu fais un FaceTime. Ah bah non, moi, pas du tout. Moi, je suis allé sur Tinder, j'ai jamais eu un problème. Non, bah moi non plus, mais en général, c'est quand tu rencontres dans un Tinder, après tu les rappelles, tu vois. Bah ouais. Non mais de toute façon, ça pue l'histoire. La meuf, elle te propose de venir chez elle, elle veut même pas donner son numéro. Tu dois passer par un pote à elle, s'il te plaît. Ouais. Moi je te dis, ça sent le guet-apens, tu vas te faire dépouiller là-bas. Alors Victor, tu vas sortir à poil. Ça c'est les réactions de l'équipe, tu veux les réactions des auditeurs, Victor? Ah, je veux bien, ouais. Alors Nana, elle a 29 ans, elle dit, moi je n'y serais pas allé, ça sent le coup foireux, une pute, le mec c'est son mât qui va te dépouiller. Ouais, parce qu'elle te propose de faire un truc avec elle et avec un mec. Elle en plus, un plan A3, la meuf, elle t'a même pas vu. Elle surtout, elle donne genre le numéro de téléphone de son pote, c'est lui qui va décrocher et tout. Tout le monde est là, c'est un trave, ça m'est déjà arrivé. Il y a Vincent Chaud qui dit, c'est un trave, c'est clair, appelez-moi, j'ai déjà vécu ça. Ah, tu vas nous raconter. T'as pas un trave, toi, dis donc. On va te passer un petit coup de fil, là. 0680, on a ton numéro, c'est bien. Ok, Vincent Chaud. Vincent Chaud 7, d'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait le 7 derrière. C'est un trave. C'est un mec qui veut que tu le suces. Méfie-toi. Fais attention à ton cul. Ça, c'était le message de Fan Romano. Il y a Hipster du 13. Moi, je dis traquenard. Traquenard. Kevin 59, tu vas te faire enculer, mec. Ouais, attention à ton cul. Tiens. Vincent Hélo, tu vas te faire ouvrir l'anus en deux. Ah, moi, je pense qu'il y aura rien de sexuel. C'est que le mec, il va te dire, maintenant, tu me donnes tout ce que t'as et tu te barres. Il y a Fares qui te dit, attention à ton cul aussi. Il va te faire saigner l'anus. Fais gaffe, Victor. On appelle le numéro qu'elle t'a laissé, la dame ou le monsieur, on sait pas encore, mais on appelle le numéro qu'elle t'a laissé, on verra si c'est un. C'est censé être son pote qui décroche. Vous voulez qu'on appelle tout de suite? Vas-y, hein. Allez, on appelle tout de suite. Allez, c'est parti. Juste derrière. Allez, c'est parti. On appelle donc Sam. Il s'appelle Sam Lema et puis le mec, c'est ça, hein? Le Mac, ouais. Le Mac, ouais, c'est Sam. Méfie-toi. Elle m'a dit aussi de pas, elle m'a dit de correspondre par texto, donc je sais pas s'il va décrocher. Allô? Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment, merci de laisser un message. Donc c'est un homme, hein. Donc c'est bizarre parce que il a une bonne voix. Ouais, le seul numéro qu'elle t'a laissé, C'est un numéro et c'est un mec qui répond. Ah, mais je t'ai dit, c'est pas clair. Non, mais c'est ça. Ouais. On va voir ce qu'on dit. Elle m'a dit que c'est le numéro de son pote. Hein. Traquenard. Traquenard. Bien vu, mon cher Romano. Non, mais ça. Non, mais à la limite, la meuf, elle veut pas laisser son numéro. Bon, pourquoi pas. Mais quel risque elle prend de laisser son Facebook, tu vois? Parce que oui. Facebook, tu peux bloquer les gens et tout après. Ah oui, non, mais. Non, mais ça, et puis l'inviter chez elle. Moi, je le redis. Ouais. Traquenard. Traquenard. Sky Ruel, 18 ans, elle craint son histoire à l'auditeur. Qu'il cherche une autre meuf, ce qui devrait être facile vu sa belle voix et il a l'air super cool. Oh, t'as vu Victor? Ah, mais c'est dommage parce qu'elle était vraiment fraîche. Bah ouais, ouais, après, ouais, c'était pas sa photo à elle, hein. Non, mais après, oui. Bah oui, en plus, avec t'as googlisé, là. Ouais. Et avec, t'es tombé sur un Instagram d'une meuf brésilienne, mais il y a pas un truc en français. Elle a volé le profil. C'est un mec qui a fait un faux profil en récupérant des photos. Ça, il y a des milliers de trucs comme ça. Toi, tu vas draguer, Romain, toi qui es obsédé sexuel. tu vas draguer sur des sites comme ça. T'es pas obsédé sexuel, non. Pas obsédé sexuel. Vas-y, parle dans ton micro. Oui, oui, je vais draguer sur. C'est quoi ce bruit que j'ai entendu? Il y a un monstre qui a fait. Non, c'est moi, c'est Marie qui disait merde. Parce que je viens de faire tomber mon bout rouge. Avec une classe, mais absolue. je viens de faire tomber mon. Mon bout rouge. C'est quoi ça? De ma cigarette. Mon bout rouge. Tu parlais de ma bite. De ma cigarette. Non, pas ta bite, non, pas ta bite, Samy. Ça va pas mieux. Hein. Non, ça va pas mieux. Ça va pas mieux. Après le week-end en même temps, bon. Ouais. T'es jamais tombé sur un fake, toi, Romain? Si, mais je suis tombé sur une folle une fois. Une folle? Oui, qui voulait que je l'écrase. Et qui dansait? Est-ce qu'elle dansait comme ça? À peu près la même danse. Voilà, vas-y, raconte pas, s'il te plaît. Non, mais c'était, j'ai rencontré une meuf, moi, sur Tinder. Mais elle voulait que tu l'écrases. Ouais. Mais Romain, t'as dit quoi? T'as dit qu'elle voulait que tu lui écrases les côtes? Ouais. Mais c'est Cédric, gros. C'est Cédric. Ouais. En fait, Cédric, tu t'es pas cassé la gueule en moto. Depuis le début, tu nous racontes un mytho, tu t'es fait casser les côtes c'est par GSM. Romain. Avouez, bande de salauds. C'est Romain des réseaux sociaux, il t'a cassé les côtes. Il m'a cassé les côtes. Un peu trop fort, ouais. Ouais, le cou aussi. Il m'a cassé le cou. Non mais sur les réseaux, ouais, bien sûr qu'il y a grave défect, t'es fou. Bon, attendez, on va juste prendre des réactions en speed là parce que vous réagissez, vous nous laissez des messages, vous appelez au 01 53 40 30 20. Tiens, il m'est arrivé un truc de fou sur Smax l'été l'an dernier. J'ai échappé à un guet-apens de justesse. Ouais, le mec ne doit pas y aller. Attention. C'est on bien. A Hamid tiens, qui est en ligne avec nous aussi. Salut Hamid. Salut. Oula, tu vas prendre un autre téléphone. Ouais. On va s'arranger pour le téléphone. On a Vincent également en ligne avec nous. Ouais. Salut Vincent. Salut Vincent. Ouais, Vincent. Salut. Alors qu'est-ce que t'en penses de l'histoire de Victor, toi? T'en penses que c'est chelou aussi? Moi, j'ai écouté depuis des années, je vous écoute sur Skyrock, les gars, franchement, vous m'accompagnez dans toutes mes aventures. C'est vrai qu'on vit plein de moments de vie ensemble tout le temps, c'est bien, hein. Putain, c'est clair, et franchement, c'est la première fois que j'étais au téléphone des foules, voilà. Eh ben, tu n'as pas moi, tu as également le magnifique clasheur Romano qui est là. Magnifique. Bonsoir, Vincent. Tout le monde. L'exceptionnel Cédric est là aussi, bien sûr. Ouais. Je suis là aussi, ma gueule. Mmh. Ouais, on s'en fout. Toi aussi, on t'entend plus, Vincent. Pas Vincent, là, il y a beaucoup d'émotions, mais il faut parler dans le téléphone. Ouais. Là, je parle dans le téléphone, vous m'écoutez bien? Non, on t'entend mal. On te perd, là. Ouais, on t'entend mal. Ça, c'est les films Romano, ça. C'est possible. Voilà, c'est très drôle. Ouais. C'est possible. Ouais. Et alors, donc, t'en penses quoi de l'histoire de Victor, toi, Vincent? Ben, en fait, moi, une fois, je faisais les courses et en rentrant des courses, j'avais un numéro de téléphone sur ma voiture, sur la porte. Ouais. Du coup, j'appelle le téléphone et ça me fait allô, Christelle et tout. Enfin, ça me fait le truc. Voilà, Christelle. Une commerciale. Oui, allô, c'est Christelle, je suis commercial. Excuse-moi, je suis un peu enroué aujourd'hui. Sur le papier, tu peux pas le voir. Oh putain, je me suis passé une couille. Oh putain de merde. Et du coup, le gros rendez-vous, et puis après, je l'ai eu au téléphone, elle avait une voix de fille, hein, tu vois. Tu vois, elle aimait le cul, c'est clair. Hein. Et bref, en gros, pour faire court à l'histoire, le soir, je la rappelle et elle me dit... oui, par contre, je te préviens, parce qu'en fait, elle voulait pas qu'on se voit en dehors. Je te préviens, j'ai une bite. Oui, une grosse queue. Qu'on se voit au motel. Et au motel, juste avant d'arriver, elle me dit, oui, par contre, je te préviens, je suis un trave. Ah bah, au moins, elle est bien, elle. Ils sont bien, tous les deux, parce qu'ils t'ont prévenu. Et du coup, je lui ai dit, on peut au moins se voir pour boire un verre, quoi. Non, je reçois que dans ma chambre. Elle voulait te recevoir direct et baiser direct. Voilà, donc pour moi, s'il a un numéro comme ça, que c'est trop facile pour moi, c'est que c'est... Ouais, mais t'y as allé au rendez-vous ou pas non, parce que je lui ai proposé, mais du coup, elle voulait vraiment qu'on se voit dans l'hôtel. Elle m'a dit qu'en fait, elle était travestie, donc c'était un homme commercial. Mais t'étais chaud pour aller boire un verre et après finir à l'hôtel? Non, franchement non. Moi, tu sais, je faisais les courses, je vois un numéro. Ah bah oui, c'est lui qui t'avait dragué en plus. Je pensais que c'était une meuf, quoi. Mais c'était un peu refroidi, quoi. Dit que c'était un trave. J'ai dit on se voit pour boire un verre, mais c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. C'est une meuf avec une grosse bite. Tu es une bite. C'est dommage. C'est ça. Est-ce qu'on a trouvé? Ouais, du coup, vas-y. Bah du coup, ouais, voilà, je sais pas, je pense que pour notre ami qui pose la question, ouais, je pense qu'il y a peut-être la piste du traf qui, bah, enfin du mec en fait, quelqu'un qui se cache, tu vois. Bah, il y en a plein qui nous disent ça. Et qui ose pas dire, bah ouais, en fait, je suis un travesti. C'est plein de traves sur les réseaux, c'est Mario, la copine du Belge pour Digital. Ah ouais. Ouais, il y a One Piece Soprafan qui est un garçon de 17 ans qui dit, c'est moi la meuf, mort de rire, ça pue la merde ton histoire, attention, c'est pour Cédric la pute. Ouais. Par contre, après, c'est vrai que c'est l'histoire de la personne qui se fait alpaguer pour se faire racketter, je suis d'accord, mais moi, ce qui m'est arrivé, c'était l'histoire où c'était un trave et qu'il voulait juste baiser avec toi. Bon, ok. Ouais, mais toi, tu vois, il te l'a dit parce que la meuf, c'est chelou. Honnête, ouais. Ouais, c'est chelou son truc. Non, méfie-toi, Victor. Moi, je serais toi, je mettrais un stop à tout ça. C'est vrai, je suis d'accord. Non, je serais toi, j'irais pas non plus. Attends, on va prendre juste Hamid parce que je crois qu'on l'a retrouvé, Hamid, et qu'on l'entend bien maintenant. T'es là, Hamid? Oui, je suis là. Ah bon, t'entends super, tu mortel. Alors Hamid, qu'est-ce que t'en penses de l'histoire de Victor, toi? Moi, je pense que c'est un compte fake, son truc là. Tu penses? Moi, je suis sur Smax. Ouais. Et il y a beaucoup de quand tu t'inscris sur Smax, tu dois certifier ton compte en fait. Et il y a beaucoup de comptes qui sont pas certifiés. Non certifiés. Et, généralement, les comptes pas certifiés, c'est pas fiable. Comme pas fiable. Comme c'est il disait tout à l'heure, t'as des photos des meufs, c'est des meufs gavées bonnes. Ouais, c'est pas vérifié en fait. Traquenard. Et en fait, tu les vois, c'est des meufs, elles ont de la barbe, elles ressemblent pas du tout à la meuf que t'avais vue sur une photo, qu'en fait. Et ouais, puis y en a, ça peut être des mecs derrière. Je les croise pas, je les vois pas après en vrai. Ah, t'es jamais allé jusqu'au bout, toi. T'es jamais allé à la rencontre. Si, mais pas avec des meufs comme Ouais, toi, c'était que des comptes certifiés, quoi. Voilà. Ok, vérifier si c'est certifié. On essaiera de rappeler ta meuf ou ton mec, je sais pas maintenant Vincent, j'en sais plus maintenant. Enfin le pote de la meuf mec quoi. On essaiera de rappeler le Sam qui t'a laissé le numéro, on essaye dans juste après le clash, on fait ça? Parfait. Et ben ça roule. Parce que Cédric n'en peut plus, il a envie de se faire piler. Il est impatient. Il frétille. Ouais. Et ben merci en tout cas pour les témoignages. Merci Vincent, tu reviens quand tu veux Vincent, on t'envoie le t-shirt. Ok, avec plaisir l'équipe. Et ben bise à toi Vincent, sympa. Salut Vincent. Et Hamid, même chose. Ah Nancy, si, on t'envoie tout ça. Bise Hamid, raccroche pas. Hamid 2. Merci. Ouais. Salut Hamid. Et ben on y va pour le clash là. Allez. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Ah, ils sont là et réunis ce soir. Faites-vous un bisou, tiens. Vas-y, viens me faire un bisou, Romano. Ah putain, fais chier. Je suis malade. Sur la bouche. T'es malade, t'as qu'à te soigner. Hein. Bah je me soigne, je fais que ça. Ouais, parce que c'est vrai, ça fait quoi? Ça va faire 15 jours que t'es pas là, toi? Non, ça fait 11 jours, j'en peux plus. 11 jours, tu comptes, en plus, t'en peux plus. Non, mais il en peut plus, il reste chez lui. Tu sais qu'on rigole bien, nous, ces temps-ci, en fait. Non, on passe des bons moments, hein. Je sais pas si vous, chez vous, c'est pareil. Nous, on rigole bien. Regarde, Romano est content. Je dirais même, c'est mieux que d'habitude. Tu trouves que l'émission s'améliore? elle s'améliore depuis quand? Bah, je sais pas, depuis 11 jours, tu m'as dit. Ouais, c'est ça, une onzaine de jours. C'est que c'est pas mal, hein. Une onzaine de jours et l'émission, elle te plaît de plus en plus. Ah ouais, c'est grave bien. C'est bien. Moi, je me fais chier, mais c'est pas possible. Ah bah, pas nous. Nous fait chier, oui. Donc ça va. Je vais venir m'amuser avec vous, moi, bientôt, t'inquiète. Eh ben, on espère, on espère. Non, mais même quand tu vas mieux, gros, si tu veux rester chez toi au téléphone, t'inquiète. Non, pas de problème. T'inquiète pas. Alors, Cédric, ta méthode de drague de soir, on va vite y aller parce qu'il est presque, 11h, là, 11h moins 10. Allez, vas-y. Moi, ce soir, je suis éleveur de porc. Ah, bah, c'est bien. La famille. On m'a dit que dans la famille, il y avait des cochons et des cochonnes. Si, la famille. Donc, je voulais voir ça, quoi. Cédric, éleveur de porc, ça vous surprend? Non. Non. Tu fais le rôle du porc, toi. Non, je fais le rôle de l'éleveur, tu dis connard. Très bien. Ah, je pensais que tu étais dans l'enclos. Salut les filles. Très bien, c'est là que tu fais très bien, quoi. Très bien le porc. Et Romano, quelle est ta méthode? Alors moi, ce week-end, j'ai mangé du piment. T'as mangé du piment. Et j'ai l'anus en feu, il faudrait qu'on me le lèche pour me le soulager. Ah, t'as très très mal, il est très très chaud. Voilà, il est très très irrité, mon trou du cul. Mais n'empêche, tu rigoles, mais quand on bouffe du piment, quand tu vas chier le lendemain, ça te brûle le trou de bas. Ah, moi, je fais gaffe. Ah, bah, tu connais, toi. Ça, c'est clair. Avec la charcuterie italienne, là, t'avais pas eu ce problème? Ouais, mais maintenant, j'ai levé le pied. C'est Romano, il adorait manger de la spiedata picante. Ouais, mais ça t'arrache la gueule. C'est quoi. Surtout picante. Et le cul. Ah, ouais, ah bah le cul, ouais, bah t'as l'impression de chier des braises. Ah non, ardente. Ça t'avait détraqué le trou de balle. Ah ouais, non, ça va. Non, mais moi, je sais que ça me le détraque, mais c'est tellement bon, je peux pas m'empêcher de se faire détraquer le trou du cul. Ah ouais, c'est trop bon. C'est tellement bon. Cédric, je vais te détraquer le tien ce soir. Ouais, toujours mon allez, vas-y, fais-nous ta méthode. Alors, on va y aller. Et donc, la méthode, t'as un porc. Et je tiens à remercier d'ailleurs tous les auditeurs et les auditrices de Skyrock qui ont réagi tout à l'heure quand j'ai demandé le moment vérité de l'émission. J'ai demandé si Romanos avait vraiment dit dans l'émission qu'il se faisait laver par sa mère à 18 ans dans une baignoire. Les messages sont arrivés par centaines et des millions. Par centaines de millions. Non mais regarde, c'est à toi, Cédric. Jean-Jacques. Oui. Allô, Jean-Jacques. Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Bah bien. Bah bien, nickel. C'est Michel au téléphone, éleveur de porc. Je t'appelais parce qu'on m'a dit qu'il y avait une sacrée cochonne à la maison et je voulais venir vérifier ça. Ah ouais? Ouais, je peux venir à la maison pour voir ça? Eh ben, ce sera peut-être pour une autre fois, hein. Oh. Ou si tu veux, je peux venir voir si toi t'es un sacré cochon. Oui. Il paraît que t'aimes ça. Oui. Je vais venir avec mon fouet, je vais te fouetter un petit peu les fesses et puis après on verra comment tu vas réagir. Pourquoi pas? Eh ben, écoute, nickel. Je vais venir dans 5 minutes alors, mon cochon. Ouais, je t'attends. Prépare tes petites fesses, elles vont être toutes rouges, hein, ce soir. Ok, à tout de suite. À tout de suite, mon chéri. Ça fait le mec a l'air intéressé, Cédric. Voilà. Mais moi, ce qui me dégoûte, mais pourquoi tu veux mettre des coups de foin à un porc? Ça s'appelle de la maltraitance animale. Viens, tu appelles la SPA. Quoi, vous aimez les animaux, là. Votez Romano. Non, ça marche pas. Cédric, mais non, mais pourquoi tu fouettes un porc? La pauvre bête. De toute façon, t'aimes pas les animaux, t'as déjà abandonné un chien. Oh, le pauvre. J'adore les animaux, c'est pas vrai. Oh, le pauvre, écoutez. Il y a Cédric, regarde mon cochon. Regarde comme il est. Oh, le pauvre, il a peur. Ah, tu vois. En attendant, moi, j'ai serré un mec, moi. Alors, à Romano, maintenant. Patrick. Cédric en mode éleveur, ça passe. Alistor qui nous laisse un message. C'est ouais, qui? Ça passe, ouais. Votez le belge pour El Prince. C'est qui? Patrick qu'on appelle. Absolument, ouais. Absolument. C'est vraiment qu'on tombe sur lui. Cédric, maltraitance animale. N'importe quoi, quel mytho. Bonjour. Le chien que t'as chez toi, tu vas faire quoi? Il va finir au congélateur? Non, j'ai un chien, je m'en occupe très bien. Je vais lui manger. Demain, je mange une cuisse. Ah, mais t'es horrible. Mais c'est lui qui veut te bouffer. Ah ouais, laisse tomber, putain. Karim, il est parti en courant, le pauvre. Mais moi aussi. J'ai voulu faire le bonhomme, je peux te dire qu'il a fait le bonhomme 2 secondes. Moi, j'avais pas peur du petit chien, moi. J'ai un bon contact avec les animaux. Ah, coup de pompe est terminé. Regarde avec Cédric, j'ai un bon contact. Ouais. Ouais. Bon, alors, on appelle une famille pour Romano, prise au hasard dans les annuaires, partout. Allô? Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, c'est la femme de Bernard? Oui? Oui, Bernard est dans le coin? Et pourquoi donc? Ah ben, pour lui parler. Téléphone, pas faire un tennis, hein. Mais non, mais. Oh, le beau. On est. Et c'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis. Oh. Bon, je crois que vous faites une erreur. Mais non, mais pas du tout. Bernard, il est où? Bah, il est chez moi, c'est tout. Bah, je pourrais lui parler. Dis donc, c'est quoi ça? C'est la Gestapo? Bon, allez, au revoir. Non, mais c'est quoi? Mais allô? C'est la Gestapo. Mais c'est quoi ce cirque? Ah, c'est un chien de garde, la dame. La femme à Bernard? Allez, passe-nous Bernard. Ouais, c'est barré. Ouais, fais pas chier. Non, elle s'est barrée. Y a pas trop. Putain, mais elle, laisse tomber, quoi. Elle fait chien de garde la relou. Maison. Tu veux pas la rappeler? Putain, rappelle-la, tiens. Tu vas ça compte pas, hein. Ah, si. Ça rappelle. Ah, mais t'es un enculé, des fois. Bah, je suis un arbitre, je suis pas un enculé. Non, si t'es un enculé d'arbitre. Je fais respecter les règles. Non, si tu rappelles, ça compte pas. Ta gueule, toi, t'as rien demandé. Ma préparé tes coudes. Ouais, je te jure, quand je vais venir te voir, je te mets un coup dans les côtes et un coup sur l'épaule. Très bien, je lâche le chien. Ah, il est là derrière le chien, tu entends. Ouais, il aboie là. Vas-y, mort Cédric. T'es quel ton chien? Vas-y, là, décroche pas, ça compte pas. Chut, le chien, t'es pas les voisins. Quelle autorité, Cédric? Il aboie comme une pucelle, ton chien. Ah non, mais il mesure 10 cm. Ah, c'est ça, ouais. Il fait chier. C'est un petit machin, ça, ce petit machin. Ouais, il est comme ça, là, le petit truc. Ah, mais si, je l'ai vu, là, le machin moche. Ouais, mais tu sors ça en laisse dans la rue, tu dois passer pour une bitch, mon pote. Avec le plumeau en queue, là. Ah, Cédric. Écoute, là, il se fait mal. Tu te fais maltraiter, Cédric, hein. C'est normal que les animaux n'aiment pas Cédric, ils ne les aiment pas. Callaghan nous dit Cédric maltraite les animaux. Votez Romano. Ne jamais oublier ça, rappelle-le. Non, mais je vais le rappeler, t'inquiète, de toute façon on va faire un deuxième tour déjà. Deuxième tour, allez, c'est parti. Minimum. Deuxième tour pour Cédric. Allez, on va chez qui? Non, mais ta méthode de l'éleveur, elle est pas mal. Hein. L'éleveur de porc, c'est crédible. Suce-le la bite aussi. Non, mais c'est crédible, Romano. T'as l'arbitre. Merci, on va chez qui? Parle pas mal de l'arbitre, je suis encore arbitre jusqu'à la fin des votes. Il est l'arbitre, quoi. Fais gaffe, tu vas être saqué après. Mais fallait qu'il fait les votes, hein. Non, c'est vrai, malheureusement. Ouais, mais bon. Sinon, on rigolerait bien, je te ferais des scores de fou. Alors, lui, il répond pas. Vous êtes sur la messagerie. Bon, t'y arrives plus. Le porc. Bah, si, mais moi, j'attends les enfants qu'on passe une famille, connard. Ah, je dis le porc, le mec répond. Ça se... ouais. Allô? Francis. Allô, Francis. Oui. Bonsoir, comment ça va, ma poule? Bah, ça va bien, c'est un vrai. Ah ben moi c'est Michel, l'éleveur de porc. Et je t'appelais parce qu'on m'a dit qu'il y avait un sacré cochon et une sacrée cochonne à la maison à élever là. Ah d'accord. Ouais, donc je voulais passer là tout de suite. Quand tu veux, au revoir. Eh ben génial, prépare tes petites fesses. Hein, d'accord. Il t'a dit au revoir du coup. C'est, quand tu veux au revoir, il s'est barré. Il m'a dit bien quand tu veux. Ouais, quand même. Ouais, t'as raison. Quand ouais. tu veux au revoir et après, ouais. mais c'est barré. Je suis pas le mec qui parlait pas toi, on comprenait pas toi. Petite invitation. Ouais, ok, ouais. Bon, Romano, à toi. Ouais, allez, c'est parti. Mon kiki. C'est le dernier coup de fil, Romano. Monsieur l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait, Romano, depuis tout à l'heure? Il a rien fait encore. Alors, il a fait un rappel, mais ça a pas répondu. Et il a passé un petit coup de fil avant et. Et la dame, c'était un pitbull. Ouais, relou là. Elle gardait le téléphone. Non, alors c'est vrai que celle-là. Ouais. Alors. Toi, pourquoi il y aurait que deux tours d'abord? Parce qu'il est 22h57. Ouais, et alors on l'a déjà fait bien plus tard. Il y avait au moins 3-4 tours. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. Ah oui, je vais avoir une relation avec toi. Oui. Roger. Bon, Roger. Ça, c'est soigné. Roger, vicieux, très très cochon. Ça nous rappelle un pervers, celui-ci, c'est vrai. Roger, vicieux, très très cochon. Une espèce de pervers qu'on a. Qu'on avait dégoté sur le répondeur de Pamela. Fais-toi respecter par un petit chien comme ça, Cédric. Hein. Ouais, il a un nom bizarre. Tu veux un cri-croc? Tu veux un cri-croc? Ouais, c'est des espèces de biscuits à la con. Ouais. Cri-croc, c'est des chips en Italie. Non, mais c'est biscuits pour chien. Ah bah, en Italie, c'est des chips. Faut pas se tromper. Hein. Tu manges un cri-croc en France, t'es italien, tu te bouffes du biscuit pour chien. Oh ouais. Ah, vous allez voir, il va plus parler là, il va plus aboyer. Parce qu'il mange son cri-croc? Ouais. Voilà. Eh ben, il a bien raison de manger son cri-croc. Bon, lui, je raccroche parce qu'on ne l'entend pas. On a entendu, Cédric, tu fouettes les porcs. Et tu abandonnes des chiens. Et ça, t'es jaloux, t'aimerais bien que je viens te fouetter tes fesses. Hein. Et tu maltraites les animaux. Maltraitance animale, quoi. Ta gueule, bestiole. J'ai des voisins. Ah oui, parce qu'il fait chier même la nuit. Oui. Ah oui, d'accord. Encore un des avantages d'habiter dans l'immeuble de Cédric. C'est un calvaire. C'est toi, Cédric, comme voisin, mais tu te démêles. Allô? Oui, allô? Oui, allô? C'est qui? Thomas? Oui? Ouais, comment tu vas? C'est qui? Et ta petite femme? C'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Loup? Jean-Louis? Tu me remets? Non, pas du tout. Non. Bon, dis voir, t'es avec ta meuf là ou pas? C'est qui là? C'est Jean-Louis, parce qu'en fait, je t'explique, ce week-end, j'ai bouffé des piments, j'ai le cul en feu, et j'aurais souhaité que ta meuf me lèche l'anus pour me soulager. Est-ce que c'est possible? Éventuellement. Oh là! Oh putain! Aïe, aïe, aïe, Romano! Putain de ta mère! Elle a supporté! Oh là! Il a rien fait encore! Putain de ta mère, il a dit, ça c'est pas bon! Putain de merde! Il va falloir mobiliser tes troupes, Romano, car tout est possible! Ouais, non, mais je sais, seuls les votes comptent! Seuls les votes comptent! On va lancer les votes à 23h pile, c'est-à-dire dans 15 secondes! Cédric, en 7 secondes et demie, t'as un truc à dire? Ouais, votez Cédric, la famille, je vous aime, moi j'ai fait un serrage magnifique! Et une invitation! Romano, en 7 secondes, quelque chose à dire? Bon, ce soir, mes amours, la team Romano, je vais avoir besoin de vous. N'oubliez pas, Cédric n'aime pas les animaux, il les maltraite. Votez Romano. R-O-M-A-N-O. Il fouette. Il fouette un porc sans raison. Il abandonne un chien. Non, et le chien qu'il a à la maison va finir dans un congélateur. Oh, non, voilà vrai, quel horreur destin. Oh, je sais, pauvre bête. Votez Romano. Team Romano, je compte sur vous ce soir. Baisons-le, okay, ce porc. Alors, Cédric, d'un côté, Romano, de l'autre, top vote au 41-759. Notez bien, 41-759. Votez Romano. Ou Cédric. Sur le. Okay, non, votez Romano, ça ira bien. Sur le. L'appli Skyrock aussi. Vous téléchargez l'appli Skyrock. Vous nous envoyez vos messages avec Romano ou Cédric dessus. Comme ça, on voit qui est-ce que vous avez préféré pour le clash. Et sinon, le skyrock.fm, c'est pareil, ça marche. Il est 23h. Vous votez pendant 5 minutes jusqu'à 23h05. Et je vous donne les résultats juste après. Tu votez Romano. Tu bouges pas, Romano. Je ne bouge pas. Et dans un instant, des nouvelles de Victor. On appelle son trave. Enfin, son trave. Ou sa meuf. Ouais, le mec meuf de Tinder. Là. Trave ou meuf. Eh ben, Victor, on est de retour. Tout de suite. Votez Romano. Et à tout de suite. Ken Jones aussi à écouter sur Skyrock. Ken Jones, c'est Don't Mind sur Sky. Skyrock débarque sur Deezer. Sky. Il t'offre ton abonnement premium plus d'un an. À 10h. À toi, la musique gratuite et illimitée en haute qualité audio sur ton mobile, ta tablette et ton ordinateur. Sans publicité. Avec la possibilité de télécharger toute ta musique préférée pour l'écouter hors connexion. Écoute Skyrock à tout moment et gagne toi aussi ton abonnement Deezer Premium Plus. Merci beaucoup. Deezer, la musique que vous voulez, partout, tout le temps. Skyrock. Retrouve aussi Skyrock en HD sur l'appli Radio Skyrock et Skyrock.fm ou à la radio dans ta ville. Julien Télouk. C'est un truc de fou. J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouine. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis,

that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, I bought it. And I said, na boule. On mange à ta boule. C'était super, konnichiwa aussi. Diffoul. J'ai fait de la boxe cet après-midi, vous savez que ça m'a canalisé, je suis de super humeur. Ah ouais, mais... bien sûr. Romano. Ah, t'en rêves à mon cochon, hein. Cédric. Et moi, je suis un gros con parce que dès que mon aiguille a enfin, comme quoi ouais, tu me dis pas que des conneries. Ça, ça fait un moment qu'on te le dit. Hein. Marie. Salut tout le monde. Samy. Mais ouais. Même les meufs à Fort-Rocutane, elles peuvent plus mouiller de la chatte, je crois. Et Karim. Mais tu sais qu'un jour, je l'ai vu, lui aussi, je l'ai rendu fou. Hein. Diffoul Radio Libre. 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Salut les filles. Eh ouais, en direct, on est là, 21h minuit sur Sky jusqu'à minuit. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Le nombre de votes qu'on a eu pour ce soir, ça fait plaisir. Merci à Lyune, merci à Jizzy, merci à Florian, à Lacazette, à ça Coco du 33, à JB, à Légri et au Crevard du 76. Salut à toi, Crevard. Merci à Fairy Tale, à Nonatsup. Putain, je suis arrivé jusqu'au bout. Ouais. Nador aussi qui nous salue. Salut Nador. Le vrai Algérien qui nous dit qui vote pour Cédric. Marion, 21 ans, elle vote pour Romano. Bisous Marion. Ah, c'est, tu trouves que c'est serré? Ouais, ouais, grave. Il y a du suspense, c'est vrai que c'est grave serré. Regarde, ouais. Monsieur Bizigu. Bonjour Monsieur Bizigu. Bonjour. Bizigu. Tu votes pour Romano, toi, Monsieur Bizigu. C'est bien. Enfin, c'est bien. Karine, elle, elle vote pour Cédric. C'est serré, Cédric. C'est moins serré, bien, ça. C'est serré, serré, hein. Alors, tu disais, Romano, qu'il fallait voter pour toi parce que Cédric maltraitait des animaux. C'est ça, maltraitance animale. Comment il va ton chien, Cédric? Ben, il va très bien. Et j'ai remarqué un truc, à chaque fois que Romano il parle, le chien il aboie. Ah ouais. Mais c'est un roquet, ce truc. C'est un, oui, c'est un roquet. Non, mais en plus, il y a une muselière et, enfin, tu sais pas, mais tu mets une muselière à un chien qui mesure 10 cm, mais quelle honte, Cédric. Non, non mais tu mets la muselière à un chien dans un appartement. Non, mais il gueule. Mais t'es vraiment un monstre. Ah, monstre. Non, il gueule. Mais t'es vraiment un gros con. Ah, il m'a fait peur. Il fait des câlins, t'inquiète. Ah bah ouais, ça s'entend, il te fait des câlins. Le chien, il veut le niaquer dès qu'il voit Cédric. Ah ouais, tu pouvais ouvrir ta gueule avec le mien. C'est vrai. Bon, les résultats. Dans mon lit, moi, au moins. Comment, il dort dans ton lit? Non, non, non. Ah bah ah oui, il veut pas, ouais. Ah bah tu m'étonnes, il préfère dormir par terre. Ouais, il préfère... Oh, laisse-moi aller dans la rue. Je préfère dormir dehors. Oh, ouvre le balcon, ça pue. Je saute. Bon, les résultats du clash, on va calculer ça tout de suite et on te les donne dans un instant. Cédric Romano ouais. Aussi. Hein. Ouais, ouais. On va voir qui va gagner. Je suis prêt à le défoncer. Monsieur Robot vote pour toi, Cédric. Falou vote pour toi aussi. Merci, ah, par contre, Dame, il vote pour Romano. Ah merci Dame. Et la Gitane, elle vote pour Romano, la Gitane. Merci Vincent. La Gitane aussi. Salut la Gitane. Joker 2X vote pour Cédric. Vote Romano pour une autre Marion. Ça va être serré hein, cette histoire. Les résultats arrivent. Allez, on vous mettra un petit Penel. T'aimes bien Penel, Cédric? Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Eh bah t'aimes bien nous aussi. Ça tombe bien, on écoutera un son de PNL. On se mettra quoi? Parce qu'on a plusieurs hein, des sons de PNL qui tournent sur Skyrock. Ah, on va se mettre le classique là. Lequel? QLF? Ouais, je suis QLF. C'est ça, tiens, pour ceux qui connaissent pas encore, PNL, c'est... Fire. Je m'en bats les couilles, je suis fire. Le couille. PNL, prochain son qu'on va retrouver. Et on se mettra Shy aussi avant minuit. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu donnes le joint, on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blame pour... Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Vous chantez tellement bien. Ah, t'as kiffé, Marie. T'as vu ça un ouais. Peu hey, on a fait craquer les meufs avec nos voix d'or. Dieu. Complètement. Et ouais. Bientôt, on sera invité dans Planète Rap, Romano. Bah, j'attends, moi. Je m'arrangeais avec Fredo pour qu'on ait une semaine de Planète Rap. ouais, ce serait pas mal. Ça va être beau, les freestyles, bien. Magnifique. Dis-fous les Romano dans Planète Rap. Eh ouais. Freestyle en direct. Faites un album, déjà. Bah, ouais, pourquoi pas. Bah, alors, je l'achèterai, Marie. Non, tu me l'offriras. Oh non. Ah, certainement pas. Attends, c'est business. Bah, business is business. Yes, business is business. Alors, on a. On a, juste avant les résultats du clash qui arrivent, on me dit. Mario, Aix-en-Provence, est en direct avec ouais. Nous. Mario, italien, tu m'as dit? Ouais, il est italien, ouais. Buonasera. Oui, buonasera. Come stai? Bene, bene, tu. Ti piace vivere a Marsiglia? Sì, molto, è da 15 anni, sono 15 anni che io ti ascolto. Ah, da 15 anni ti ascolti Skyrock. Oui, Romano, la Marie. Ah, Romano, sì. Romano ha un nome italiano, perché è Borghignone. Sì, sì. Sono calvo. Anche io. Ah, tu aussi, un chauve. Oh merde, sono calvo, ça veut dire je suis chauve. Hein. Ah, bah tu vois. Non, et toi, comme tous les Ritals, t'as des tatouages et tout ça? Ouais, non, je vais pas trop me dévoiler sur moi. Ah, non, d'accord. Bah, ouais, tu sais que si tu dis que t'as des tatouages, comme 90% des Italiens, ils sont tatoués de partout, c'est pas grave, on te reconnaîtra pas comme ça. Et où tu mets des slops sur la plage. Ah, est-ce que tu mets des slips sur la plage? Parce que les Italiens sont très slips sur la plage cette année. Ouais, je peux me le permettre, moi. Ah, moi aussi. Ah, t'es paquet. Beau gosse. Tu sais, avec moi aussi, avec le paquet que j'ai, les muscles que j'ai, je peux très bien me balader en slip. Ah, oh, bah, facilement. Le problème, c'est les émeutes. Ah ben ouais. C'est certain. Les gens qui se jettent sur moi. Les gens ont peur. Non Romano. Les femmes se jettent sur moi. Les hommes aussi, tout le monde se jette, les animaux même. C'est à propos de ça justement, parce que moi j'ai fait une bonne rencontre sur Tinder. Ah oui, donc tu voulais réagir par rapport à Victor. Tiens, on va rappeler ça. Ta meuf Victor, enfin ta meuf mec là, on va voir si ça répond là. Et donc tu disais Marion. Et en fait, la meuf, dès le premier soir, elle me dit, bon, elle arrive chez moi et tout. Mmh. Et au moment, donc on se déshabille et tout. Elle me dit, bon, moi j'étais super excité et tout. Elle me dit, va me faire un thé. Bon, moi je me dis, putain, maintenant elle veut que je lui fasse un thé. Ouais, genre la casse-couille, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc je réfléchis pas, je dis, bon, allez, je vais lui faire le thé, je mets un puissance maximum, le four and ground. Tu le fais un thé. Donc, faut que ça fasse rapide. Oui. Et je reviens. Et donc, tac, elle se prend une gorgée d'eau. C'était une fille de Lille. C'était une lilloise. Ouais. Blonde, très jolie. Mmh. Et elle se boit la gorgée de thé bien. Et du coup, elle avale son thé. Comme moi, j'avale, j'adore. Oh ouais. Elle avait soif. Ouais. Et non, et en fait, après, elle a commencé à faire des choses avec sa bouche, avec la bouche super chaude. Ah ouais, elle faisait genre... Ouais. Mais quoi, elle te suçait? Ouais, voilà. Ah non, moi je crois qu'elle faisait juste des trucs comme ouais, ça. Non, avec ma bouche, c'est du chibre. Ouais, voilà. Du coup, ça fait une bonne découverte Tinder. Quoi. Ah, genre, mais Tinder. Genre, elle avait quoi? Du thé dans la bouche et elle te suçait avec? Ouais, du coup, c'était super, super chaud. Brûlé la bite? Ça s'appelle la pipe lilloise. La pipe lilloise. Mais non, c'est avec du maroilles, la pipe lilloise. Ah oui, pardon, c'est avec du maroilles. C'est assez sympa aussi avec du maroilles. Ouais. Mais ça a dû couler et tout. Donc ça, c'est une rencontre qui s'est plutôt bien passée, ça. C'est plutôt bien. Ouais. Mais bon, après, elle a commencé à m'harceler. Du coup, je l'ai pas bloqué parce que ça faisait de la peine. Elle voulait te sucer en permanence, la meuf. Ouais, ou non, mais je sais pas. Après, elle m'a dit que par contre, elle voulait que je la lèche un peu. Du coup, elle m'a dit, par contre, que toi, les cunis, c'est pas ta tasse de thé. Ah, jeu de mots. Ouais. Elle avait beaucoup d'humour. Oui. Et c'était pas un travelot que t'avais rencontré sur Tinder. Non, elle a des énormes nichons et tout. Mais tu sais, les travelots, ils peuvent se faire des seins aussi. Hein. Mais tu l'as niqué plusieurs fois ou tu l'as niqué qu'une fois? Oh, la grande excité. Qu'est-ce que t'as? Roland. Okay, là. C'est moi, j'ai eu un petit coup. Il vient de te roter la gueule. Non, c'est un OK, c'est pas un rond. Non, je l'ai revu 3-4 fois. Ah ouais, donc bon, ça part. Et sinon, tu dragues souvent sur Tinder? Non, maintenant j'ai une copine, donc ça se fait plus. D'accord, mais avant, tu y allais souvent. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que, genre, par exemple, si tu y vas maintenant, tu te dis je veux baiser, baiser dans la soirée, c'est bon? En fait, il faut passer. Beaucoup de temps parce que c'est une sur 50, sinon on a plein de messages de faux profils sur. Ouais, ce que tu me disais, ouais. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on soupçonne d'ailleurs pour Victor. Plein de pièges, ouais. Ouais, Victor, ouais. On a l'impression que c'est un travelot qui essaye de le draguer. T'en penses quoi, toi? Ou alors un mec qui a envie de se taper un mec mais qui ose pas le dire. Ouais, il y a un truc bizarre. Un gay tapant. Ouais. Un gay tapant, ouais. Sinon, il lui fait un faux coup, lui envoie un autre travelot à sa place. le problème, c'est si c'est une vraie meuf et qu'elle ressemble à la photo qu'elle t'a envoyée, a priori, elle est super bonne. Ouais, ça sera jamais elle. Ouais, mais non. Non, jamais. Et par contre, son truc là qu'il a dit là sur Google à l'inverse, je suis allé voir, c'est intéressant quand même ce qu'il a dit là. Ah, Google Images, en fait, tu prends une image, tu la mets sur Google et ça te trouve la source de l'image, ouais. Ouais, il y a un autre truc, c'est genre un truc spécial Tinder, où quand on voit, tu mets la photo et il te dit si c'est répertorié comme faux profil ou pas. Ah d'accord, c'est bien ça. Ouais. Ah, c'est poussé. Ah c'est bon à savoir ça. Et toi tu l'as fait non, Victor? Ah ouais, je l'ai fait moi. Ouais. Et c'est là que ça t'a dit qu'elle était brésilienne en fait. Non, justement, c'est pas là, donc le truc est bien caché quoi. Ah d'accord. Quand tu l'as mis sur Google, dans les premières réponses, ça a été Instagram, et t'es tombé sur un Instagram d'une meuf brésilienne, mais a priori... qui ne parle pas un mot de français, oui. Ouais. Et le numéro qu'on a appelé tout à l'heure, c'est un homme. Hein. Ah oui, bah, ah c'est oui, un oui homme, ça c'est clair. On rappelle. Tu l'as, ouais, Samy. En même temps, elle t'a dit que c'était le numéro de son pote. Hein, donc c'est oui, son, il doit passer par son pote pour qu'il me donne l'adresse. Ouais, ouais, genre, ouais. Ouais. Bah, oui, enfin, son pote, c'est son Mac, ouais. Ouais. Moi, je sens, c'est un guet-apens. Je sens l'histoire chelou. On revient à cette histoire de guet-apens. Je dirais même un traquenard. Ouais, moi, je suis d'accord avec Romano là-dessus. C'est un traquenard ou un guet-apens, tu penses plus, toi? Un guet-apens. Un guet-apens, pas un traquenard. Moi, je serais plus sur le traquenard. Moi aussi, ouais. Je serais plutôt traquenard, moi. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle est pas, elle est pas pour un traquenard, elle est pas assez pressante, tu vois. Ouais. Genre, ah, attends, dit, attends, ouais, attends. Si tu veux, machin. Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment, mais c'est un message. C'est elle. Elle a une voix très féminine. Elle est trop bonne. Moi, je pense que, je pense que c'est une meuf, vas-y, hein. Vas-y, sans souci. Vas-y, Victor. Non, vas-y pas, Victor. Ou alors, ah, fais gaffe. Ou alors, t'as son numéro. Plusieurs. Non, mais demande-lui, ouais, déjà. Au cas où. Mais demande-lui son numéro, déjà. Tant que t'as pas son numéro, fais gaffe. Ouais, dis-lui que tu te méfies. Ouais. Et puis, moi, et j'ai. Non, mais je lui ai déjà dit que je me méfiais, elle s'est braquée. Ouais. Non, mais tu vois, ouais. Non, mais bon, l'autre, elle va pas faire chier le monde, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Elle est quand même chelou. Ouais, mais dis-lui, ouais, c'est chelou. Tu me proposes de venir chez toi, mais ton numéro de téléphone, ça te dérange. C'est quand même bizarre. Oui, puis j'appelle, il y a une grosse voix de mec avec des grosses couilles au téléphone. C'est normal. C'est bizarre, hein. Déjà, je vais lui sortir le prénom de la vraie meuf de Facebook. Je vais dire d'accord, merci machin, alors qu'elle s'appelle pas comme ça. Ouais, comme ça, tu verras. Je comprends que j'ai compris. Ouais, ouais, ouais. Non, mais vas-y pas, et puis trouve-en une autre, hein. Smax, Tinder, faut quand même faire gaffe. Ou si tu veux être sûr, tu vas avec des potes. À propos de ça, moi, je lui conseille un gars super bon, Nicolas Dolto, il s'appelle sur Facebook, il donne plein de conseils. Des conseils pour, de quoi? De drague? Ouais, ouais, ouais. C'est un coach? C'est un coach drague. Ouais, c'est ça. Nicolas Dolto. Très bien. Et t'as essayé, toi? Bah, il est super sympa, il donne du bon conseil, même pour la vie en général. Ok. Ah ouais. Eh ben écoute, merci Mario du petit conseil. On va regarder. Et t'es d'où en Italie, toi? Je suis né, bon, je dis pas de, disons de Venise, allez. À Venezia. Ah putain. Très bien. Ben on te salue Mario et puis ben reste à l'écoute merci de Sky. Beaucoup, hein. Merci beaucoup. Merci, vous me faites vraiment marrer chaque fois. Vous êtes super. Eh ben c'est gentil. C'est cool. Bisous, salut Mario. Italia. Ciao ciao. Ciao. Arrivederci. À la prochaine. Ciao. Alors, les résultats du clash, vous les voulez? Ah non. Pourquoi tu les veux pas? Oh, ouais, tranquille, on a le temps là, non? Moi je les ai, les résultats du clash. Qui a gagné le clash? Attention! Eh, merci pour tous les votes, ça a beaucoup voté Cédric, hein. Énormément de votes, énormément. Franchement, merci la famille. Hein. Romano, ça a beaucoup voté aussi. Mais va te faire mettre. Il y a 52. C'est vraiment une pute, je vous le dis. Pourquoi tu dis que l'arbitre? Le chien, il a voté pour moi. Bah ouais. Je rajoute une voix du chien pour. Pour Cédric. Bah, le mien a voté pour moi. Le chien. Je rajoute l'autre chien de Romano qui vote pour Romano. Bah, moi j'ai le chien du voisin aussi. Le chien du voisin. C'est pas vrai. Tu mens, je t'enlève le point du. Voilà. Non, 52 vrai, ouais. Contre 48. Romano. Ouais, franchement, ça me fait plaisir parce que si je perds, je me fais pas déglinguer violemment. Et ça sera que ma première défaite depuis la rentrée. Et quasiment un mois, on va pas se plaindre. Je te sens un peu perdant sur ce coup. Ouais, là je le sens moyen ce soir. Après si, hey, t'as 52 Romano. Ah, je suis content. Mais je pense pas. Eh bien, je vous annonce les résultats du clash. Cédric, tu préfères quoi, 52 ou 48? Ah, 52, t'as le chien, il sera à faire la fête là. Ah. Eh bien, il va attendre un peu parce que Romano fait 52. Et toi, voilà, tu fais 48. Voilà, je t'ai encore baisé. Tu croyais pas en plus, toi. Hein, tu n'y croyais pas. Romano, il a gagné. Putain, c'est bon de te baiser de la sorte, quoi. Mais t'es sérieux? Bah ouais, on est sérieux. Juste un petit truc, en tant qu'arbitre, la prochaine fois que j'entends autant d'insultes sortir d'une bouche à dents en plastique chauve. Non, mais ça, je reste. J'enlève des points. Ouais, tu fais bien. Franchement, il mérite même pas de gagner. Ouais. Je maintiens mes propos. Il y a eu des gros problèmes d'arbitrage ce soir. Il y a rien eu en problème d'arbitrage. Toi, t'as joué la salope. Des fois, Cédric, il fait des rappels, il compte pas, et moi, il compte. Bah oui. Non, tout le temps, il compte les rappels. Il est malade, il a la clavicule cassée. Bah, il est malade. Et les cuts. Et le cul maintenant. Les clavicules et les cuts cassées. Très bien. Bon, bah, en tout cas, Cédric. Bien joué, t'as encore perdu. Bravo champion. Putain, j'ai l'air. Franchement, c'est bien, ça bousille pas mes stats. Alors attendez, bougez pas, j'ai du nouveau. Ouais. Bon, bravo Romano, bravo Cédric, vous étiez super tous les deux. Super, je salue Facebook Live qui nous suit et Periscope. Les deux sont là, là c'est Periscope, là c'est Facebook. Très bien. Et alors, il y a Romain des réseaux sociaux qui s'est renseigné sur ta travestie ou ta meuf, ou on sait pas encore, Victor. Ah. Ouais. Attention, il est allé chercher. T'es allé chercher quoi et où? Ah mais je suis sur Tinder en fait et j'ai plein de matchs. Je sais que tu es sur Tinder, tu es sur tous les réseaux. Lui, il est sur Tinder, il est sur Smax, il est sur Grindr. Ouais, Grindr aussi, ouais. Il est partout. Et alors? Mais j'ai désactivé Grindr. Ben non, mais j'ai des matchs en fait, j'ai plein de matchs avec des meufs et je pense que je vais aller en draguer quelques-unes. D'accord, mais c'était par rapport à Victor que je te demandais. Ah, tu sais qu'on s'en bat les couilles en soi. Je croyais que t'avais trouvé une photo et la meuf c'était un mec. Moi ce soir j'ai bouffé un gratin. Ah non, mais j'avais des transsexuels dans mon profil. Ah, il a des transsexuels dans son profil. Sauf que lui il le sait, il va les voir quand même, tu vois. Donc Victor, tu voulais le contact de ton trans, Victor. On va te mettre en contact avec lui, Victor. Hein. Il cherche. Voilà, il est jeune, très gentil, mais un peu dangereux. Bon, merci Victor, on t'embrasse en tout cas. Bah, merci à vous. Hein. Salut Victor, ciao. Bisous. Ciao, salut Victor. Ciao. Mais Romano, il s'en remet pas. On t'envoie le t-shirt Sky. Oh, ah merci. Tu t'en remets pas de ta vie. Non parce que j'ai eu un week-end très très compliqué. Ah ouais, le bordel dans son week-end. Raconte-nous ton week-end, Romano. Bon alors, ce qui s'est passé, c'est que je vous avais dit vendredi que je devais passer le week-end avec mon pote gros. On t'a entendu péter, Cédric. Non. Si, on a entendu. Branle au son de ma voix. Non plus. Il en peut plus. T'encules le chien. Ah, c'est une petite douleur que j'ai à l'épaule. Voilà, une petite douleur à l'anus, le chien, je comprends pas. Non, mais la douleur à l'anus, c'est le clash, hein, c'est pas le chien. Non, tranquille. Et donc, mon pote arrive déjà. Samedi. Bon, ouais, samedi soir. Problème, les bagages n'étaient pas là, quoi. Ah, donc, merde. Ils ont galéré à l'aéroport parce que les bagages, en ça, fait. C'est un enfer. Ils ont eu un transfert d'avion, les bagages n'ont pas suivi, donc les bagages étaient bloqués à Vienne. La galère. Donc, toi, t'es à Paris, t'as les voyages, tes bagages, ils sont à. 2000 km. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ils devaient nous ramener de la vodka parce qu'ils revenaient d'Ukraine. La fameuse. Et du coup, il n'y avait pas de vodka. Oh là là, Romano, pas de vodka, mais quel week-end de merde. Entre temps, Cariole s'endort, elle avait prévu à bouffer. Moi, je savais pas le faire, donc on a bouffé des pâtes comme des miséreux, quoi. En boîte? Non, mais heureusement qu'il était là, parce que je lui ai dit, ouais, fais-les, moi, je sais pas faire. C'est pas faire des pâtes. On avait expliqué dans l'émission comment. Sa meuf, entre temps, elle est pareille, elle a rejoint Cariole, elle a dormi. Donc, nous, on a bouffé nos pâtes comme deux cons. Sans vodka. Sans rien. Un samedi soir. Je sais parce que j'ai eu Cariole. Et après, le truc, c'est sympa, le dimanche matin, à 8h, j'étais obligé de mettre mon réveil pour aller à l'aéroport récupérer les bagages. Sympa. Et après, bon, quand on est rentré à 10h du matin, on s'est mis à la vodka. C'est l'enfer. Et là, tu t'es plus relevé. Ah non, j'ai dormi tout l'après-midi. Ah, mais j'étais KO. En fait, eux, ils sont partis au train. Ils étaient décabanés pour prendre le train. Oh putain. Et moi, j'étais pas bien. C'était, vous avez bu toute la bouteille à 4? Ah non, non, parce que là, c'était de la vodka artisanale. Qui a été fait par un oncle de sa meuf. Il t'en reste? Si t'en reste, on veut un peu. Non, mais ils l'ont récupéré. Ah merde, j'aurais bien goûté. Ah, moi aussi. Ouais, là, vraiment, tu n'as plus de vodka, hein. Donc, je sais pas, j'ai du mal à m'en remettre, quoi. Ah bah, à 10h du matin, laisse tomber. Ouais, mais bon, on n'avait pas pu la boire la veille, et puis partait tôt, on était obligé. Non, mais 10h du matin, c'est au réveil. Un coup de vodka, ça te démontre. Attends, mais quand Cariole m'a dit ça, je me suis mis son taré, 10h du mat, quoi. Moi, j'ai commencé déjà depuis 8h. Non. Eh, vous êtes en retard, les copains. Non, en plus, j'étais en retard ce week-end. Bon, on te fera une grosse teuf, Cédric, quand tu vas revenir. On va sortir de l'alcool, on va sortir des trucs sympas pour. Mais avec modération, hein. Des meufs, mais bien sûr, des meufs. Des trains, on appellera la meuf de Victor là dont il nous a parlé il y a un instant. C'est la brésilienne qui a une grosse queue. Ouais, non. Ça te rappellera l'autre, comment il s'appelait, Mario là. Non, Maria. Eh, sinon, il y a Marie qui m'a dit que quand tu revenais, il y avait moyen avec elle. Ouais, ça. Ouais, c'est bien sûr. Non, mais t'inquiète, quand elle est venue, t'es à la maison, j'ai senti qu'il se passait un truc. Ah, bah, ouais. T'y allais toute seule. J'ai mis à la bière sans alcool. Elle était traumatisée, la pauvre. Tu lui as fait boire de la bière sans alcool, Marie. Non, c'est panaché. Elle était traumatisée. C'était bon d'ailleurs, ton truc. Manquait un peu d'alcool, mais bon. Ouais. Et pour la vodka, ça va, j'ai bu de l'eau de Cologne. On fait vodka. Non, mais j'en ai, Marie. À la maison, je ramènerai, j'ai de la vodka. Et vous avez pas vu, vous êtes pas lavé les mains chez Cédric? Non. Ils ont rien touché. Tu sais, le pouce-mousse, c'est un truc Hermès. C'est Hermès, c'est ça? Non, mais j'ai halluciné. Je lui ai dit en sortant, mais c'est hallucinant. Non, mais avant que Romano vienne, parce qu'il va te. Ouais, on a mis une photo d'ailleurs de notre visite chez Cédric sur les réseaux sociaux, Skyrock FM, Facebook, Snap, Insta, partout. Ah bon? Et diffool.skyrock.com. Et avant que Romano vienne, sinon tu vas te faire traquer, Cédric, lave et range. T'inquiète pas, non, mais c'est dégueulasse. Il y a une roupiane par terre, dégueulasse, un truc sale, là, un truc tiller, tu sais, le gros machin qui a un oreiller géant. Mais non, mais c'est un oreiller géant. Ah ouais, mais c'est le truc, c'est sale, tu te mets dessus, t'as de la poussière qui. Si t'es asthmatique, Romano, tu vas y rester. Moi, j'y étais plusieurs fois dans le gourbi. Et juste derrière cet endroit, il y a des chaussures qui puent partout. Mais n'importe quoi. C'est pas vrai qu'il n'y a pas des boîtes de chaussures partout avec des chaussures qui puent? Mais plus pas, mais c'est des boîtes de chaussures, normal. Ah là, c'est des chaussures Vuitton. Ouais, bah, ça peut être Vuitton, ça peut être des pieds, même si t'es en Vuitton, Cédric, tu sais. Vous avez vu ces fringues découpées, là? Voilà, je vous ai montré. J'ai des chaussures en chèvre Vuitton. Non, mais attends, il a perdu, je sais pas combien d'euros là-dedans. T'as des chaussures en bouc? Ouais. Non, j'ai pas de chaussures en bouc. Ouais, ça pue des pieds, j'adore. Ça pue le bouc. Ça pue le bic. C'est... Bah, tu sais que les babouches, par exemple, ça pue. Les babouches. Ah, les babouches. Ça pue. Ouais. Pendant 10 ans, au moins. Bah, en fait, c'est fait, la couleur, c'est fait avec de la fiente. Non, mais c'est aussi le cuir, c'est vraiment de la chèvre. T'as vu, on apprend des choses sur Skyrock, c'est quand même un truc de dingue. Marie, vraiment. Marie, elle met les pieds dans ses babouches en fiente de pigeon. De merde, oui. Non, mais c'est vrai. Mec qui t'a raconté de la. Mais qu'est-ce que tu fais, Cédric? Ça branle. Espèce de grosse. Pour les couleurs. Espèce de grosse pillage. Médicaments là. Ouais, c'est ça, la bonne excuse. Et ça te fait jouir comme une salope, tes médocs. Ouais, c'est vrai, ouais, t'es bizarre. Dans un instant, il va se mettre un truc dans le cul. Oh, ouais, mais c'est mes médicaments. Si tu fais bien, je te jure, t'as gémi, mais comme une biatch, quoi. Ta gueule, mais ça fait dormir, ça fait. Non, mais quand tu dors, tu jouis comme une salope. Oh, ouais. Ferme ta gueule, toi. Quand je vais venir, je crois que je vais te baiser. Tu vas rien faire du tout. Donc, si vous voulez voir la belle tête de Cédric sur les réseaux, vous allez la mater, elle est magnifique. Cédric, on te souhaite une belle nuit. Sauf si tu veux rester avec nous jusqu'à minuit, on est là tranquille. Hein. Ah, tranquille, je suis à l'écoute. Non, mais là, il est défoncé. Ça y est, écoutez-moi. Cédric, t'es complètement con. T'es un gros con. Il est défoncé. Non, mais ça me défonce ce truc. Ah, t'as un idiot. Ah, il va mais tomber. Tu te branles ou quoi? Oh, mec, on dirait qu'il se branle. Hey, tu veux parler à Pamela? Allô? Ouais, Pamela. J'ai envie que tu te branles, Cédric. Ouais, c'est un peu de possible, ma chérie. Allez, touche-toi la queue. Dégage. Ah ouais. Allez, Cédric, passe la main sur ton corps. Je suis sous morphine, mais quand même. Ah ouais, putain. Mets-toi un doigt dans le cul. Ouais, garde la pêche. Ouais, mais demain, Cédric, je suis à l'hôpital, mon doigt, il s'est désintégré. Et après, lèche-toi le doigt, Cédric. Ah, tu veux le tuer. Pamela, je vois très bien que tu es... Avec Cédric, ça n'a jamais été le grand amour, mais là, j'ai vu que tu essayes de l'assassiner en direct et c'est pas bon. Oh, caresse-toi ton corps. Non, mais... Lis-le. Je peux plus te lever là, je peux plus calmer le chien. Qu'est-ce que tu racontes, gros? Je peux plus calmer le chien. Pourquoi tu peux plus calmer des TikToks là? TikToks, c'est des cric-crocs. Des TikToks. Il part complètement en couille. Quoi, des cric-crocs, c'est quoi ça? Ouais, il bouffe le truc du chien, merde. Non, la bouffe du chien. Non, mais ça se mange pas, Cédric. Bah ouais, c'est pas pour les hommes. Cédric, mets-toi un cric-croc dans l'anus. Mange-le. Un cric-croc de chocolat. Cédric, t'es une biatch. Mais on t'entend pas, gros. C'est vrai, il nous a laissé là, c'est parti. Allô. Ouais. Ah non, t'es là. T'es une biatch. T'es en train de te branler ou quoi? Mais non, il est sous la morphine. Non, je m'allonge. Tiens, de la morphine, nous dit Madeleine. Ah, toi aussi. Et je plane comme Cédric. Non, mais ça défonce. Ah ouais, c'est bah là, ouais. T'as entendu? Génial. Mais qu'est-ce que c'est mignon sur votre photo? Tu défonces des, ma gueule. C'est un délire leur truc. C'est un délire leur truc. Oh ouais. Ah ouais. Je suis fonce dé. Bah, je suis faya. On va te laisser, Cédric. Et on va retrouver PNL. Ciao, Cédric. Ciao. Vas-y, plane bien, mec. Bisous, Cédric. Je pense qu'on va le perdre, là, Cédric. Là. Pourquoi le Belge, il est tout cassé? Ah bah, il est tombé en mobilette. Ouais. Plus sa pilule. Il roulait en 103 SPX. Ouais. Romano, tu crois pas que c'est le clash qu'il a mis dans cet état-là? Ah bah ouais, mais... Tiens, il est obligé de se perdre dans les médicaments. Ouais, c'est vrai, dans la drogue, obligé, on peut dire. Quoi. C'est terrible. Et ouais, la drogue. Je pensais pas que je le mettrais dans cet état-là. Quoi. Allez, PNL à écouter. Et dans un instant, tiens, on va revenir à un truc dont on parlait ce matin, c'est les punitions quand on était gosse. Qu'est-ce qu'ils vous faisaient, vos parents? Ou alors, s'ils vous punissent encore, je sais pas. Romano, tu te fais punir par ta maman encore? Non. Non, parce qu'on a eu plein de témoignages ce matin. Non, c'est fini. Non, bah... On parlait de ça avec les pires punitions du monde. Les pires punitions du monde, c'était la compile du morning. C'est nouveau, c'est dans le morning, c'est tous les matins entre 6h et 9h. Et donc on va y revenir dans un instant parce qu'on a eu plein de messages, j'avais promis qu'on y reviendrait ce soir. Ouais. Eh bien, on est ce soir, on est en direct, on est sur Sky, c'est la radio libre et on en reparle tout de suite. Tout l'été, Géant Casino t'a fait vibrer au rythme du Brésil en mode barbecue fiesta. Aujourd'hui, Géant Casino félicite Nicolas, Géraldine, Emmanuel et Pauline pour avoir gagné le concours du plus beau barbecue de l'été. Leur récompense, 8 jours de fiesta au Brésil, tout frais payé. Merci Géant Casino.

J'vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. On fire. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. Je sais pas pourquoi je déraille. PNL sur Skyrock, le son de PNL, c'était je suis QLF. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, on est en direct tous les matins, tous les soirs sur Skyrock. Vous êtes avec nous, ça fait plaisir. Inscrivez-vous au 720 d'ailleurs si vous voulez gagner 1 500 € demain matin. Vous inscrivez maintenant. Et peut-être que demain matin on vous appellera, ça va très c'est vite. C'est possible. Et oui, par le tirage ordinatorial que l'on fait tous les matins dans les 1 500 €. 1 500 €, c'est tous les matins et toutes les demi-heures. Ouais. Dès 6h, toutes les demi-heures, 1 500 € à gagner. On a encore offert deux chèques ce matin. Ça n'arrête pas. Loïc à Marseille qui va être papa demain là d'ailleurs. Ouais, ouais. Loïc, il a gagné à Marseille, bravo Marseillais. Et Fabrice de Villeparisis, ce qui est marrant c'est quand on les a appelés, les deux écoutaient le morning en même temps. Ouais. Bravo Fabrice, bravo Loïc, ça fait plaisir. Et demain matin sera peut-être pour vous. Donc 1500 au 720 si vous voulez vous inscrire. Et gagnez vous aussi 1 500 €. Sinon, hein, si vous avez un téléphone, on appelle, tirage au sort et sur l'annuaire et parmi vos inscriptions. Bonne chance à vous, bonne chance pour demain. Et ce matin donc dans le morning, on parlait des punitions parce qu'on était tombé sur plusieurs punitions dans l'actu. Alors on a fait la compile du jour, et on a compilé trois punitions. La punition numéro 3, si je me rappelle bien, c'était une punition pour des mauvaises notes. C'est les parents d'un garçon de 16 ans qui l'avaient mis un mois sous une tente en plein hiver, sans rien. Voilà. Un mois dans la tente. Pas de chance, la télévision est arrivée pour faire un reportage et ils ont eu des problèmes pour maltraitance. Ah ouais, le supplice. Ouais, mais moi je trouvais qu'il y a. Non, mais on trouvait ça encore, tout à fait normal. Non, je dis pas normal, mais c'est bon, il y a pire. Tu sais, t'as pas le droit de faire ça quand même. Ah bah, t'imagines. Eux, ils l'ont fait. Ah ouais, t'as pas le droit. T'as pas le droit de martyriser tes gosses. Ouais. Mais non, mais c'est pas martyriser, il est pas à la rue. Ah bah, il était dans la tente. Dans une tente, gros. Bah, il est dans une tente. Carton, il peut se couvrir. Tiens, ça va, s'il a un duvet, il va pas faire chier, quoi. Ou une bâche. Puis il a qu'à bien travailler à l'école aussi. Connard. Alors, dites-nous les punitions. Les punitions que vous aviez quand vous étiez gosse. Moi, mes parents ne m'ont jamais puni parce que j'étais un enfant exceptionnel. Un enfant modèle. Un modèle, oui. Non, bon, un coup de martinet. Dans la gueule. Non. Sur les cheveux. Non, ils ont fait sur les cuisses là. Ah, ils les cuisses. En plus ça fait bien mal. Tu regardes les messages que vous avez envoyés, il y a plein de martinets. Regarde, Léane qui dit elle a 21 ans, on me fouette pour me punir, mais maintenant c'est au lit. Wow. Après il y avait Madonna qu'on avait mis dans la compile de ce matin. Alors Madonna qui avait enfermé sa fille dans un placard parce qu'elle l'avait chopée en train de fumer. La conne, elle l'a oubliée toute l'après-midi. La gosse a été traumatisée, enfermée dans le placard, la fille de Madonna. Tu m'étonnes. Et le numéro 1, c'était la mère belge qui avait forcé son fils à manger son interro parce qu'il avait eu une mauvaise note. Ah ouais. Manger son interro. Que tu vas manger ta copie. Ah, imagine, imagine, ce soit une dissertation de 20 pages. Oh, mais n'importe. Bon appétit. Elle lui a fait aussi copier 100 fois « Je suis qu'un con ». Je suis qu'un con. Vas-y, dans le village, je suis qu'un con. Je suis un gros con. Allez, vas-y, fais péter. Et dans le village, il se foutait de sa gueule. Salut, con. Oui, c'est possible. Oui, je sais, je suis qu'un con. C'est moi. Oui, salut, je suis le con. Oui. C'est moi que j'ai copié 100 fois. J'ai copié 100 fois, ouais. Et que vous n'avez pas un papier à manger parce que j'adore manger les papiers des copies. J'adore. Copier double. Alors, dites-nous ce qu'on vous a fait. Mate les messages, Romano, ceci. Moi, je mate les autres, là. Si moi, j'ai vu Cédric. Moi, c'était direct, la babouche dans la gueule. Ah, tiens, regarde, il y a fan de Sopra, 22 ans, qui dit moi, j'ai eu droit au martinet. Mais avec mes frères, on le cachait ou alors on coupait les lanières. Méfie-toi, quand tu coupes les lanières, après ils te tapent avec le. Ah ouais. Il tape avec le bâton. Moi j'ai vu un message d'une auditrice, elle avait fait une connerie, son père il l'avait amené dans le jardin, et elle a dû compter, tu sais, le grillage, elle a dû compter tous les trous qu'il y a dans le grillage. Ouais, tu dis un truc à deux balles. Ouais, non, ouais, il ouais. y en a 20 000. Non, parce que le père il est taré, et ouais, avant il a compté. Il connaît. Il y en a 10 000. Non, tu t'es trompé, il y en manque deux, tu recomptes. Mon père s'est fait punir pendant. Non, mon pote s'est fait punir pendant 6 mois d'iPad. Mm-hmm. Sa mère a perdu la tablette, nous dit Clément. Ah non. Ah putain, les nerfs. Aïe, aïe, aïe. Il y a Kylian du 71, 17 ans qui dit moi, ma mère, elle me mettait dehors en caleçon l'hiver. Quand je voulais pas manger, punition. Ah ouais? Ah, il y a Blue, elle est pas mal celle-ci aussi. Mes parents, ils me pendaient par les pieds pendant 30 minutes. Ouais. C'est horrible ça. Non, mais ouais, mais c'est, en plus ça peut être dangereux. Ouais, mais t'as tout le sang qui monte dans la tête quoi. Ah oui, oui, pendant 30 minutes, eh ben. Blue. Bon, bah écoute, tiens, il y a Seb là, lui, c'est sa mère, elle lui faisait recopier les pages du dictionnaire. Oh, putain, ah ouais, galère. Ouais, ah, James, lui, alors ses parents lui faisaient bouffer de la moutarde et du piment quand il parlait mal et qu'il disait des gros mots. Non. Ouais, moi pareil. Ah, toi aussi, tu mangeais du piment? Ouais, piment. Ouais. Ah bah ouais. Eh oui, du piment. Ça, tu dis plus de la merde. Ouais. Ah, couper le ou changer le code Wi-Fi, ça c'est la VTC qui nous a laissé un message. Mais ce matin, une auditrice, ça c'était Asia. Ouais. Elle, C'était sa fille, quand elle allait à l'école, elle apprenait plein de gros mots. Et un jour, elle est revenue de l'école, elle a dit des gros mots à la maison. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis du savon, elle lui a lavé le savon, la bouche au savon. Ouais. Imanasia, sa fille de 6 ans, en rentrant de l'école, elle a arrêté de dire des gros mots. Qui disait plein de gros mots pour la punir, elle lui lavait la bouche avec du savon. Ouais, c'est ça, ouais, c'est celui-là. Ouais. Et depuis, plus aucun gros mot. C'est dangereux. Mais oui, parce qu'elle est morte. Intoxiqué. Un truc horrible. Intoxiqué. Ah, tiens, il y a des darons, ils sont chelous. Regarde Antonin, toi, t'as un daron bizarre. J'ai été puni. Pour mauvais bulletin à l'école, privé de foot, mon père a mis mes chaussures de foot dans la cheminée et les a brûlées. Non mais c'est très con. Bah oui, parce que c'est lui qui les a payés, daron. Et comme tu le dis bien Marie, ça coûte cher. Non mais c'est vrai. Ça y a Théa, alors elle c'est à l'ancienne. Ma tante mettait ses enfants à genoux, les mains en l'air pendant 30 minutes pour les punir. Bah tiens, en parlant d'à genoux, il y a le chiotte qui vient nous laisser un message à genoux sur le manche à balai en bois. Ça fait mal. Ah bah encore à genoux, tiens. Au coin avec un genou levé, les mains derrière la tête pendant 30 minutes. C'était la galère. C'est Avelunois. Non mais ça, c'est les punitions à l'époque de nos parents. À l'ancienne, ouais. Non mais c'est ça, mais à l'époque c'était ça. Dans les écoles, ils avaient les règles aussi. T'as le droit de te faire tabasser. Et t'avais la règle, tu sais, avec les doigts que tu rassembles. Ouais, c'est là. Ça, règle en fer. Ouais, c'est ça, ouais. Bah. Ils tapaient dessus, ouais. Et bam. Ouais, me raconte sinon, pas ça. Sinon, tirer les cheveux, mettez des baffes. Alban, t'as vu son message. Non, j'ai vu Aurel, c'est quoi Alban? Alban, lui, c'est pour pas qu'on suce son pouce, ses parents lui mettaient du paprika et de la moutarde sur le pouce. Et il suçait quand même. Il suçait quand même. Ah bah ouais. Il suce des bites. J'adore les bites. Ah ouais. Et Aurel du 62, il a 19 ans, il a été puni de play et de foot. Alors ça, on en a reçu plein. Ah bah ça, moi, c'était ça. Play et foot à la télé. Ouais, toi, c'était quand ça. Quand je bossais pas à l'école. Voilà. Il y a Sylvain 54, sa mère, elle lui a mis un coup de cuillère en bois sur la gueule. La cuillère, elle s'est pétée. Arrête pas la gueule. Non, tant mieux. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? À genoux sur des gravillons. Ah bah tiens, ça continue. Mon père faisait copier des lignes. Ah ouais, les lignes, ça revient beaucoup. Mes parents comme les profs, ça. Tiens, c'est qui? Yana. Mes parents me mettaient à genoux sur des cailloux. Yana, 16 ans, qui nous envoie ça. Oh, ma pauvre chérie. Quand mon père a su que je fumais à 16 ans, il a décortiqué un paquet entier de cigarettes et m'a forcé à manger le tabac. C'est l'inconnu, mais c'est de la torture. Manger le tabac. Non, c'est horrible. On avait déjà entendu, ouais, faire fumer plusieurs cigarettes d'un coup. Non, lui, il fait bouffer le tabac, là. Tiens, on a qui au téléphone? Théo, en direct avec nous. Théo. Salut Théo. Bonjour. Salut l'équipe. Coucou. Et il y a Cédric, là, ce matin, c'était un papa qui nous a écrit, mais ça, c'est horrible aussi. Moi, j'ai deux filles. Quand une fait une bêtise, je donne un Kinder à l'autre et je lui dis de la regarder manger. C'est bien ça. Ah, et puis il y avait aussi Taïmala Spaltin qui nous disait que pour le punir, son père l'avait fait sortir à poil dans la résidence parce qu'il avait volé un bioman. Et qu'on vole pas les bioman. Ouais. Putain, à poil, c'est grave. Ah, et Momo, lui, il a des gosses, 21 ans, Momo. Mes enfants ont peur du noir. Je les enferme dans leur chambre. Dans le noir. Ah bah voilà, super. Pratique. Eh, pas mal ça. Bon, alors toi, Théo, t'as été puni quand t'étais. T'as 19 ans là aujourd'hui. Hein. Ouais. Oui. Tu es encore puni. Non, c'est bon. Romano, en fait, ta mère, elle te punissait de bain quand tu. Ouais, elle te lavait plus. Quand t'avais 19 ans. Elle te ramenait plus ton petit déj. À 19 ans, déjà, je n'étais plus chez mes parents. Ah, tu vivais avec la gothique, c'est vrai. Ah, tu mangeais des raviolis seul. Avec la gothique. Eh oui. Je vais manger mes raviolis seul. Voilà. En boîte. En parlant de raviolis, Saïd le routier, mon père m'a acheté une casserole dans la gueule. Je me suis baissé, bing, c'est tombé dans l'arcade à ma mère. Et après, je me suis fait défoncer. Bien vu l'esquive. Ouais, c'est pas mal. Et puis, à l'hôpital aussi, ça a dû être ouais, sympa, c'est bien la soirée. Et le poteau du 9-5, quand il faisait des conneries, il avait rien du tout. Tranquille. Putain, pareil, ma grand-mère, un jour, elle est venue pour me taper d'une baffe et elle a tapé dans le frigo. Ah non, elle s'est claqué la main. Elle s'est cassé la main. Mais c'est elle qui t'avait pris tes chaussures une fois, t'étais arrivé trop tard. Non, ça c'était mon grand-père. Ah, c'était ton grand-père. J'étais rentré tard, il a ouvert la porte, il m'a dit donne-moi tes chaussures, je lui ai donné, il a refermé la porte. Il sert ce qu'on met dehors. Salam alaikum. Et toi, il t'est arrivé quoi, Théo, alors? Ah la vache. Alors moi, ce qui se passait, c'est quand je rentrais de l'école, en fait, je faisais genre, j'avais jamais de devoir, maintenant, elle est voir la directrice. Elle est revenue, elle a rempli une baignoire d'eau froide, elle m'a pris, elle m'a balancé dedans. Ah non ! Voilà, un petit bain. Ça, t'as pas fait ta mère ? Ah ouais, ça, moi j'ai eu ça. Non, d'eau froide. Ah ouais, le frotter, c'est déjà arrivé ça. C'est quand les gosses, ils font une crise de nerfs, tu les fous sous la main. Ouais, ben moi c'était ça. Moi, mon père, il me balançait au large à Marseille. Oh, tiens, on va se débarrasser de la saloperie. Ouais, dans un sac. Un sac avec des cailloux. Ah ouais. Tiens, démerde-toi maintenant. Non, mais genre, je cassais les couilles, je faisais des crises, et tu vois, et genre, soit on allait sur les rochers, soit on partait avec le bateau ou quoi, il me disait, tu me casses les couilles, il me jetait. Et tu sais, ça te remet les idées au clair. Hein. Ah ouais, c'est clair. Il partait avec le bateau. Non, après, il revenait me chercher au bout de deux minutes. Mais genre, allez, va réfléchir un coup, tu vois. Me balancer. Ouais, pareil, ouais, moi, j'ai un pote, il l'a fait avec sa gosse. Et, ah, ça te calme. Elle faisait direct, des crises de nerfs. Il a dit, attends, je vais te calmer. Il l'a emmené sous la douche, douche froide. Ouais, il s'est calmé direct. Ah, moi, j'ai eu ça. Elle était se coucher derrière. Ouais, tu faisais des crises de nerfs. Ah, mais je faisais des crises de nerfs à ma mère, laisse tomber. Elle me tirait par les cheveux. Maman, je crie. Ma voleuse. Non, mais elle me tirait par les cheveux. Elle me foutait sous l'eau froide. Mais le problème, c'est que ça ne me calmait pas. Au contraire, ça me. Ah ouais, putain. Ah ouais, non, mais moi, je devenais encore plus. Ne me mets pas d'eau dessus, je vais faire une crise de nerfs. Ah non, non, ça me rendait dingue. Tiens, Gustavo, son père, il l'obligeait à casser un de ses jouets préférés. C'était la punition, ah ça. Non, c'est ah horrible, ouais, ça. Douche froide également pour Mama, 17 ans. Mama du 38. Donc, toi, t'as d'autres punitions qui t'ont marqué, Théo? Non, par les lignes et l'eau froide, non. Ah, les lignes, ah, les lignes aussi, ouais, à recopier, ouais. Ah, putain, ça, j'en ai jamais eu, moi. Ouais, pareil, ouais, prof, quoi. Ouais, ouais, ma grand-mère, ouais, ouais, allez, au bahut, ouais, ouais, ouais, ouais, de toute façon, ma grand-mère, elle savait pas lire, donc c'est bon. Ouais, mais pareil. Je pouvais faire des dessins. Ouais, je faire n'importe quoi. Ah, si, moi, le dico, moi, on faisait apprendre une page de dico, il fallait que je récite après. Par cœur? Ouais. Oh, putain, mais comme c'est inutile, ah, bah, ça sert à rien, en plus. Mais qui c'est qui te faisait ça? Ma grand-mère. Ah, ouais, c'est bien les trucs ouais, anciens, ça. Ouais. Ouais. Bah, elle était institutrice en plus. Ah, donc, tiens. Pendant que je finis le pastiche, tu as écrit. Écris la page. Ok, ma vie, mais tu m'as laissé ça 20. Quand même. Voilà. Tiens, moi, mais Carmelo du Luxembourg, tiens, qui dit moi. Mon père, il me lâchait dans la forêt et il venait me chercher une heure à frais. C'est horrible. Putain, ça c'est badaud. Après, un jour, il va pas te retrouver. Peut-être dans la forêt la nuit. Ouais, putain, il va pas. Comme il a dit, il va pas le retrouver un jour. Il est où le gosse? Et Nas, lui, c'était quand il était petit, sa mère lui prenait sa Game Boy. Et un jour, elle l'a même, parce qu'au bout d'un moment, elle en avait marre, elle l'a déglingué au marteau devant lui. Ah ouais, carrément. Oh non. Ouais. Ah putain, vous avez vu le message du Niçois? Non. Le Niçois, ma cousine a dû boire une bouteille de vin rouge à 7h30 du matin après sa première cuite. Ouais. Génial. Oh non. Elle est rentrée bourrée chez elle. Bah attends, c'est même un cadeau, ça. Ah non, ça dépend pour qui, Marie, tu sais. Ah, génial, du rouge. Non, bah attends, ta première cuite, tu files de l'alcool, mais laisse tomber. Non, mais je crois que ça doit être le délire. Elle est rentrée à 7h30 ouais, tiens, bourrée, ses parents ils l'ont attrapé. Ah, ouais, bah tu veux boire, bah tiens, une bouteille de vin et tu vas la boire. Ouais, tu l'as fini. Ouais, ils auraient pas eu l'air con si t'as pas un comédie aussi. J'ai déjà entendu ça, ouais. Comme ça a dû la rendre malade. Putain. Ah ouais. Non, mais surtout, elle aurait pu se retrouver à l'hosto. T'imagines, elle a dit, ouais, comme elle dit, tu la fous mal, quoi. Ah merde. Non, mais on voulait elle pas, on l'a pas fait exprès. On voulait la punir. Elle est morte, mais elle est, bon, bah, écoutez, on a pas voulu, hein. Tiens, il y a le verre à moitié plein. Ses parents lui ont pris son téléphone pendant un trimestre. Il dit, j'ai extrêmement souffert. On a eu plein de téléphones confisqués, là, depuis tout à l'heure dans les messages. Il y a Vin 62. Moi, je mets les doigts de mon fils dans la prise. Non, mais non, mais. Bon, mais non. Des lignes pour Mataora Tritranki. C'est compliqué à lire comme pseudo, mais c'est à peu près ça. Ah, interdit de nourriture pendant deux semaines, Alexandre. Mais tu faisais quoi? Ils sont tarés. Ah bah, tu maigris. Dans ces cas-là, tu maigris. Quand avec un peu de chance, tu maigris, oui. Bah, moi, sinon, quand ma mère, je la foutais à bout, elle prenait une ceinture pour me taper, mais le truc, c'est que je courais plus vite qu'elle et je me foutais dans la couette. Elle était bourrée, la vieille. Elle tombait au bout d'un moment, elle n'arrivait plus à marcher. Bourrée, arrête. Si, elle était bourrée. Mais non, elle était très bien. Simplement, je me foutais dans la couette, tu sais, je m'entortillais, elle pouvait toujours taper, et en fait, je me marrais, ça la rendait, mais folle. Folle de rage. Il y a comme Madonna, là, il y a Estelle qui se faisait enfermer dans des placards. L'anonyme, elle a 17 ans, elle se faisait enfermer dans la cave pendant le repas. Oh. Voilà. Non mais ça, c'est horrible, je trouve. Enfermée dans une cave, ouais, c'est ouais, dans la cave, ouais, c'est chaud. Si t'as 6 ans, par exemple, tu dois avoir peur. Ça, il y a Obliterator. À Noël, je faisais une liste de ce que je voulais le plus et de ce que je voulais le moins. Et à chaque fois que je faisais une bêtise, ma mère rayait un jouet. Oh non. Attention, il en reste plus qu'un. Mais tu sais, c'est comme le truc. Et il reste le plus pourri. Ah ouais. Tu sais le truc aux États-Unis là pour les enfants où ils offrent genre une banane entamée ou un truc comme ça, tu sais, ils font des beaux cadeaux. Ah oui, c'est l'Américain qui fait ça, c'est pas Jimmy Fallon, je crois. J'ai pas compris. En fait, c'est un présentateur télé américain et tous les ans il fait ça depuis quelques années là à Noël. Fait pleurer les gosses. Ouais. Il demande aux parents en fait, offrez-leur un cadeau pourri. Ouais. Et filmez-les. Et les parents, tu vois, genre, par ils exemple. Ils sont à fond, genre. Ouais, ils sont à fond. Donc, par exemple, le gosse, ouais, il va déballer, dedans, il va y avoir une peau de banane, tu vois. Et le gosse, et 9 fois sur 10, le gosse, il chiale. Ouais. Il chiale, ou alors, il y a des gosses, ils pètent des caves, tu vois, genre, ils jettent le truc. Vois, et les parents, ils sont contents, ils se foutent. Ouais, ouais, gamin. Mais c'est drôle. Et après, le mec, il passe ça à la télé. Mais c'est vrai que, ouais, c'est marrant. Bon, bah, les punitions de quand on était gosse. C'était marrant, ça, en tout cas. Ça rappelle des souvenirs. Ouais, vraiment. Bon, et tu ferais quoi comme punition à ton gosse, Romano? Admettons, tu as un gosse et il est chauve, hein, et il te vole de l'argent. 50 euros. comme ça. 50 balles. Réfléchis Théo, je vais te demander à toi aussi ce que tu ferais si ton gosse il te volait 50 euros. 50 balles, tu me l'as déjà moi. Alors, tu ferais quoi toi Théo? Coupe la main. Le coup de martinet direct. Coup de martinet. Ah ouais. Non, mais non, pas traditionnel. À genoux devant le palier. Ah non, à genoux devant les voisins sur le palier en slip pour la bonne couille. Pas mal. C'est horrible aussi. Non, non, je donne plus d'argent de poche. Hein. Alors, il te vole tes 50 euros, Romano, ton fils. Comment tu l'aurais appelé? Oh, j'en sais rien. Picsou. Bizigu. Picsou. Bizigu, tiens, ouais, super. Bill Gates. Non plus, non. T'as vu la gueule qu'il a, quelle horreur. Ouais, mais il est riche. Ah ouais, il est riche, mais il est moche. Il est moche. Alors? Ouais, putain, que. Il te pique 50 euros comme ça dans ton portefeuille. Vite. Non, mais je sais qu'il faut pas, mais je pense que j'y mets une baffe, moi. Ça serait ça, la punition, une baffe. Ah, non, non, non, il y aurait pas que ça, non. Ah, il y aurait quoi d'autre? Non, mais déjà, bah, je lui dis, vu que tu m'as volé de la thune, déjà, tu vas me la rembourser. Ouais. Et là, il te fait, papa chauve, j'ai rien. Eh ben, tu vas travailler. Parce qu'il a pas d'argent, tu auras jamais rien. Non, mais je le fais travailler. Mais à 13 ans, tu le ferais travailler. Ouais, ouais. Je dis, va vendre la drogue. Va sur le trottoir. Va vendre la drogue. Tu démerdes. Faire le ménage ou genre de conneries. Non, non, mais c'est pas moi qui vais le payer. Il trouve un taf ailleurs, tu sais. Bah, non, mais justement, il est pas payé. Non. Il rembourse. Non, non, mais c'est bon, non, il va faire le ménage, il va mal le faire. Et puis Cariole va faire une crise. Elle aime tellement faire le ménage. Ah oui. Ne lui vole pas son plaisir. Non, mais après, je le punis, ouais, je lui enlève, genre, privé de nourriture. Bah, déjà, plus, ouais, bah, ça. Privé d'électricité. Ouais, je le prive de tout. Est-ce que tu ferais comme Maître Pims, tu le suspendrais par la fenêtre, en le tenant par les pieds? Non, mais c'est voyant, ça, les voisins, ils peuvent ouvrir leur gueule. Sinon, tu le pends, mais par le cou aussi, tu peux. Ouais, c'est plus dangereux. Oui, c'est plus dangereux, ça peut être dangereux, ça faut pas faire, ça. Mais travaille pas, Michael Jackson, il a sorti son gamin par la fenêtre. Ouais, il est sorti par les pieds, il avait secoué pour le montrer aux journalistes. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah, Michael Jackson et les enfants. Ah, bon délire. Ah, là, là, là, là. Et donc, Marie, tu lui ferais quoi, toi, s'il te volait de l'argent? Ah non, mais moi, ça va pas le faire, moi. Non, mais là, moi, j'ai pas d'argent, je, moi. Non, mais ce que je disais à Romano, c'est moi, je le ferais bosser déjà, je le ferais faire la vaisselle et tout le bardal. Et tout le bardal. Et puis surtout, je lui donne aucune thune, quoi. De toute façon, j'en ai pas. De toute façon, j'en ai pas. C'est assez simple. Bon, maintenant, c'est plus. Oui. Oh, t'es soft au niveau des positions. Ouais, ouais. Ouais, bah si, j'aurais pas. Le Steph, 14 ans, ma mère, elle m'enfermait, il nous dit, dans ma chambre, dans le noir, alors que je suis claustrophobe. Ah non. C'est pas mal. Pas mal du tout, ça. Bon, bah écoute, on a fait un petit tour des punitions. On a une autre dose pour. Ah ouais, il y a Vinks, bon, hein. Vinks, il a ouais, souffert. Vinks, c'est hard. J'avais jeté de la merde sur mon cousin et mon grand-père à table m'a servi de la merde dans l'assiette en punition. Ça va pas. Ça veut dire pas si tu l'as mangé. Ouais, ça veut dire le grand-père, il allait chier. Oh. Ouais. Le caca, c'est bon. Oui, Cédric. Le caca, c'est bon. À manger, je suis pas sûr. Oh, non. Mais bon, mais bon. Alors, Théo, toi, t'as appelé également pour une histoire rencontre, c'est ça aussi, hein? Ouais. Ouais, avec Victor. Ah, Victor, on nous a appelé tout à l'heure. Victor, en fait, il nous a appelé parce qu'il discutait avec une meuf, bon, super bonne a priori, d'après la photo. Le problème, c'est qu'elle est bizarre, elle donne pas son numéro, elle lui dit, ouais, viens, il y a un pote à moi en plus, on va baiser à trois. Elle donne le numéro du pote. Le seul numéro qu'on a, c'est le numéro d'un mec, quand tu parles, il parle comme ça. Donc, salut. Elle veut pas donner le numéro, mais elle donne l'adresse. Donc, a priori, il est une grosse voix pour une meuf et des grosses couilles pour une meuf. Ouais. Donc, Victor avait dragué sur Tinder. Et alors, toi, il t'est arrivé quoi, Théo? Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que, j'étais, en fait, sur Tinder. Et j'avais matché avec, du coup, bah, c'était un mec. Mais tu savais... déguisé en meuf. Et en plus, sur sa photo, c'était vraiment lui déguisé. Il avait la même tenue et tout. Ah, mais c'était un travelot, ouais. J'en connais une, moi aussi, qui vient nous voir régulièrement dans la semaine. Je suis et là, une femme. Voilà, c'est mais ça. Mais je suis une femme. Mais t'avais repéré que c'était un mec. Sur la photo, t'avais vu que c'était un mec ou alors il ressemblait à une meuf? Non, parce que il s'était rasé totalement. Ah, c'était grimé, ouais. Ouais. Et du coup, en fait, il avait une perruque et tout, et on l'avait pas, et j'avais pas kiffé, en fait. C'est pas mal, hein. Et quand j'y étais, en fait, j'étais dans l'hôtel avec lui. Mais il avait quel âge, ce mec, par exemple? 72. Je sais pas, il avait pas son âge, pour le coup. Mais il faisait quel âge? Il faisait 20, 21 ans. Ah ouais, il était jeune, ouais. Ouais. Et après, donc, t'as été à l'hôtel? Ouais, j'ai été à l'hôtel, et ce qui s'est passé, c'est que quand il a fermé la porte, il y a une orange qui est tombée de sa jupe, du coup, ça veut dire qu'elle était dans son soutien-gorge. Ah, il avait des seins. Mais c'est même pas des seins en plastique, c'est des seins en orange. Il avait mis putain, des c'est, les, ouais, c'est le travelot disco. Ah ouais, c'est clair. Là, tu t'es tombé dans le loco, c'était quoi. Ouais. T'es tombé dans le pacha. Et là, t'étais à, là, t'étais à l'hôtel avec lui, là. Quoi. Voilà. Mais t'étais dans, c'était dans la chambre d'hôtel, ça. Voilà. Ah putain, comme t'as et dû flipper. Et quand j'ai voulu sortir de la chambre, oui, il y avait deux mecs super balèzes qui étaient en train de guetter la porte. Ouais, allez, toi, tu sors pas, tu te fais enculer avant. On va te baiser ce soir. Ouais. Oh, mais t'as dû flipper. Et au final, tu t'es fait ken ou pas? Non, ce qui s'est passé, c'est que on était au deuxième étage et j'ai sauté par la fenêtre. Ah, tu t'es barré, t'as eu peur? Ouais, j'ai trop flippé parce que le mec, en fait, il a enlevé sa perruque, tu vois. J'enlève ma perruque. Le mec, il s'était mis à poil, il fait, allez, viens. J'ai flippé ma race. Ah bah, je suis parti, j'ai sauté par la tête, mais je suis parti en détalant. J'avais mal à la cheville, mais je suis parti. Ah bah, moi, j'aurais, oui, dans ces cas-là, moi, j'aurais volé même. Bah, surtout si t'as deux mecs, ouais, musclés à l'extérieur. Mais n'aie pas peur, petit. Voilà, là, je suis sous morphine, tu peux me faire ce que tu veux. Ah ouais, je suis tout à toi. Oh, merci, Cédric, ça va. Voilà, vas-y, fais-moi tout, regarde. Voilà, je suis tout ouvert. On a pris pour faire Romano. Oh ouais, vas-y, fais-moi du sale. Sale. Je crois que t'en fais déjà avec ton cul. Ah ouais, du très sale. Donc attention, on vous l'a dit, attention aux rencontres. Attention danger. Oui. Attention. Faites gaffe si vous draguez. Merci Théo, raccroche pas en tout cas. D'accord. Et on t'envoie le t-shirt collector Skyrock, on t'envoie ça. À la maison. Bisous à Tours. Et on va faire tourner la roulette. Skyrock est sur Deezer. Oui, Deezer. Yeah. Et ouais, on a débarqué sur Deezer et on vous offre le forfait gratos. Premium Plus. Premium Plus. Donc en fait, l'abonnement Premium Plus. Vous avez accès à tous les sons de Deezer, donc il y a tout. En illimité. Et vous avez en plus sans pub les radios Skyrock. Ouais. La nôtre. Vous avez également. Enfin bon, vous allez voir, c'est super. C'est ce qu'on vous offre maintenant. Donc c'est gratuit. Un an d'abonnement gratuit. C'est vrai que c'est bien. Donc vous aurez toutes les nouveautés dès qu'elles sortent. Vous aurez tout en fait. Tous les sons que vous voulez écouter. Si vous les voulez, eh bien, on vous file l'abonnement Tinder pour fêter l'arrivée de Skyrock sur Deezer. Non, c'est 10h. 10h. C'est 10h. Tu pensais à Victor. Ah non, il est 11h57. Ouais, bah oui, c'est bien. Mais c'est le nom, c'est 10h. Non, mais il est bien l'abonnement, moi je l'ai. Bon, je paye. Ouais. Mais je l'ai et il est super bien. Pour vous, c'est gratuit. Allez, vous inscrivez, vous envoyez roulette. Elle paye la nasse. Ouais, Marie. Alors qu'elle peut faire tourner la roulette. Ouais. Roulette au 7-20-20. Vous envoyez le mot de passe roulette au 7-20-20. Et on vous rappelle dans un instant, vous vous retrouvez en direct avec nous sur Skyrock et on fait tourner la roulette. Et là, on va faire tourner un son qui déchire. C'est C'est Shai. Shai que j'avais promis tout à l'heure. Allez, un petit Shai, c'est parti. Oh, c'est bien ça. Hey, découvert sur Skyrock. Sur ce canal. BMW. Shai sur Sky. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent engranger. K.O. de peu m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchons dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million. Et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches comme un ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bando. Busy money, weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Pour marcher sous les mauvais sentiers. Posé dans le piège, on parle de rêves financiers. Je préfère faire laser à fils de bourge que mendier. Mes négros agissent en plan fuck ton plan B. Ça mélange le rebel, lingala et l'anglais. Pied de chebu pour commettre truc insensé. Mais qui a tort, sur moi pas nous. On essaye tout, tu vis sans tenter. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million. Et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la money, weed et un tas de blame pour. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches comme la ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bando. Busy money, weed et un tas de blame pour. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Yes. sur Skyrock. S-H-A-Y. Shy, on écoutait PMW. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, tous les soirs on est là, 21h minuit sur Skyrock. Il est pile minuit, on va faire tourner la roulette dans un instant. On a fait plein de choses ce soir, on a eu Cédric complètement drogué il y a une demi-heure sous morphine, c'était impressionnant. Ouais, ouais. Il n'a pas supporté sa défaite au Clash. Non mais tu sais que je l'ai eu après en antenne, mais il me parlait, il me fait... Je lui dis vas-y, on te rappelle demain. J'ai tout compris ce qu'il m'a dit parce que moi je parlais pareil. J'ai fait, Non mais il partait complètement en couille. Eh, c'est la morphine. Bah ouais, c'est ça. Et sa clavicule cassée et ses cuts cassés également, hein. Et le cul cassé depuis ce soir, puisque Euroclash, en tout cas, c'était assez soft au niveau de le. Oui, c'est vrai. De la défaite. 52 ouais. pour Romano, 48 pour Cédric. Bah bon, j'y vais mollo. Ouais. Bon. Bon, merci les familles qui ont participé au double appel sans le savoir, mais c'était super. Ah ouais. Bon, on a eu de bonnes familles du double appel, des familles c'est de vrai. Lorraine, hein, tout à l'heure. C'est ça, ouais. Merci aux familles de Lorraine. Vivement le prochain double appel demain soir entre 21h et minuit. Ça peut arriver à n'importe quel moment de, l'émission, hein. C'est comme vous, si vous avez envie de passer dans l'émission, n'hésitez pas. Vous nous passez un coup de fil entre 21h et minuit. Ou alors vous nous laissez des messages, hein, faites comme Planète Rap, comme Jules, comme Niamor, comme SRT également, comme Radio Libre Pays Grec. Vous envoyez tout ça sur tous les réseaux, le 41759, l'appli Skyrock également qui marche très bien et c'est gratuit en plus. Ouais. Et le skyrock.fm pour agir à tout ce qui se dit dans l'émission. Bon, on a eu plein de punitions ce soir. Ah ouais. Mais écoutez. Ah bah là, c'est bon, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Après notre petite compile de ce matin, j'avais promis qu'on y revenait. Et on y est revenu, c'est bien. Bon, sinon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? On a la roulette qui va tourner. Ouais. Yep. Ouais. Quentin avec nous. On a parlé des rencontres aussi, des travestis. C'était super. T'es là, Quentin? Ouais. Salut Quentin. Alors Quentin, salut. Tu vas jouer avec nous, tu vas faire tourner la roulette, tu t'es inscrit et écoute, tu vas faire tourner pour gagner 10 heures. T'as déjà dragué toi sur des réseaux ou alors tu fais méthode classique, tu dragues en face à face toi? Un peu des deux. Ah. Et alors sur les réseaux, t'es déjà tombé sur des, je sais pas, t'as déjà eu des conversations un peu bizarres, t'es tombé sur des gens un peu chelous ou pas? Un petit peu, ouais, ça arrive. Du style par exemple, une femme mais qui avait des grosses couilles. Comme on disait tout à l'heure avec Un bon travelot et des bonnes grosses bouboules. Mais peut-être qu'il aime les mecs. Des bons fakes surtout. De quoi? Ah, des bonnes bites directement. Bon fake. Des bons fakes sur Facebook. Ah, des bons fakes sur Facebook. Il y en a un paquet, c'est clair. Il y a plein d'auditeurs d'ailleurs qui nous laissaient des messages et qui nous disaient qu'ils étaient tombés sur des mecs. Et il y a Quentin qui nous laissait un message tout à l'heure qui lui aussi s'était fait draguer. Et avant d'aller au rendez-vous, il a appelé le numéro du mec qui avait une voix de femme. Sauf que quand il a décroché, ce jour-là, il avait oublié qu'il avait une voix de femme. Donc, salut, excuse-moi, j'ai eu un problème. C'est comme si Pamela, par exemple, quand on l'appelle, avait une voix d'homme. La voix de Romano, ouais. Par exemple, ça ferait un choc, hein. Alors que pas du tout, je suis une femme. Exactement, une femme. Une vraie. Une vraie. Ah ouais. Et t'as déjà concrétisé, t'es allé au bout d'une rencontre sur les réseaux, Tinder, Smax, tout ça. Jamais. Face à face, oui, mais pas sur les réseaux. Pas sur les réseaux, donc tu vas draguer, mais c'est pourquoi? C'est pour passer le temps, te branler. Les deux. Rencontrer. Passer le temps, te branlant. Tu as vu, moi, les réseaux, moi, j'ai jamais conclu et tout, mais pour m'amuser, je suis déjà allé voir, c'est marrant, franchement, pour brancher. Tu rigoles? Ouais, c'est drôle, parce que tu vois des profils défilés, tu passes comme ça. Ouais, tu dis, elle est pas mal. Ouais, je la baisse pas. Au final, tu baisses pas. Mais je te jure, c'est. On l'a fait avec Pamela. Ouais, je sais, ouais. On l'a fait toutes les semaines, Marie. Toutes les semaines avec Pam, je sais. Mais c'est nouveau. Oui, c'est nouveau, Marie. Romano, par exemple. Mais on le fait quand même depuis la rentrée. Avec Romano, qu'est-ce que tu veux encore? Non, mais voir si tu matches. Même Romano y match, t'as pas eu Pamela tous les vendredis? Ouais, mais c'est pas pareil. Je ne suis pas Romano. Exactement. Ah ouais, Marie, t'as pas écouté le clash de la ride, ça match. Bah si, ouais. Comprends rien. Mais ça match. Bon, Quentin, allez, on est prêt pour la roulette. Tu vas gagner 10 heures, l'abonnement premium plus à 10 heures avec Skyrock dessus et avec tous les sons. Skyrock t'offre ton abonnement premium plus d'un an. Skyrock à 10 heures. Ouais, pendant un an, t'as accès à toute la musique que tu veux et à Sky en plus. Quentin, c'est parti, ça tourne, tu dis stop quand tu veux. C'est bien, t'es dans ton lit toi Quentin, non? Ouais, c'est... Non. Pas loin alors. Alors, 10h pour toi, l'abonnement premium plus pendant un an, allez hop, c'est pour toi, c'est gagné. Ah nickel, merci, c'est cool. Tu pourras écouter du son à volonté, c'est gratuit en plus. Tout gratuit, ouais. Tout gratuit pendant un an. Ah c'est bien. Bravo Quentin. Nickel, merci, c'est cool. Bah écoute, bonne soirée à toi. Merci, vous êtes bon, merci Skyrock. Bah t'es pas mal non plus. Tu fais quoi dans la vie toi Quentin? Je travaille juste dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Bon courage. 19 ans, dans le bâtiment. Eh ben, on te salue, Quentin. Tu salues tout le Havre pour nous. Merci, bisous. Salut, bisous. Allez, salut. Salut. Et rendez-vous demain soir, 21h minuit. C'est le rendez-vous de la Radio Libre sur Skyrock, la plus grande radio libre de France. Tous les soirs, dès 21h, on compte sur vous. Ne loupez pas le début, ne loupez pas la fin, ne loupez rien. Demain soir, en direct sur Sky. Attention, demain matin aussi, on est là. Et ouais, demain matin, dès 6h. Yes. On se réveille avec vous. Il y a Ben du 78 qui nous dit à demain 6h, les potos. Bien vu, Ben. Demain, dès 6h, d'attaque pour démarrer la journée sur Skyrock. On la démarre ensemble. On vous prend au saut du lit. Et puis, on vous offre 1 500 €. Bah, tiens, inscrivez-vous au 720-20. Envoyez 1 500, 720, ouais. Vous inscrivez maintenant, vous appellera peut-être demain matin. Ouais. Demain matin, 1 500 € à choper dans le morning, vos conseils pas chers, les réveils de stars, la compile du morning, le sondage du morning, les le winner, top loser, ouais, le top lose, le top win, les invités mystères, il y en a des choses, hein. Eh ouais. Attends, on va pas se faire chier demain, ça je vous le dis. Et de la thune, mais ouais. Eh ouais, il y en a marre de la thune. Mais pour des Skyrock, c'est 1 500 €. Demain matin, morning. Demain soir, radio libre. Et avant tout ça, il y a Prisca qui arrive. Ouais. Eh ouais. C'est parti, Prisca. Urban Music non-stop toute la nuit sur la première radio urbaine mondiale, Skyrock. Et ça démarre avec Travis Scott. Ah, Travis Scott. Tu aimes bien Travis Scott? Pick up the phone, Prisca. Oui, très bien. Moi aussi, j'aime bien Periscope. Travis Scott. Bon, je vais faire un tour sur Perry. Et puis rendez-vous demain matin. Bonne nuit tout le monde. Bonne et nuit. À demain. Ciao. Salut. Ciao. Tous les matins, Diffoul a déjà distribué plus de 50 000 euros en cash. Quelle est ta radio préférée? Eh ben, c'est Skyrock. Mais oui, bravo, bravo. Ouais. Une trentaine, une cinq, pff, enfin des masses d'iPhone 7. Ton iPhone 7, le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des familles. Je vous amène votre nouvelle télé ce matin. Oui, ben arrive, tu vas voir, je vais te recevoir. Ah bah, et puis surtout, n'oublie pas les 5000 euros, mon Jackie. Des stars ont réveillé la France. Wesh, l'équipe, c'est Jules, Maître Gims, c'est le Black M en personne. Oui, moi je suis vierge mariée. Ouais. On direct de l'appart, 6h09. The morning show. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Yeah. Oh yeah. Ooh. Oh. Yeah. Travis Scott. Tugger, baby. I just went got my door. Pull it off and I'm gone. Then I go up before. Then I roll up, then roll up. Then I'm calling your whore. Like, pick up the phone, baby. Like, I know you're home, baby. It's lit. I'm in the zone, baby. Straight up. I just put up a fall, baby. Yeah, yeah. Remember when I cheat on you? Remember when I came in trees? Blowing a bag on you. I'ma pull up in my two, hit in the block and I'm leading, throwing that rolling on you. I like the way it be freezing. Pick up the phone, baby. I know you're home, baby. It's lit, I'm in the zone, baby. Straight up, I just put up a fall, baby. Yeah, yeah. I'm a part of that enemy. Lean like my motherfucking granny. Super Bowl ring, we be about to be. I stacked it up, now I'm just better living. Got screws in my mouth, I'm just prepping it. I'm fucking this cash on my celibate. I'm packing it out like a reverend. I need all this cash, I got hella keys. I'ma play dumb and get left in the middle. Yeah, yeah. Bad the fuck up, you too little. Wow. Hit him with three like a middle. Yeah, yeah. I don't talk to no man in the middle. I don't talk to no man, I'm just kidding. Swap. But I did pay my sister tuition. Woo. I feel lucky, I should play the lottery. Yeah. Walking out with it like signing list. Woo. Mama told me I'm her brightest star. Yeah. Mama told me don't hate on the law. Because everybody got a job. Yeah. Because everybody won't be a star. Real shit, real shit. Please believe every motherfucker right here won't be a part. She gon' do anything in her power to be with your vibe. Pick up the phone, baby. Like, I know you're home, baby. It's lit, I'm in the zone, baby. Straight up, I just put up a fall, baby. Yeah, yeah. Never will I cheat on you. Never will I keep it greasy. Blowing a bag on you. Do all of that for no reason. I'ma pull up in my two. Hitting the block and I'm bleeding. Throwing that rollie on you. I like the way you be breathing. Pick up the phone, I'ma call the cook and baby, I'm alone. I thought I was right, then I had to man up, I was wrong. I hate when we fight, she in love with the pipe. I draped her up in ice, I put my phone on ice.